qui est pété aussi. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ben, content de vous retrouver en tout cas ce soir. Fred, tu retrouves tout le monde et on te retrouve, nous aussi, demain soir. En direct entre 20 et 21 pour la suite de ce gros Planète Rap cette semaine. À pas louper, ouais, avec du MHD, du SCH, du Joule et du Escrow. Voilà. Et ben, c'est demain, ça recommence 20h, 21h pour la toute dernière de la semaine. Ciao, ciao, bonne ciao, soirée dans cette ambiance. Et un gros match ce soir avec Cristiano Ronaldo qui a un bouton sur le front, les filles, je vous le dis. Ah oui, c'est vrai, il a une cédricite sur le front. Ouais, une grosse cédricite. T'inquiète, à la mi-temps, il va enlever ça direct. Il y a son dermato, il est en coulisses. Et son chirurgien esthétique. Ouais, aussi, ouais. Donc Cristiano, ah, j'espère que bien joué. Et les Polonais en face, donc la Portugal contre la Pologne. On va prendre des fans, des supporters du Portugal, des supporters. Je sais si je suis un peu portugais, un peu polonais, moi. Ouais, oui, oui, c'est ce que tu nous as dit, et effectivement. Bah oui, j'ai un peu de sang polonais. Hein. Bah oui. Mais bon, j'aime bien le Portugal aussi. Bon, faut voir ça avec vous. Donc, polonais, portugais, le match à suivre. Retour du foot le soir dans la radio libre. Et puis, retour de Planète Rap demain, 20h, 21h. Avec toi, Fredo. On arrive tout de suite. On met la pub en spin et on suit le début du match en direct. Et vous tous en direct aussi, hein. Jusqu'à minuit. Eh oui. 01 53 40 30. 20. Bien, Fredo. De rien, je suis. Ouais. Je suis japonais. Japonais. Polonais. On salue Niska d'ailleurs. Ouais. Ciao, Niska. Zé Foucoro. Ouais. Merci, ouais. Allez, c'est parti, Radio Libre. Un petit peu de pub très vite. Et après, Romano va faire rentrer la monnaie. Vas-y, pas de problème. Et après, c'est parti avec vous en direct jusqu'à minuit. Ciao. Ciao. Ciao. Un iPad mini à gagner tous les matins dans Morning Best. Morning Best. Le meilleur du morning de Deadpool sur Skyrock. Qu'est-ce qui lui arrive ? Pour la sortie de Conjuring 2, le Caenfield. Au ciné avec Skyrock. C'est dans ma maison. Écoute Morning Best de 6h à 9h et gagne ton tout nouvel iPad mini. Tout va bien, Janet ? Conjuring 2, par le réalisateur d'Insidious et Conjuring. Je n'applique pas. D'après les véritables dossiers des Warren. Maintenant, dites-moi quel est votre nom. Le 29 juin au ciné avec Skyrock. C'est déjà le milieu de l'année ? L'heure des premiers bilans ? Moment, au 71-777. Nos astrologues vous guident dans vos démarches futures. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Des réponses précises sur ce que les astres vous réservent pour la suite de l'année. Moment, au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Après le succès de SCH dans Planète Rap. SCH dans Planète Rap. SCH choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Ok. CSCH en concert avec Skyrock. SCH débarque dans toute la France avec Skyrock. Lille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Brest, Strasbourg, Nancy, Lyon, Saint-Etienne, Marseille et Paris. Ouais, ouais, le 12 janvier au Dôme de Marseille et le 13 au Zénith de Paris. Retrouve-moi en concert Skyrock. Skyrock, ça fait... Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Profitez-en, cette semaine, les haricots coûtent à 2,10€ le kilo seulement. Et pour un kilo acheté, le deuxième. Vous êtes sur ma fréquence. Conjuring 2, le Caenfield, le retour du film d'horreur le plus marquant de la décennie. La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Les Warren sont de retour et devront affronter le cas le plus traumatisant de leur carrière. Conjuring 2, le Caenfield, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Ouais, passe pas chinois, ouais. Bonjour. Difool. Oui, je me suis baigné dans les glaces du Groenland. Ouais. Cédric. Sa main s'aventura alors entre mes fesses. Son doigt jouait à l'entrée de mon anus. Wesh les filles, ça va ou quoi? Marie. Ah bah dans la bouche, pas sur le visage. Ah bah c'est clair. Samy. Ah bah, toutes les semaines, on a une meuf qui appelle et qui veut se faire quitter par un mec alors qu'elle est en couple. Momo. Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous? Ça va. Et Karim. Salut tout le monde. Difool Radio Libre. Tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Landowski, Lewandowski, Gros Kiki. Il y en a un qui s'appelle Gros Kiki. Gros Kiki. Ah, c'est Gros Zizki, le joueur de Rennes. Il y a Gros Zizi chez les Polonais. Génial. Je vais faire du ski. Nous avons donc les Polonais qui sont sur le terrain en face de les Portugais. Et Portugal, viva Portugal. Et on va suivre. Et j'ai le droit de moquer des Portugais parce que vive la Pologne. Mais j'aime bien le Portugal. Je sais pas. C'est que ce soir, je sais pas quoi dire pour ce match. Ouais, moi, à fond la Pologne. Ah, bah, bon, quoi, moi je dis Portugal. Parce que la gothique. Et Forza Portugal. Ah ouais, oui, Romano est sorti avec une portugaise. J'aime bien l'accent des portugais. Je sais que tu aimes ça, Romano. Tu aimes bien leur corps. Tu aimes bien leur. Ouais, non, mais ça va. J'ai pas baisé avec tous les portugais. Non, mais une belle portugaise. Eh, viva Portugal. Donc, d'un côté, le Portugal. De l'autre côté, la Pologne. Qui va gagner ce soir? C'est la Trouette. Moi, je vous dis, franchement, je sais pas quoi pronostiquer. Pourtant, je suis quand même le numéro un des pronostics. Vous savez que Unibet m'a appelé. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Bien sûr. Eh oui. Bah, tu penses bien. Mais bien sûr, Marie. Tu penses bien. Pour faire la pub Unibet. Et donc, ouais, alors ce soir, je sais pas quoi vous dire. Alors, vous avez un pronostic, vous pouvez nous laisser ça sur le 41-759. Moi, j'ai dit prolongation. Donc, t'as dit prolongation, ouais, ouais. Mais t'as dit Pologne. Ah, moi, je suis à fond derrière la Pologne. Très après, bien. Je sais pas s'ils vont gagner, mais. Aïe. À Miski, il y a des problèmes. Bah... Vous risquez d'avoir des problèmes ce soir. C'est ça. Romano, j'ai joué le match nul. À la prolongation, quoi. Ouais, match nul, ça veut dire que c'est 0-0, ouais, 1-1, ou 2-2, à la fin des 90 minutes. C'est ça. Et après, il y aura les prolongations. En tout cas, j'ai vu plein de drapeaux dans Paris de Polonais. Ah, les Polonais sont là. Ouais, tiens, je crois qu'on a des Polonais en ligne avec nous. On va les prendre là. Ils vont nous apprendre à parler portugais. Portugal! Viva Portugal pour Romano, viva la Pologne pour Samy, la Marie, t'es pour qui? Le Portugal. Portugal pour Cristiano. Ah, viva Portugal! Ouais, non, pas pour Cristiano. Ah, je l'adore, il est trop beau. Non, c'est parce que j'ai beaucoup plus d'amis portugais que polonais. Moi aussi, ouais. Donc voilà. Portugal pour Cédric. Ouais. Karim. Moi, c'est pour la Pologne, moi. T'as t'es pour le point de vue. Bah, parce que ma demi-sœur est polonaise, man. C'est pas vrai. Et si, man. Tu es demi-sœur polonaise. Ouais, mon père et sœur, c'est une bonne raison. Ça fait des beaux mélanges, tout ça. Et ouais. Et donc toi c'est donc pour la Pologne, pas pour Cristiano. Va pour Caraï. Alors le match à suivre, essayez d'appeler d'ailleurs notre pervers portugais s'il est joignable. Vas-y, on va essayer. On passe à l'antenne, c'est Philippe le portugais. Sinon, on vous a demandé si vous souteniez une des deux équipes. On va faire un petit tour au standard. On a qui au standard? 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Bon, on parle de foot, mais bien sûr pour tout le reste de l'émission, vous nous passez un coup de fil et puis vous débarquez ici. Il si y aura le problème du mois. Il y aura votre problème du mois. Le top bug. On va faire le top bug exceptionnellement un jeudi soir. Parce qu'on est comme ça, c'est un peu la folie. On n'a pas eu le temps de le faire hier, on le fera ce soir. Le top bug que vous attendez avec impatience. Et puis peut-être un double appel aussi avant minuit. Hein. C'est possible. Restez bien là, putain, on s'est marré dans le double appel. On est tombé sur des familles exceptionnelles. J'espère que ce sera aussi bon ce soir. Et puis donc Damien, je le disais, au 01 53 40 30 20 avec nous. Salut Damien. Salut tout le monde. Hein. Salut Damien. Salut. Alors, salut, t'as 22 ans et t'es dans le 28. Pologne ou Portugal? Viva Portugal. Pologne. Pologne à fond. Ah, va pour Caraï. À fond. T'es d'origine portugaise. T'es d'origine polonaise, toi, Damien. Portugais. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, j'ai un peu le même genre de nom que Lewandowski, moi. Ah, tu t'appelles Damienski. Je vais t'appeler Damienski. Ouais, Damienski avec nous en direct ce soir. Donc, toi, évidemment, tu penses que c'est la Pologne qui va gagner. Ah, bah, bien sûr. On va voir ça. C'est parti d'ailleurs pour le match, là, depuis 15 secondes. Il y en a un, il s'appelle Cédric. Oh putain, ouais, Cédric, là. Quel est le joueur l'équipe qui a un joueur qui s'appelle Cédric? C'est le Portugal. La cata. Pourquoi? Mais tu vois, lui, il a mis un accent. Ça fait Cédric, c'est pas Cédric. Oui. Cédric, tu veux pas allumer ma télé, s'il te plaît? Mais t'as la télécommande, couillon. Et couillon. T'es couillon? Bah oui, t'es couillon. Est-ce que je suis couillon? Bah, c'est moi qui l'ai. Oh là là. C'est comme jamais j'ai vu quelqu'un. Ah, couillon. Donc, la Pologne, t'as un petit pronostic pour le score, Damien? Damienski. 2-1 pour la Pologne, moi. Non, 2-1 pour la Pologne, pour Damienski. Je pas la télé. Doublé de Robert Lewandowski, but de Ronaldo. Et Ronaldo, quand même, pour le Portugal, et deux buts de Lewandowski. Ah oui, va pour ça. Très bien, Damien. Ah, t'as la télé, toi. T'as la télé, Ronaldo. Ça fait 30 secondes que je vous dis que la télé elle marche pas. Moi je l'ai. Ah, ça si va. Elle fonctionne, regardez. Bah, ça va très bien. Donc on vous tient au courant de tout ce qui se passe pendant le match. On a Louis. Alors Louis doit être a priori pour le Portugal. On va lui demander bonjour Louis. Ah Louis. Louis. Ouais. Ah, vive Portugal. Portugal. Portugal. Ah Portugal. Donc Louis 15 ans, il était dans le 69 toi Louis, c'est ça? Quoi? Bah, t'es dans le 69. Non, mais quoi, tu vois? Moi, je vais chier. Bon, toi, ouais, je suis dans le 69. Et tu soutiens le Portugal, c'est ça? Ouais, je soutiens le Portugal. Vive le Portugal. Et but de la Pologne! Et but de la Pologne, Lewandowski! Il vient de marquer le premier but, Skyrock est premier sur le foot, bien sûr! Bien sûr! Ah là, tout de suite, ouais. Ah, je savais, il n'y a pas de la Pologne. Ah, une petite réaction, Louis. Tu arrives à l'antenne, tu leur potes la poisse, dis donc, hein. Bravo, félicitations. Et Damien, on lui doit exulter. Damienski, tu es là, Damienski? Ah là là, c'est parfait. Damienski. J'étais sûr qu'il allait se réveiller en plus, Lewandowski. C'est Lewandowski qui a marqué son premier but de l'Euro. C'est sûr, c'est un homme des grands matchs. C'est clair. Et donc, première fois cadré dans le but. Au bout de quoi? Ouais, première fois, au bout de 3 minutes, non? Ouais, 3 minutes, premier but. Bon, ben, bah, on va voir ce que ça va donner. Rappelez-vous, nous, on perdait au bout de 4 minutes. Aussi. Putain, le but, oui. Ouais, en plus, ouais. Joli. Bon, la Pologne 1, le Portugal 0. Comment? Vive Portugal, fait péter les spatules. On va gagner, j'en suis sûr. Merci Damien Ski. Bon, allez, vous voulez débarquer ici? Vous voulez vous aussi soutenir vos équipes? On vous attend 01 53 40 30 20. Tiens, Portugal, je suis chauffeur. Et ben, salut à toi, ami chauffeur, on te salue. Moi, je pense que c'est le Portugal qui va gagner, nous dit Fanny. C'était juste avant le but, ça, les messages que vous avez laissés là. Au 41 759, avec vos téléphones, ou alors avec l'appli Skyrock, ou alors avec le skyrock.fm. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Le foot à suivre, on y revient donc. Premier sur le foot, bien sûr. Merci Damien Ski. Merci. De rien. Et merci malgré tout à Yannick qui va se souvenir de son arrivée sur Skyrock. C'est ouais, son passage. Oh, il va passer une mauvaise soirée, c'est tout. Ah, c'est pas fini. Attends, c'est merci, pas fini, hein. Merci Louis. Louis est arrivé à l'antenne pour soutenir le Portugal. Le Portugal s'en est pris. Default. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais dire un truc sur toute la, pour toute la team Romano. Qu'est-ce que tu veux pour dire Callaghan. Qu'est-ce que tu veux dire à Romano, à sa team et à Callaghan? Allez bien vous faire enculer, votez Cédric. Très bien, le message est passé. Tiens, à la limite, je suis bien content parce que toi, t'es un mec qui porte trop la poisse. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, continue à bien soutenir Cédric. Si, si, c'est très bien. Je te veux pas. Non, je te refuse dans ma team. Romano. Tu fumes trop la poisse. Romano. Ah, je veux même pas te parler. Romano. Oui. Alors Romano, non franchement je t'aime bien, mais celui que je peux voir c'est Callaghan. Ah t'aimes pas Callaghan? Ah ouais, fondateur officiel de la. Enfin un des fondateurs officiels de la team officielle de Romano. Il est sympa hein. Bah toi tu l'aimes bien, il te soutient tout le temps. Non mais même mis à part ça, tu vois, le mec, il a des rigolos Callaghan. Il y a des auditeurs qui sont venus soutenir Cédric, ils étaient très sympas. Bon, ils avaient des goûts de merde, mais ça enfin, je sais pas qu'ils étaient très sympas comme ça dans la vie, quoi. Parle bien. Moi je m'en fous, je suis dans la team Cédric. Demain soir le clash. Je te dis poisseux. Demain soir. Salut Louis, bonne soirée à toi. Tu salues tous les Lyonnais pour nous et les Portugais aussi. C'est pas fini les Portugais, déprimez pas. Le match n'est pas terminé. Puis Damien Ski, merci aussi pour la Pologne. Donc vous êtes pour la Pologne, vous êtes polonais. Tu vas bien quelqu'un qui parle polonais d'ailleurs pour nous apprendre à parler polonais ce soir, ça pourrait être marrant. Ah, viva Portugal, moi je parle portugais. Oui, Romano, je sais que tu parles portugais parce que. Bah, couramment. Tu es quand même sorti avec une portugaise. Viva Portugal, forza Portugal. Elle s'appelait Gothica au Portugal. Ah, Gothica. Gothica, d'accord. C'est ça, gothique. Beaucoup, beaucoup d'amour entre les deux. Ouais, non, mais ça va, c'est bon. Mandanda, Crystal Palace, c'est officiel. Ouais, ça y est, on vous l'a dit il y a 3-4 jours. Ouais, et donc c'est officiel. D'accord, c'est fait, merci. 2000 confirmés aujourd'hui. Ouais. Bon, on fera le journal de l'Euro des Bleus, de l'Euro 2016, de Skyrock, de la Radio Libre, tout ça, on fera avant minuit. Si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à nous les donner. Et on a Maxence, qui est une petite voix, on m'a dit, qui nous appelle de Nîmes. Vous pouvez avoir la voix que vous voulez, hein, vous pouvez nous appeler. Écoutez, mais. Ouais. Hein, dans l'équipe, on a de tout. Hein. Par exemple, tu vois. Et ouais, tout le monde peut s'exprimer. Et oui. Alors, Maxence de Nîmes. Salut, Maxence. Salut. Ouais, salut Maxence. Salut Maxence. Donc toi t'as 13 ans et t'es nîmois. Bien Maxence. Ouais, enfin j'habite près de Nîmes, mais bon, un village paumé que personne connaît, donc. Bon, on va dire Nîmois. Salut le village paumé à côté de Nîmes. Hey. Bah, bienvenue à toi Maxence. Bon, tu marrant, t'as la voix de Kev Adams. Hey, c'est Kev Adams. Hey, un village paumé. Hey, c'est vrai, tu parles comme Kev Adams Maxence. Hey, c'est Maxence. Hey, n'aie pas peur Maxence. Hein. Putain, Maxence, merde, je l'ai bloqué. Maxence, non, c'est bon, je suis là. Très bien. Alors, Maxence, tu as un œil sur le match de foot ou alors toi, t'es comme Cédric, le foot, tu t'en fous? Hey, ah, pas mal. Non, moi, je suis pas trop sur le foot, en fait. Ah, hein. Bah, Cédric, non plus, pareil. Hey. Ah, bah, j'en ai rien à foutre. Je suis de la team le belge. Ah, merci, Max, rien de plus, putain. Ah, mais c'est la folie, Cédric. C'est con qu'il ait pas voté hier. C'est bien, c'est les jours où il n'y a pas de pêche. Mais demain soir, faudra voter pour vous. Vous ne comprenez rien dans la team le belge, c'est incroyable. Non, mais ils sont de ma team, après. Ne les attaque pas. Bon, alors. Tu regardes bien sûr pour qui ils vont voter, mon pote. Maxence. Oui, bah alors il faut leur indiquer les bons jours de clash. Demain soir, on va te montrer, t'inquiète pas. Alors, Maxence, toi, tu nous appelles donc pas pour le foot. Un petit message pour Cédric, c'est fait. Et tu nous appelles pour ton papa. Oui, alors en fait. Qu'est-ce qu'il a, ton papa? En fait, il est horticulteur. Il est horticulteur. Très bien. Est-ce qu'il cultive parce que hier nos amis de RTL sont venus faire une petite rubrique, jardinage dans l'émission. Tout tout tout tout. Ah non. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. RTL 21h09 oui. Et 15 secondes. Oui. Là, ils font au troisième top. Ping. Tu sais, ça dure trois plombes. Ping. Oui. C'est les. Oui, parce que l'horloge à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ils comptent. C'est les pompes funèbres générales viennent de vous donner l'heure. Les pompes funèbres générales. Ils sont toujours à l'heure. Ah bah ça, toujours un heure. Notre rubrique jardinage avec Georgette. Georgette, aujourd'hui donc la suite de notre cours. Notre cours comment cultiver du cannabis sur son balcon. J'ai tout fumé. Et puis moi c'est la vigne. Je m'occupe de la vigne. Vous êtes trompé, Gérard ou je sais comment vous appelez. C'est ça. Envoyez du son la régie finale. Et bien voici tout de suite le tout dernier Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Le tout dernier. Pour se ravir les oreilles. Oui. Voilà. Bien, parce que sur Internet, sur la moitié sourd, donc. Oui. Bon, on salue nos collègues. Mais oui, bien sûr. Monsieur, c'est pour rire. Alors, Maxence, donc toi, ton père est horticulteur. Oui. Il cultive pas de la drogue. En fait, il a un problème parce qu'il y a beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de cannabis. Dans la boîte qui démissionne. Pourquoi ? Et en fait, c'est un travail normalement qui fait à 4, je me semble. Ouais. Et là, comme tout le monde démissionne, il a beaucoup de travail supplémentaire. En fait, tu nous as appelé au standard et tu nous as dit « Je vous appelle parce que mon père, il est pas bien. » Et tu savais pas trop quoi faire pour aider ton père, c'est ça ? Oui, justement. Et c'est ça, en plus, il travaille deux fois plus qu'il devrait travailler. Ouais. Et il est même pas payé. C'est mignon de t'occuper comme ça de ton père. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il est payé deux fois plus ? Ah. Non, même pas. Ah oui, donc non. Bon, Romano, tu prends les choses en main tout oui, de suite. Oui, alors attention, j'appelle la CGT. je crois qu'ils sont dans les rues, là. Je ne vais pas arriver à les joindre. Ah bah, je les envoie au niveau de l'horticulture. Là. Non, mais c'est bien de... Vous avez déjà été inquiet pour vos parents ? T'as déjà été inquiet pour ton père, Romano ? Non. Quand il a commencé à perdre ses cheveux, non ? Non, mais moi, je l'ai connu... Maintenant, il était chauve. Oh, t'as jamais connu ton père avec des cheveux ? Bah, je l'ai connu en photo. Ah ouais ? C'est dingue. Non, mais il avait plus... C'était pareil que moi. Ah ouais, ouais. Il avait des cheveux de ouf. Bon, il avait, tu sais, les coupes à l'ancienne, quoi. Ah, ils sont trop bêtes. Genre années 60, mais les cheveux gominés et tout, mais la classe. Hein. Les cheveux gominés et tout, waouh. Ah non, mais j'ai vu des photos, mais laisse tomber, tu sais, mais beau gosse, quoi. C'est bien. Bon, ouais, bah, c'est bon, maintenant, évidemment, le look est totalement ringard. C'était un truc qui date de 60 piges, quoi. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, classe, quoi. Eh. Non, mais il emballait, mon père. Ah, c'était il emballait. Ah, c'était un queutard. Tiens, Arnaud dit, c'est mignon ce que fait le petit auditeur. C'est toi, Maxence. Non, mais je suis toujours papa. Là. Oui, je sais. Là, on sait que t'es là. D'accord. C'est mignon, on nous dit. Ah, il est sympa avec son père. Bah ouais. Mais pourquoi, ton père, il t'a expliqué pourquoi les mecs, ils se barrent de la boîte? Oui, attends, papa, je parlais d'E-Fool. Alors, vu un peu, vous avez vu ça un peu? Si et on là, vous emmerde, faites, ouais, je parle à D-Fool. Eh. Ah, je gros con. Ouais, je peux me la péter. J'ai l'autre con de la radio. C'est l'autre gros con, là. Et, non, mais c'est bien ce que tu fais pour ton papa. Mais on peut être inquiet pour son père, hein, dites-nous, hein, d'ailleurs. Moi, mais moi, niveau professionnel, tu sais, il y a. Alors, peut-être qu'il a eu des soucis. Non, je disais pas, ouais. Ouais, j'ai jamais eu, tu vois, jamais arrivé. Moi, j'ai pas connu mon père, genre par exemple au chômage, tu vois. Un soir où il arrive et il dit, ouais, j'ai plus de taf. Bah, moi, un de mes premiers souvenirs, je me souviens de ça, c'est quand mon père, il s'est retrouvé, là, sa boîte, elle avait fermé, et il s'était retrouvé au chômage, et on venait juste d'arriver dans une grande, grande maison, après avoir été dans un tout petit truc, tout minuscule. Et donc, on venait d'arriver dans la grande maison à ce moment-là, sans entreprise, elle ferme, et ça, je me rappelle. Ah, putain, le truc qui tombe. Et là, j'étais tout petit, je devais avoir 7, 8 ans, 6, 7, 8 ans, et je me rappelle de ça, et. J'étais un peu comme toi, Maxence. Je savais pas quoi faire. Je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Et là, je me suis dit. Tu t'es dit quoi? Je vais aller regarder la télé. Je vais aller. Oui, je vais aller regarder la télé. Non, c'est vrai, tu sais non, pas. Non, c'est faire. Vrai. Non, mais, ouais, non, mais le problème, c'est qu'à ton âge, tu peux pas. Moi, j'avais 6-7 ans. Donc. Ouais, tu peux pas. À limite, si t'as plus de 18 ans et que tu taffes et que tes parents, ils sont dans la merde, tu peux les aider. Mais, toi, à 13 ans, tu vas pas aller taffer. Ah, ouais, tu peux rien faire. Non, c'est certain. Tiens, moi, j'étais inquiet pour mon père parce que je savais qu'il trompait ma mère et que j'avais peur qu'ils divorcent tous les deux. Tu vois, ça, c'est le message que vient de nous envoyer. Il est là. Eh ben, il est là. Bah, nous aussi, tu vois, ça tombe bien. Ah, bah, on est là. Il est là, qui vient nous envoyer ça. Donc, juste à l'instant, il a 17 ans. Bah, tu vois, ça. Lui, c'est que ça, c'est vrai que ça peut te rendre inquiet, ça. Ah, bah. Sabouine, elle, c'est plus chiant. Moi, j'ai toujours peur que ma mère se réveille pas le matin. Oui, non, mais faut pas devenir parano non stress, plus. Ouais, mais c'est invivable, en fait. Ah, bah, oui. Si tu vis comme ça. Je sais pas, c'est comme si tu vis avec ta meuf et tous les matins, Oui, tu n'es pas morte, ça va. Non, je pense qu'au bout de deux jours, Carriol, elle me fout la main dans la gueule. Oui. Je me dis, t'en as pas marre, ouais, laisse-moi, mais non, je suis pas morte, je dors. C'est clair. Moi, j'ai eu très peur pour ma mère. Un jour, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'alcool. Oh bah non, très, très inquiète dire, qu'elle se déshydrate. Il n'y a pas de risque. Vous savez que ma mère se déshydrate en moins de 2 heures. Oui, bah écoute, bah, je comprends ton inquiétude et ton angoisse, bien sûr. Non, bah tu sais que moi, une fois en rentrant chez moi, le chien, j'avais flippé. C'était au tout début qu'on l'avait. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Et tu vois, je l'appelle. Et le chien, bon, à l'époque déjà. Vu, on était en train de. T'as vu, Maxence, c'est arrivé, on parlait de papa. Après, on a parlé papa-maman, maman-marie. Et là, maintenant, Romano, lui, nous parle de son chien. Non, mais j'avais, ouais, eu, trop... Voilà. Non, mais j'avais eu trop peur parce que j'étais rentré chez moi. Et ça faisait pas longtemps qu'on l'avait. Et le chien, je l'appelle, il réagit pas, tu sais. Et ah ouais, le flip. Et je me penche. Et le chien, en fait, tu sais, il bougeait pas, mais pas du tout. Quoi. Et à un moment, il s'est réveillé, il a fait. Non, non, pas du tout. Ouais. Non, mais moi, ce que j'ai fait, tu sais, que je lui ai soulevé les yeux. C'est un peu comme dans les films quand j'avais vu ça dans Les Experts, quand ils vérifient que le mec, il est bien mort, en soulevant les yeux là. Mm-hmm. Donc j'ai fait ça. Et en fait, c'est les chiens, ils ont une peau qui se met devant l'œil ouais, à ouais, l'intérieur. Comme les chats. Et genre, ça fait, tu sais, un peu ouais, truc opaque, plein de sang. Bizarre, ouais. Et j'ouvre l'œil et je vois ça. Et j'ai été courir. Je vais voir Cariole. Avec ses petits pieds, courait comme ça. Je vais voir Cariole. Je fais le chien est mort. Et en fait, ce con, entre-temps, il s'est levé. Bon, elle m'a traité. Mais si je lui dis, mais regarde, l'œil, il est chelou et tout. Mais en fait, je savais pas, moi, que le chien, il avait une pastille devant l'œil. Là. Bah, une pastille. Une cataracte qui pousse. Non, mais c'est comme ton non, prof. Non, ça, Romano est un prof. Ça, tout de coup, toi, Romano, t'as une cataracte. T'as une peau qui pousse devant l'œil. Non, mais n'empêche, c'est pas mal parce comme que les chiens. Œil de lynx. Œil de lynx, c'était mon prof, ouais. Lynx, oui. Parce qu'on aurait la même chose, c'est les chiens, ils ont des doubles volets. Ouais. Des doubles volets. C'est-à-dire qu'ils ont la peau qui se met et ensuite, ils ont la paupière qui se ferme. Mais c'est pratique. Vite, vite. Ah ouais. T'as pas des doubles volets au niveau des yeux, toi, Maxence, hein? T'es dégoûté, hein? Quoi? Non, je dis, t'as ah ouais. Des doubles volets, clic, clic. Comme les chats ou les doubles volets, ouais. Ou les serpents. Ah, les chats, ils font ça aussi? Ouais, ouais, ça fait pareil, non. Une espèce de peau, une membrane, en fait. Ah, ça dégoûte. C'est dégueulasse, un peu. Bon, vous nous laissez vos messages. Tiens, mon père a toujours été au chômage, j'ai l'habitude, nous dit Blue. Bah, salut à toi. Orient, lui, il était inquiet pour son père qui s'est cassé deux côtes. Deux côtes, il y a deux jours. J'ai trop mal pour lui. Moi, je suis inquiet pour mon père parce qu'il passe des heures et des heures sur l'ordi tous les jours. Il joue à des jeux de paris, mais je l'ai également chopé sur des sites de cul. Waouh! Ouais, mais à la limite, papa, il est chaud. Bah, c'est moins pire. Ah, bah, choisir, je préfère qu'il aille sur des sites de cul que sur des sites de Paris, ouais. Parce que sur des sites de Paris, il peut bouffer toute la thune. C'est que s'il nous a laissé le message, c'est ici, c'est Paris. Ouais, Paris. Ah, bah, tu dis Paris, Paris. Paris sportif. Paris, Paris. C'est Paris. Ça. Ouais. Paris. Bon. Magique. Donc, qu'est-ce que, toi, tu voudrais savoir ce que tu peux faire pour ton père? Bah, tu veux ce que tu peux faire au niveau du boulot, au niveau de, à quel niveau, toi? Ben, je sais pas, un petit peu tout, je voudrais savoir les solutions qui pourraient... De toute façon, toi, par le soutenir moral... faire avancer la chose, parce que voilà, il rentre, il t'es en vacances, tu peux être télédé pour bosser, mais enfin bon, c'est pas légal. T'as 13 ans, puis toi, t'as peut-être pas aussi envie d'être en vacances, non? Oui, on est d'accord. Oui, oui, oui. Non, mais ce que tu peux faire, c'est que, à part le soutenir moralement... moi je dis que c'est le reste ça va être compliqué. Oui, tu vas pas aller taffer avec lui quoi. Dites-nous donc si vous avez eu donc vos parents qui ont eu un petit souci qui vous prenait la tête à vous aussi, pouvez nous dire et puis si vous avez une solution pour Maxence, vous avez pigé, son père, il fait le travail de quatre, il est horticulteur, il habite dans un petit village paumé à côté de Nîmes. Hey, c'est Kev Adams. Hey, je dis ça parce que tout à l'heure quand tu es arrivé à l'antenne, tu nous as fait il habite à côté de Nîmes, un petit village paumé. Hey. Très bien. Bon, allez, moi, facilite le travail à la maison, hein, ramène des bonnes notes. Bon, c'est les vacances. Donc, mais en tout cas, pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu peux faire? Ramène-lui une meuf. Ramène-lui une meuf trop bonne à la maison pour le détendre le soir. Ouais. Et ta mère, elle est encore là, Maxence? Il y a encore là, Maxence? Maxence, oui, Maxence. Oui, oui, c'est bon, ils ont oui, quand donc, même ramène une bonne peut-être relation, pas de meuf. Mais bon, voilà, j'ai... Et ta mère, elle fait quoi? Elle taffe ou elle est... Non, justement, elle est au foyer, mais bon, c'est parce que... Parce que voilà, elle a beaucoup. Elle fait le taxi, comme on fait, comme on a habite dans un village paumé. Il faut ah oui, il faut déplacer. Mais t'as des frères et sœurs. Elle consacre beaucoup de temps. Ah ouais, vous êtes t'es fils unique. Vous êtes combien dans la famille? Quoi? T'es fils unique. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai deux frères. Eh ben voilà, mais peut-être à trois, tout ça, vous pouvez peut-être aider votre père pendant les vacances. Et ils sont plus grands, plus petits? Ouais. Maxence, il y a un décalage horaire là. Maxence, ils sont plus grands ou plus petits? Ils sont plus petits, les deux. Ah, ah oui, merde, ça va être compliqué de les faire bosser, ouais. Ah, quoi que tu ça s'appelle de l'esclavage. Ouais, mais t'as de l'autorité, t'as de l'autorité sur eux, t'es plus grand qu'eux, donc tu peux leur filer peut-être un petit coup de main. Ah, Cédric, il y a les restos japonais. Ouais. Et on a pour faire kiffer Marie, parce merci, que ouais, depuis hier, je la fais chier avec ça et ça la rend dingue. Mais j'aime bien, moi, japonais, ça son compas sur Skyrock. C'est Niska, ouais. Son Niska. Bon, premier sur le foot Skyrock, et pour l'instant, le Portugal perd 1-0 face à la Pologne. Sur la Pologne. Les Polonais qui vont marquer près, non. Arrêt, bel arrêt du goal de Portugal. Donc ça fait 1-0 pour la Pologne et les Polonais qui sont chauds encore un tir de Lewandowski d'ailleurs. Ouais. Eh, qui était cadré, mais bon, il a tiré sur le goal qui a pas eu trop non, ça va. Pas été compliqué. Pas trop difficile l'arrêt. Non. L'équipe de Cristiano Ronaldo perd. Attention, hein, faites gaffe. Ouais. Amis portugais. Ouais, vive Portugal, forza Portugal. Rien n'est fait. Pour aider le père, lui offrir une bière fraîche quand il rentre, lui offrir une pute pour qu'elle. Mais arrêtez avec non, les putes là. J'ai plein de messages depuis tout à l'heure. J'ai Tu sens que c'est l'été qui arrive. Faire les tâches ménagères à la maison, c'est ce que vous dites. Les putes vont avoir du travail. Ouais, ça va bosser. Voilà, j'ai des numéros pour aider Maxence. Non, mais ça va, Cédric, on va s'en passer. Voilà, le petit Maxence. C'est Maxence, Maxence. C'est Maxence, ouais. Ouais, c'est Maxence. Voilà, Maxence, je peux te faire un bisou. Oh, c'est mignon. Voilà, ça va aller. Oh, non, mais c'était mignon. Bon, Romano, on a le top bug, tu vas nous le faire. Ouais, vas-y, pas de problème. Ah, puis tiens, je voulais remercier parce que vous, c'est marrant, on reçoit encore du courrier, c'est rigolo. Parce que bon, on reçoit des mails, évidemment, vous le savez, tout ça. Mais on a aussi reçu du courrier, alors là, c'est mignon tout plein. C'est Lenny qui nous envoie un message. C'est pour ça qu'on est content de vous retrouver tous les soirs sur Sky, là. Tous les soirs en direct, entre 21h et minuit. Regardez Lenny qui nous dit: je m'appelle Lenny, je crois que je suis un de vos plus grands fans. Tous les jours, même si je passe une journée de merde, je me dis au moins que le soir, vous m'écouterez. Vous me remontez toujours le moral. Même dans les moments difficiles, vous êtes toujours là pour rigoler. Vous êtes les meilleurs. Avec un cœur derrière. Et il a voulu rajouter 10 foules, mais il ne l'a pas mis. Mais je sens très bien que tu le pensais très fort. Non, il a mis entre parenthèses. Surtout toi. Mais c'est clair. Entre parenthèses, non ? Voilà, après ici, toute l'équipe. Une petite pensée pour Momo qui nous écoute d'en haut. Bah, c'est cool. Gentil. Et alors là, Romano, tu vas être heureux. Tu te rappelles, j'avais lancé un 10 foules ton pour m'acheter un bras. Ouais. Et alors, ça y est, le bras arrive. Et tu avais lancé un Romano ton pour. Pourquoi t'avais lancé un Romano ton encore ? C'est pas le premier qui lance. C'était il en lance un tous les deux mois. C'était donc pas pour mon ulcère. Ah ouais, t'avais un ulcère. Ouais, c'était ça. Et tu voulais crois, quoi? T'avais demandé de l'argent pour ton ulcère? Non, c'était pour te faire mettre des cheveux. Oui, plus, non oui, c'est des cheveux, gros. Tu t'avais demandé un Romano ton. Ah ouais, mais tiens, mais en même temps, je carotte tellement les gens. Ouais. Eh bien, il nous a envoyé, regarde, une pièce de 20 centimes d'euros. Alors, t'es marrant. D'euros. Euros, ce sera peut-être dans le problème du mois. Ça sera la prochaine fois. À partager en deux. Ça va être compliqué. Donc, Romano. Bah, vas-y, bah, je la prends. J'ai essayé de la couper, on m'a dit que. Non mais t'as plus d'argent que moi. Eh ben maintenant j'ai 20 centimes d'euros en plus. Merci Lenny, Lenny le Breton. Non mais il les prend en plus cette pute. Bah ouais. Bah tu me donnes 10 centimes. Hein. T'as un cadeau. Un autre pour toi Romano, il t'a envoyé un nain de jardin. Un nain de jardin bleu blanc rouge, je te le donne. Hop là, voilà ton nain de jardin bleu blanc rouge. C'est gentil. Ouais, c'est tout. Gentil, mais bon, j'aurais préféré quand même les 20 centimes. Quoi. Voilà pour Romano le prince du hip-hop, Cédric le beau gosse, entre guillemets, de la Belgique, Marie la plus belle, Karim Rouya du Maroc, Salaf Tobek. Et non. Et Romano ton, c'était merci de renvoyer les messages, merci à Et le Marseillais mal aimé au chiotte l'OM, mais il t'aime bien quand même, ses amis. Voilà. Mike Lemore aussi, c'était à Romano ton, c'était quand j'avais plus de carte bleue. Ah, ça c'était le dernier. Putain, mais cette année, il m'arrive avec des merdes. On fait tous les deux mois. Donc. T'as vu que Cédric a l'air il n'a pas mis son adresse que je voulais envoyer. Mais il y a son Gmail, il est sur Gmail, je crois. Voilà, il a son gmail.com, tu peux lui écrire. Ah, son adresse mail. Eh oui, voilà. Tiens. Oui. C'est comme Gmail. C'est son Gmail. Son Gmail. Voilà, tiens. Ah, il sous-tag là. Si tu l'envoies par la poste, ça va pas arriver. Alors. J'ai essayé. J'avais marqué 10 foules@skyrock.com sur l'enveloppe. Eh ben, c'est pas arrivé. Jamais une nouvelle. Ah, c'est con. Bon, en tout cas, merci pour ton petit mot. Puis merci à vous tous qui nous envoyez des messages. Alors, pour nous écrire par mail, ça existe encore. Et ça marche. C'est 10 foules@skyrock.com. Ouais. Ou les autres membres de l'équipe, vous l'envoyez méthode à Cédric, c'est cedric@skyrock.com. Romano@skyrock.com. Moi, c'est plus simple. Marie, n'envoyez pas l'IPA. Samir, vous pouvez aussi. Et Karim, ou sur le Facebook, comme ça, on les a direct pendant l'émission. Il ne faut pas tarder pour les restos japonais. Parce qu'ils ferment à 22h. Dans un instant, on salue Niska d'ailleurs, s'il nous écoute. À 22h. Ouais, merci Niska. On salue Niska et donc, dans un instant, on file dans un resto japonais. Pourquoi ? Pour un truc à la con. Donc, restez bien avec nous. Vous voulez faire les cons avec nous tous les soirs, 21h, minuit. C'est Radio Libre. Et c'est en direct sur Skyrock. Et sur le 41-759 et sur l'appli 20 minutes de jeu, Pologne-Portugal 1-0 pour l'instant. Et je lance un appel d'ailleurs à la Gothique si tu nous écoutes. Ça nous ferait plaisir, la Gothique, d'avoir un petit coup de fil de toi ce soir pour soutenir ton équipe de cœur, le Portugal, et puis retrouver par la même occasion Romano, ton chéri. Jamais l'appel, pas ici. Pourquoi là le droit jamais ici. Libre. La Gothique du Portugal, je lance l'appel. Vous la connaissez, vous nous laissez vos numéros et son numéro surtout. On la retrouve tout à l'heure. Et là, on se met un petit joule pour démarrer cette soirée. Marseillais. Oui. Allez, joule le Marseillais, c'est parti pour Emotion. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. Alors, Chéron de Perpignan, 20 ans, chirurgie esthétique, y a quelqu'un à refaire dans ton entourage ou pas? Ouais, ma mère. D'accord. Morning Best. Morning Best. Morning Best.

rapper R&B non-stop. Sur Skyrock, Joule en Skyrock version, écoutez Emotion. Come on! 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Et ouais, sur Skyrock en direct. Et c'est chaud ce soir. Karim, tu penses qu'ils vont se faire déglinguer? On t'a entendu tout à l'heure. Il a oublié de fermer son micro, vous l'avez entendu, ils vont se faire déglinguer. Tu parlais de qui? Des Portugais? Je parlais des Portugais, ouais. Ah ouais? Parce que la Pologne, ils sont chauds. Ah, ils sont trop forts. Ils sont chauds. Tiens, le quatuor offensif qu'ils ont, gros, ils déchirent la foule. Le quatuor, écoutez-les tous les deux là. Le quatuor offensif. Et les deux milieux, les deux attaquants là, militaires, c'est dingue, ouais. Ouais, du calme un peu, les pucelles du football. Ouais, laissez les experts en parler. Bon, on verra donc tout à l'heure. Romano a pronostiqué le Portugal, Samy a pronostiqué la Pologne, yes. La Pologne également pour la Marie. Ouais, non, j'ai dit le Portugal, moi. Ah, pour le Portugal, c'est qui qui était? C'est moi. J'ai des potes. Ah, Cédric, t'as dit quoi? T'as rien, tu bouffes, toi. Portugal. Cédric, en fait, les matchs, ça lui sert à bouffer, quoi. Oh là, j'ai faim. Non, mais ton régime. Oh, j'ai trop envie de bite, Marie. T'as son dîner, c'est des chips et des. Marie, t'as pas une tub. Ça va. J'ai faim. Non, ça, j'ai pas sur moi, désolé. Ah, dommage. Donc, bon match, fais la gueule, Cristiano. Bon match si vous regardez le match avec nous. Et puis sinon, ben, faites comme Cédric, écoutez l'émission. Vous en profitez, vous pouvez manger un petit bout, faites ce que vous voulez. Et surtout, appelez-nous au 01 53 40 30 20. Marie, t'aurais si pas envie de manger truc à nous dire. Non. Allez, on file chez les Japonais là. Alors Romano, explique-nous l'idée de ta blague géniale. Non, mais c'est pas une blague, si, c'est juste pour faire chier Marie. Ah ouais, ça tu me fais chier. Juste avant ça. De vous prendre en direct, écoutez bien. Et puis on donnera des conseils aussi pour les papas qui ont eu des soucis. Maxence nous a appelé, c'est mignon, parce que son papa était pas bien. Parce qu'en train actuellement, il bosse trop, tout ça, etc. Voilà. Et il voudrait savoir quoi faire pour rendre son papa bien. Donc, cool. Si vous avez eu déjà le même style de problème, vous pouvez nous dire. Alors la blague japonaise de Romano. Non, mais c'est pour faire chier Marie uniquement. Oui, bien sûr. Ouais, bah, on aime bien, on se fait plaisir nous aussi. Bon, là, dans les nuits après l'émission le soir, là, oui. On reste et en fait, on enregistre la spéciale de l'été. La spéciale de l'été quand on va partir un peu en vacances. C'est plein de super moments de l'émission. En plus, vous retrouverez Momo dans la spéciale de l'été. Donc, oui. Soyez là après le 14 juillet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, on doit caler des sons, tout ça. Donc, il y a des moments où c'est du boulot. On se détend un peu. C'est vrai, on se détend. Et là, à ce moment-là, Marie, en fait, je sais plus. En fait, l'autre fois, j'ai écouté Sky, et ça m'est resté dans la tête. Et t'avais ça dans la tête tout le temps. Japonais. Voilà cette chanson. Et le mec te sort ça, mais 50 fois par heure, quoi. Hey Marie. Et Marie, je sais que ça la rend ouf. Ça me rend ouf parce que ça me reste dans la tête, en fait. Arrête, ça me reste dans la tête. Et le truc que je disais à Romano, du coup, là, par exemple, aujourd'hui, je le chantonnais. Le truc, non, japonais, pas chantonnais. Japonais. Et mon mec, du coup, il a ça dans la tête aussi, donc il te remercie. Non, mais merci, de rien, parce que de rien. Coup, ça découle sur toute la famille. Là. C'est gratuit. Ouais, c'est non, mais sympa. C'est vrai qu'il y a des chansons, tu sais, ça tresse dans la tête, mais genre les conseils pas chers le matin. C'est les conseils et pas chers. Et t'as ça qui te trotte dans la tête. On a eu plein de plaintes. Ouais, bah ouais. Vous êtes plein en disant ça nous reste dans la tête toute la journée. C'est fait pour les conseils pas chers. Donc dites-nous s'il y a un morceau qui vous reste dans la tête. Vous l'entendez le matin sur Sky, dans le morning best actuellement, loupez pas. Avec Vincent, c'est tous les matins. Donc vous entendez un morceau le matin et ça vous reste dans la tête toute la journée. Voilà, c'est ça. La journée. La journée. Voilà, merci Difool Breton. Il y a mon interprétation magnifique. C'était super. Breton freestyle. Bientôt dans Planète Rap. On est en train de caler la semaine pour Difool. Quel est le morceau qui vous reste dans la tête? Ah ben moi c'est ça du coup. Moi c'est Jules, moi. Jules Emotion. Ouais, quand Jules, il fait la grosse voix là. Ils ont la bonne. Ouais, ça. C'est à chaque fois quand il dit je veux trop Mano là. Non. Ouais, c'est ça. Je dis pas ça, non. Moi pareil, ouais. Qu'est-ce qui voudrait. Ah tiens, moi c'est ma sœur. Alors tiens. Là, sa sœur qui écoute, devinez quoi? La reine des neiges. Elle les livrait. En plus, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, des fois, tu peux bloquer, mais sur une chanson de merde. Ah bah oui, ça c'est clair. Vaut mieux bloquer sur Jean Japonais que sur Libéré. Ça, délivré. Ça, c'est terrible parce que tout le monde. Hein, ah bah non, mais tous ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs ou des enfants à proximité. Des petites sœurs. À proximité. J'ai envie de les claquer quand ils chantent. Marie, du calme. Et leur arracher la tête et la langue. Vous savez, je vais leur arracher la langue. Et je vais peut-être leur arracher les yeux pour plus qu'ils regardent la reine des neiges. Putain de gosse de merde. Et la reine des neiges, je vais la tuer. Ah ouais, j'en peux plus. Non, mais en plus, il y a la reine des neiges 2 qui va arriver là. Ouais. Mais c'est. Il tire dessus à fond. Hein. Ah bah attends. Enfin, il tire dessus, c'est une expression. Oui, oui, il gagne du fric avec. Ah bah, il va mettre le filon jusqu'au bout, quoi. Oui. Non, et il y a Orient 96, c'est pas japonais qui dit c'est charbonné. Non, il dit japonais. Il dit japonais, ouais. Et Mustapha ne parle pas japonais. Ouais, c'est ça. Japonais. Japonais. Il parle pas japonais, Mustapha. Non, il y a ouais. C'est Mustapha Jefferson. Moi, c'est Dora l'exploratrice quand elle dit shipper arrête de shipper, shipper arrête de shipper. Ouais, c'est vrai que c'est un truc, ça répète, elle répète tout le temps. Tiens, moi, c'est Work. Ah ouais, moi, j'ai eu ça, Work de Rihanna. Quand ça passe, Work de Rihanna. Ouais, bah, ça me reste dans la tête toute la journée. Moi, j'adore ce morceau. Ah bah, tu vois, moi, j'ai jamais trop aimé. Je sais, bah non, c'est pas. Et dis fou, il arrêtait pas de faire. Tous les matins, je le fais exprès. Quoi, il est super, ce morceau. T'arrêtes, sinon je te mets Beyoncé. Et vous savez que je commence à m'y habituer à Beyoncé. C'est vrai que c'est pas un des titres que je préfère. Ah non, ouais, j'adore la prog sur Sky. Il y a plein de sons qui déchirent, plein de sons qu'on découvre. Mais on peut pas de tout. Beyoncé, j'étais moyen dessus. Mais vous savez qu'à force de l'entendre, parce qu'on l'entend beaucoup, ça rentre dans la tête. Et je sais que vous êtes plein à l'aimer. D'ailleurs, t'es avec une copine l'autre jour, elle adorait Beyoncé dans la voiture. Ouais, kiff. Ouais, kiff. Donc, et ben, ça commence à me rentrer dans la tête. Ouais. Mais je préfère. Et tu chantes un peu dans ta voiture. Non, je chante. Bon, très bien, tu l'auras voulu. Ah, allez, bim. Ouais. Voici le titre préféré de du Portugal. Je suis obligé de couper Beyoncé, je suis désolé, vraiment. Attends, je mets de pause, t'inquiète. Et ben, but du Portugal, qui c'est qui a marqué? Renato Sanchez. Il a pas de chaise, mais il a des bons pieds. Égalisation du Portugal, on a qui avec nous? Qui est du Portugal avec nous? La Gothique en direct. Oh, oh. Non, on a Gilliane. Gilliane, ça, 20 ans dans le 18, salut Gilliane. Gilliane. Ouais, allô. Ouais, Gilliane. Vous avez marqué. Vive un Portugal. T'es content? Ouais, Gilliane. Très bien. T'es où? T'es avec des potes? C'est la famille? C'est quoi? Il est dans un bar. Ah, t'es dans un bar. Ah, t'es au bistrot, mon salaud. J'arrive tout de suite. Il est où le troquet? Il est dans le 18. C'était dans le Cher. On est à Bourg, c'est ça? À Bourg. Très bien. Eh ben, tu salues les Berruriers, c'est comme ça, les amis, les habitants de Bourg. Et donc, un but pour le Portugal. Désolé, Émilie. Émilie, on va te consoler un peu parce que toi, t'es pour la Pologne. Non, Portugal. Non, moi, je suis pour le Portugal. Ah, vous êtes tous pour le Portugal. Viva Portugal. Oui. Ah, eh bien, écoute. Allez, chante-nous un truc en portugais. Allez. Ah, je sais pas chanter en portugais, je suis désolé. Parce que tout mec, c'est un portugais. Ah, viva Portugal. Portugal. Mais oui, viva Portugal. À toi, Portugal. Okay. À Portugal. Eh bien, donc, ça fait un but pour le Portugal, un but pour la Pologne, on est à un partout. Putain. Ça va être un match excitant ce soir. Mais ils sont pas japonais. Oui, non, ils sont portugais ou polonais. T'as le choix, portugais, polonais, mais c'est vrai, tu as raison, ils ne sont pas japonais. Non, pas japonais, non. Ils sont portugais. Japonais. Bon, ben, tu suis le match comment? Tu es pas toute seule, t'es avec de la famille? Oui, on est avec la famille et on est à fond pour le Portugal. Donc au début du match, vous étiez mal, non? C'est un peu l'idée, ouais. Les deux premières minutes sont dures, mais on y croit jusqu'au bout. Après, vous avez eu du mal quand même, du mal à dominer. Les Polonais avaient la domination. Et là, but de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Oui. Et on est super contents. Et donc ça fait un partout. Allez, tu restes avec nous, Émilie. On te fait un gros bisou. Et merci, Gilliane. Salut le Portugal. Portugal. Viva le Portugal, nous dit Bogosita. Et la Pologne, nous dit Deslivre. Vive les Polonais. Tiens, un message de l'inconnu sur le 41759. Il y a Arnaud qui nous dit La Pologne. Pour l'instant, eh bien, écoutez, les compteurs sont remis à zéro. Ou plutôt, les compteurs sont remis à un partout. Eh oui. La Pologne en match force. Nul. Les poteaux chiottent la morue. Pour LDV. Non. Ah si, il a mis le shot la morue. Ah si. Non. LDV qui nous a laissé un message. Donc tous vos messages, allez-y, le 41759, l'appli Skyrock. Vous réagissez à n'importe quel moment de l'émission sur le match de foot, sur tout le reste aussi. Merci les Portugais, merci Émilie, merci Gilliane. Merci à toi, Lifou. À tout à l'heure, on se retrouve peut-être d'ici la fin de l'émission. Ah bah ouais. Hein. Attention. Eh bien voilà, les compteurs sont remis à zéro. Ce qui fout les pronostics de Samy et les. Non, j'avais dit. Bah non, il avait dit prolongation. J'avais dit un partout et prolongation, victoire à la Pologne au prolong ou au tir au but. D'accord. Si ça reste comme ça, je suis dedans. Ouais. Bon, bah attends, ça arrive vraiment. Mais bon, mon cœur est polonais, donc j'espère que la Pologne va arriver. Je préfère me tromper dans le prono. Eh ben, on va voir ça. Pour l'instant, il reste quoi, 10 minutes dans la. Ouais, c'est ça, dans la première 10 minutes dans la première mi-temps. Et on suit ça en direct. On peut faire le top bug parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire hier et qu'on va pas repousser jusqu'à la fin de l'émission. Mais il y a des restos japonais. Mais d'abord, direction les restos japonais. Mais qui lâche. Qu'est-ce que tu veux leur faire au resto japonais? Non, mais j'en sais rien. C'est toi qui as eu cette idée. Chante. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est bah, moi, je vais chanter. Tiens, couleur dans la tête. Aussi, allez, tiens. On leur passe un coup de fil. C'est parti. Je vais leur demander si c'est bien des restos japonais. Où c'est japonais. Vous êtes bien resto japonais. Resto japonais dans toute la France, dans toute la ligne. Ouais. Ah, le relou! Bonjour! Attention, c'est parti! Japonais! Oh, putain, on est dans un resto japonais! Et le nom du resto, c'est quoi? C'est Osaka! Osaka! Bah oui, c'est japonais! Ah bah oui! Normal! Voilà, Osaka! Le caca, c'est bon. Restaurant Osaka, bonsoir. Oui, bonsoir, Restaurant Osaka. Oui. Vous êtes un japonais. Vous êtes rastanais. Allô, excusez-moi, je suis avec des amis. On voudrait savoir si on peut venir manger. Ils ont des petits problèmes. Voilà. Ils ont bu trop de saké. T'as bu trop de saké. Mais t'as mal envoyé le son. Mais non, mais c'est toi, t'as mal lancé le truc. Faut dire, vous êtes un restaurant. Bonjour, Osaka. Oui, mon dieu. Vous êtes un restaurant japonais. Et là, je vous êtes un restaurant japonais. Voilà. C'est là que ça va merder. Tu vois. Vous êtes un resto japonais. Resto, c'est pas un restaurant. Qu'est-ce que. Oui, allô. Bonsoir. Oui, c'est le restaurant. Oui, bonsoir, c'est Kizoro, oui. Japonais, vous êtes un resto japonais. De con, allô. Vous êtes un resto japonais. Allô, allô. Le... Japonais. Rappelle le premier. Le Kizoro. Le Kizoro. Eh bien, merci, les Kizoro, ils ont rien compris. Salut, le Kizoro. Gamato, bonsoir. Oui, bonsoir, regardez, Aligato. Aligato, bonsoir, vous êtes au restaurant. Japonais, vous êtes un resto japonais. Excusez-moi, je suis avec un ami, il a bu trop de saké. Est-ce qu'on peut venir manger chez vous ce soir? Du japonais. Oui. Alors, vous, on aimerait bien manger de la cuisine qui vient de votre pays. Nous adorons le Japon et nous adorons les. Japonais, on adore les japonais. Allô. Oui. Est-ce que Marie, elle est contente. Est-ce que vous recevez? Elle ne peut plus. Est-ce que t'as un plomb? Peut venir manger, c'est du choix. Je vais planter une baguette. Oh, putain. Ils veulent pas de nous, les japonais. Demande-leur quel type de resto ils sont. Et quand ils disent japonais, t'as... Ah ouais, c'est pas cool. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Hey, toi, rappelle le tout premier. Vas-y, ça, c'est le premier, on rappelle. Ça, c'est le premier. Osaka. Oh, putain. On file à Osaka. Attends, c'est quoi déjà qu'il faut dire? Vous êtes quel type de restaurant? Vous êtes quoi comme type de restaurant? Japonais. Là, tu balances. Voilà. Allô? Oui. Oui, bonsoir. On vous appelle. On aimerait savoir, vous êtes quel type de restaurant, vous? Le restaurant japonais. Ah. Japonais. Vous êtes resto japonais. Vive les restos japonais. Ouais, ouais, ouais. Mais là, vous êtes écoutant. Ah, non, vous êtes écoutant. J'adore les restaurants japonais. Il est en train de s'énerver derrière. Il va t'envoyer des samouraïs. Les samouraïs vont débarquer, on fera mal les malins après, tu vois. En train d'écouter, hein. Bon, allô. Appelle-en un autre, vas-y. Vas-y, appelle-en un dernier, ouais. Bon, j'ai refait la même blague. Allez, on en fait un dernier. Alors, Cédric adore. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la messagerie. Non, on dit pas bonjour, on dit Aligato. Et Marie, elle en peut plus. Hein, c'est ça, c'est Aligato. Hein. Ouais. Salut, on salue. Aligato. On salue Didix qui est bord de rire derrière sa radio. Bonjour à Magdalena qui nous parle en japonais. Salut Magdalena. J'adore le Japon. Ils ont des supers idées, des super vies et des mangas géniaux. C'est bien noté. Les fans de mangas sont déjà là, oui. Ah. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes quel type de restaurant, s'il vous plaît? C'est japonais, monsieur. J'ai pas compris. Japonais. Ah, japonais. Japonais. Ah, faites ça. C'est la deuxième fois que vous appelez ici. Allô. Va de faire foot. Va faire foot. Et ben voilà, on s'est fait traiter par un. Japonais. Vas-y, rappelle-le une fois. Va te faire foutre. Attends, rappelle-le juste une fois. Va te faire foutre. C'est pas foutre, c'est foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Ah oui, hein, partout. Vous rigolez, essayez de parler japonais, vous. Hein. Ah bah, c'est clair, impossible. Attends, attends. Il va péter un câble. Ah, va te faire foutre. Je vais masquer ma voix. Masque ta voix, Romano. Ah, mais là, il va pas répondre. Ah ouais, mais s'il a des commandes. Il y a plein de fans du Japon, regarde. C'est pas le premier. Le Japon, c'est trop fort. Allô? Oui, allô? Allô? Le resto japonais? Non, le resto... Ah, il veut plus. Il veut plus. Bon, bah, on remercie tous les restos japonais qui nous ont répondu ce soir. On vous embrasse. Mais non, il n'y a pas de dictature au Japon. C'est Deslim qui nous dit. Dictature au Japon. Mais non, il va être japonais. Ah, le rire de Romano est mythique. Je suis mort de rire pour Danone 42. Je suis en train de hurler de rire en bas. Mes parents, ils ne comprennent pas. Bah, tu les salues pour nous, tes parents qui viennent écouter Skyrock. Tristan, 16 ans à Laval. Salut à toi, Tristan. Vive les japonais. Ouais, c'était marrant. Tiens, mon meilleur pote est japonais. Il est mort de rire. Il est avec moi. Bah, tiens, si c'est par les japonais qui nous appellent. Ah ouais. Ah bah ouais, carrément. Ah oui, c'est marrant ça. Ce qu'on disait hier, si vous êtes d'origine asiatique, bon, si vous êtes né en France, tout ça, vous n'avez pas ce problème. Mais si vous venez, si vous avez appris à parler au Japon, Chine, enfin bon, dans les pays asiatiques, vous n'arrivez pas à dire les R. J'ai dit, moi j'ai une copine, on a fait un test de jour. Non, mais les R, elle n'y arrive pas. Ça veut dire qu'elle a dit, va faire foot. Oui. Il n'y a pas dit foutre. Il n'y a pas, pas de R, Mano Tigra, ouais. Tu vois, je t'assure. Bah, pourtant, moi, j'en connais un. Je te présente ma copine. Je vais, tu vas où en vacances? Cédric, on descend, on voit Romano, je ramènerai ma copine. Non, mais tu ramènes pas. Tu es gentil. Cédric, super. Cédric. Hein. Avant de ta faute. Avant de ta faute. Bon, bah, en tout cas, merci au restaurant. Je le refais une dernière fois juste pour rigoler. Allez. Hein, parce qu'on aime bien être lourd. Dédicace à Marie. Oh non. Ja. Merci au restaurant. Japonais. Niska. Merci au restaurant japonais. Le son de Niska que vous entendez derrière une découverte Sky. Salut à toi, Niska aussi. Ouais, et salut au resto japonais. Ciao. À tous. Parle un peu italien. Ciao. Ciao à tous. Ciao, bello. Oh là. Alors, le match, on est presque à la mi-temps, hein, 3 minutes avant la mi-temps pour l'instant, 1-1. On fera notre petit point footballistique. Vous donnerez les Portugais qui vous donneraient vos notes. Et tu vois, c'est. Portugais. C'est eux qui là, depuis quelques minutes, c'est eux qui ont l'ascendant. Kevin, il n'y a pas tous les Asiatiques parce que mon père est cambodgien et il dit très bien les R. Salut toi, Kevin. Vers le Cambodge, Thaïlande, ça, c'est les F. Impossible de dire un F. Ah, c'est pour ça que tu nous parlais des F, toi, et moi, je parlais des R. Ouais, en Thaïlande, ils ne savent pas, mais c'est impossible. Tu vois, pour eux, au lieu de dire 50, c'est pour dire 50, par exemple. Ils te disent pipti. Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai remarqué. Ah, ils n'arrivent pas. Impossible, F. Et pipitent, ça fait comment? Ça fait pipitent. Ouais, c'est ça. Pipitent. Tout le temps, le très bien. Et vous savez que les Américains, quand ils entendent parler, annoncer un titre, par exemple, surtout certains, pas moi, parce que moi j'ai vécu dans le Bronx. Oui, oui. Mais je parle des autres animateurs de Skyrock. Évidemment, quand ils les entendent prononcer Prisca, notamment, qu'est-ce qu'elle prononce mal? Ah, la salope. C'est incroyable. Vous savez qu'on a eu des plaintes d'Américains qui ont appelé Skyrock en disant c'est pas possible. Ah, les salopes. Prisca que vous retrouvez après nous, ce soir, par exemple. Elle va être non, parce que ça, c'est un peu pour une américaine parfois. Je sais que ça va lui faire très plaisir. Elle est contente, je suis sûr. Yeah, Prisca. Ah, yeah. Yeah, et down. Yeah, sister. Yeah, down. Sister. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On a parlé japonais. On est allé au restaurant du Japon. Il y a le top bug. On fait le top bug tout de suite? Allez, vas-y. Allez, parce qu'après, vous allez nous engueuler. On peut peut-être attendre la mi-temps. Bon, faut attendre la mi-temps, mais pourquoi? Il reste combien de temps, là? Et la série de Romano. Alors, ce qu'on peut faire, oui. Non, mais la série de Romano, elle va aller assez vite parce que. Alors, là, voici la série. On fait ta série. Hier. Ce qui s'est passé. Oui. Ah oui, on a toujours pas nos chers voisins. Dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode. Bon, épisode précédent, j'ai des nouveaux voisins qui sont arrivés. Premier jour, la fille en haut à 8h du matin était en talon en train de passer l'aspirateur. Un talon aiguille parce qu'elle a la classe. Moi, ça ne m'a pas réveillé. Carriole, ça l'a réveillé. Elle m'a réveillé. Ça l'a foutu à bout de nerfs. Ça l'a foutu à bout de nerfs. Elle m'a chauffé. Je suis allé sonner à la porte. Personne n'a répondu. Je suis descendu gueuler auprès de la gardienne en disant ça va chier des bulles. Des bulles. Bon, là, ça m'arrive parfois, des bulles marron. Hier, aucun événement particulier. Rien à signaler. Ah si c'est hier qu'il s'est passé un truc. Oui. Ouais, en fait, le mec a été voir la gardienne en disant j'aurais préféré qu'il vienne me le dire directement. Ce petit con chauve. Non, il a pas dit ça. Eh bien, si j'ai eu ta gardienne en ligne, Romano, elle me l'a dit. Non, elle t'a rien dit du tout. Voilà, moi, ça va chier des boules. Voilà, je vais chier une boule. Voilà. Mais toi, t'as été direct, non? Mais oui. Et la gardienne, elle a répondu. Elle fait ouais, mais vous avez pas répondu. Donc le mec s'est trouvé comme un con devant elle. Oui, car Romano était énervé. Il était allé les voir, les voisins. Non, mais j'y allais pas en mode agresse en plus. Mais devant ta carrure, ils ont pas dû ouvrir. Non, mais c'est ça. Ouais. Non, mais je crois qu'ils ont regardé dans l'œil, tu sais, dans le truc là. Ils t'ont pas vu, t'étais trop petit. Dans le trou. Je dis mais y a personne. C'est une blague d'un voisin, d'un gamin. Mais il a raison, Cédric, trop petit. Mais je crois que c'est ça. Non, si, j'ai regardé, j'étais à hauteur. J'ai levé les doigts de pied. Sur la pointe des pieds. Oui, parce que oui. Et alors du coup, là maintenant, il faut que je me retrouve face à face, quoi. Là, et demain la confrontation, peut-être. Demain, soyez là dans le grand feuilleton, le feuilleton de Romano, le feuilleton de l'été. Non mais tu les entends plus là. Romano et ses voisins. Non mais de toute façon, maintenant, c'est la prochaine fois que je rentre, c'est les keufs. Voilà. Oh, alors, vivement la suite de l'histoire demain, notre super production de l'été. Faut pas le choper. La super couilles, production, quoi. Romano et ses nouveaux voisins avec la connasse en talons. Ouais. Non, en plus, c'est dégueulasse, je vais pas aller lui dire. Mais être dans sa chambre à coucher en talons, qu'elle m'a marché dans la rue sur de la merde, moi, je suis désolé, c'est pas hygiénique. C'est vrai, moi, j'enlève toujours mes chaussures chez moi. Ouais, pareil, c'est pas, et mes fringues, moi aussi. Ouais, j'ai vu. Ah, Marie, je balade à poil. Non, mais j'ai. Le jeune facteur est venu. Non. Information qui vient de tomber, elle marche en talons. Qui? Ah, c'est Cario qui Breaking news. Ça si, ce soir, elle marche en talons. Deuxième message, j'ai hurlé à la fenêtre, plus rien. Elle a une mère, vous avez une tarée dans votre quartier qui fait. C'est Carriole. Vous êtes à côté. Mi-temps pour le match de foot de ce soir. Et du suspense. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Et je trouve génial le match de l'Euro. En plus, à suivre en direct dans la radio libre. Eh bien, ça nous fait donc but de Lewandowski pour la Pologne. Ouais. Et but de Sanchez, je crois. C'est ça, Renato Sanchez. Ouais. Renato. C'est ça. Renato. Bon, Renato Sanchez pour le Portugal, ça nous fait donc un partout pour le match qu'on suit ce soir en direct, Pologne-Portugal. Ouais. De l'émotion, des matchs de foot, des buts. Et vos notes, tiens, pour le match, combien vous mettez aux deux équipes, on peut dire, hein, Pologne un beau match, hein, et Portugal. Je mets 15, moi. À qui? T'as dit au match ou à chaque équipe? Non, chaque équipe, faut mettre. Ah, les deux équipes, on met 15 chacune, les deux équipes. Ça devient compliqué, vos trucs là. Bah ouais, mais c'est le foot, Romano. C'est le foot, l'euro. Une note, on passe à deux. Ouais, deux notes, une note pour le Portugal, une note pour. Bah moi, ça va être simple. Je mets. Il y a un partout, c'est ça? Ouais. Ouais, je mets 13. Moi, je mets 12 aux deux. 12 aux deux, oui, faut. Ah, c'est un bon match. Moi, je mets 14. Mais moi, j'ai pas vu, moi. Mais c'est quoi les. Il y a des mini-tels qui sont allumés, mais des grands et tout plat. Ah, mais ouais, mais j'ai pas trop regardé, donc je vais suivre Samy. Regarde les écrans, bah. Tiens, Marie, t'inquiète. Allez. Donc ça nous fait moi je vais mettre combien? Allez. Ce que j'ai vu, c'est un match sympa. Je vais mettre 13 moi. Allez, hop. 14 pour la Pologne, 13 pour le Portugal, nous dit Ryan. 15 pour les deux, pour le poteau. 14 chacune pour Necro. Salut à toi Necro. Il y a Idir qui met 15 aux deux équipes. C'est un bon match. Il y a du suspense. Je mets 14. C'est pour. Mais les filles, je vois que vous êtes là. Mélanie qui nous laisse un message. 15 aux Polonais, 11 aux Portos. Ça c'est le message de Fred. Lui met pas la même note aux deux équipes. 16 pour la Pologne. Ouais, il y a plus de meilleures notes pour la Pologne. Hein. DL là qui nous dit 16 pour la Pologne et 13 au Portugal. Mais uniquement parce que je les aime pas. C'est bien noté. Ah, vive en Portugal. Vive la Pologne pour Ryan. Tristan nous met 15 pour le Portugal, 16 pour la Pologne, Lucas, 14 pour les deux équipes, Jules, 7 pour le Portugal et 14 pour la Pologne. T'es un peu portugais, t'es un peu polonais, toi. Mais j'ai pas compris, ils sont où les Japonais? Non. C'était avant, c'était dans les restos, les Japonais. 10 pour les deux pour l'instant, pour Jojo et pour Ben. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Océane, 0 pour le Portugal, 20 pour la Pologne. Je vois pas du tout pour qui t'es, toi, tiens, dis donc. 16 uniquement pour la Pologne, rien pour le Portugal, pour Saint-Étienne, 42. Il y a plein de Polonais, Saint-Étienne. Big up les Polonais. Hugo, les Polonais ont été meilleurs, je trouve. Pas de notes, mais ils ont été meilleurs. Hugo du 59, 18 ans. Bon, vous laissez vos notes et dans un instant, on vous donne les résultats de notre sondage express. Pourquoi tu ris, Romano? Non, je suis carriole, elle m'envoie les messages. Ah, sur les voisins? Ouais, ouais. Je sens que l'épisode de demain sera super. Non, parce que je lui ai demandé, je lui fais, ouais, t'as crié d'où? Parce qu'on a une cour et une rue, tu vois. Oui. Et elle me fait, ouais, dans la rue, rien à foutre. Voilà. Elle était là, à bout de nerfs. Mais t'es descendu, t'as dit quoi? Non, à la fenêtre, j'ai dit, y en a marre des castagnettes avec tes talons. Pas mal. Bon, c'est l'heure du top bug. On avait promis pendant la mi-temps. Eh bien, on est à la mi-temps. Voici votre top bug sur Skyrock. Le top bug. Le classement officiel des bugs de Romano sur Skyrock. Ah, voilà le top bug. C'est toujours un bon moment. Hein. Alors, attention, le top bug. Eh bien, encore du mouvement cette semaine. Ça bouge. Alors le top bug que vous retrouvez tous les mercredis. Bon, exceptionnellement, ce jeudi. Oui, parce que hier, on a pris du retard. Ouais, hier, on a tellement. Et moi, j'ai une question. J'interviens quand dans ton histoire avec ton voisin là? Pourquoi tu vas aller te battre? L'autre, là, c'est Cédric qui est excité, chaud, le mec. Oh là, j'ai envie de m'embrouiller. Tu as besoin de moi, là, parce que vu comment c'est parti le truc. Non, comme j'ai dit à Cariole, je crois qu'elle est en train de déterrer. Non, mais là, je pense que Cariole a pété un plomb. Parce que le plus judicieux, ça aurait quand même été d'aller les voir directement. Parce que là, la meuf, elle va être terrorisée au-dessus, quoi. Ouais, elle va dire, j'ai des dagues. J'ai un petit chauve et une meuf qui crie des castagnettes à la fenêtre. Ça va pas bien. Non, mais parce que Cariole, elle m'a dit, mais dans la seconde, la meuf, elle a dû halluciner. Tu sais, elle a dû jeter ses pompes parce que dans la seconde, elle l'a entendu marcher, mais elle n'avait plus rien au pied. Il n'y avait plus de pompes. Bon, donc l'épisode de demain, je vous le conseille, l'épisode des nouveaux voisins. Non, mais si je vois que ça commence à partir en couille, Cédric, je te fais intervenir. Ouais, vas-y. Hein. Bon, alors, c'est parti, le classement du top bug. Alors, attention, c'est parti, avec une sortie déjà pour commencer, mauvaise nouvelle dans ce classement. C'est Pamela qui s'en va. Alors, j'ai la minette épilée devant et ainsi de suite. Ouais. C'est sorti. Terminé pour cette belle Pamela. Bon, elle sort du classement. On réécoute donc Pamela et sa sortie du classement, elle n'est plus là. Ouais. Oui. Et sans A, j'ai la minette. J'ai la minette épilée devant et un peu plus longue sur les côtés. Oui. Le pervers était gêné un peu. Oui, un petit peu. On s'est dit, je suis quand même tombé sur quelqu'un d'un peu spécial. Il était content. Il était content. Ben voilà, terminé. Pamela, j'ai la minette épilée devant. Elle sort. Mais elle peut rentrer. Vous pouvez la faire rentrer la semaine prochaine. Il faut voter pour elle. Bon. Le classement, c'est parti. Attention, le classement, Cédric, s'il te plaît, un petit jingle pour... Allez. Merci. Merci, Cédric. Magnifique. Oui. Alors, place numéro 5, attention, ça perd 3 places en une seule semaine. Oh là là là là, pas une, pas deux, mais 3. 3 places. Oh là là là là. 5e cette semaine, c'est le bug, je trouve ça anti-sexy au possible. C'est numéro 5. Ouais. ça joue Kaira, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Quoi, moi, personnellement, je trouve ça. En effet, Romano, je pense que c'est un avis qui doit être partagé par pas mal d'auditeurs de Skyrock, d'ailleurs. Moi, je pense que. Non, mais je suis d'accord. J'ai dit la vérité. Oui. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ça. C'est. Moi, je trouve ça anti-sexy ou possible. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est, alors, oui, c'est un des bugs les plus longs. Il est long, hein, mais il est super. Bizarre. Tiens, Magdalena qui est bien Pam là. J'ai essayé de parler avec mon nez, mais je n'ai pas réussi. Bon, attention à celui-ci, il est cinquième, dernière place du top 10. Ah ouais, attention, il est en péril. Numéro 4, ça ne bouge pas la semaine dernière. Ça ne bouge pas par rapport à la semaine dernière, c'est quand même. C'est le bug, c'est Pascal. Oui. Non. C'est Pascal. Attends, il m'a trop demandé. Eh, la team le belge, faut s'activer. C'est bien, bien, quelqu'un. J'arrive plus à parler, moi. Qu'est-ce que non, on va s'activer, la team le belge, là. Pascal. Faire caca. Non, j'ai dit Pascal. Non, Pascal. Pascal. J'essayais de comprendre ce que tu disais, mais moi, j'ai cru que tu as dit je vais faire caca. Le caca, c'est bon. Oui, non, pas du tout. Non, c'était Pascal et c'est la place numéro 4 cette semaine dans le top bug. Caca. Si vous avez un ami d'ailleurs qui s'appelle Pascal, n'hésitez pas à lui faire bonjour. Voilà, pas sûr qu'il vous réponde, mais. Mais au moins, vous aurez pensé à lui. Numéro 3, c'est l'entrée de la semaine. C'est le bug, juste le refrain. Ah. Il a défoncé le morceau, Romano. Non, juste le refrain, je ferai juste le refrain. Ouais, c'est ça. Tu veux pas le refaire demain? Non, mais vas-y. Ah, j'avais envie de rapper. Ça, moi, j'essaie de repousser ça demain, en espérant qu'il oublie. Non, ouais, pas c'est du ça, tout. Exactement. Ouais. Pas du tout. Juste le refrain. Juste le refrain. Voilà. Juste le refrain. Prochaine fois qu'il y a un artiste qui vient, je lui mettrai ça. Je lui dirai, tiens, Romano, j'ai envie de chanter avec toi, mais. Juste le refrain. Il a juste le refrain. Et là, il part. Oui. Donc, eh bien, c'est l'entrée de la semaine. Ça rentre quand même fort. Ça rentre numéro 3. Une belle entrée. Numéro 3. Juste le refrain. Eh ouais, c'est quand je suis le prince du hip-hop, ouais, ça, quoi. C'est ça. C'est ça. J'ai la musique en moi. C'est ça. Numéro 2. Oui, c'est. Et ça gagne une place par rapport à la semaine dernière. C'est le bug. Il va falloir faire des impasses. C'était pour les révisions, ça, pour les examens. Ouais. Et bon courage à vous qui allez les résultats la semaine prochaine, je crois, les résultats du bac. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Ça arrive, ça arrive. Attention, numéro 2, petite dédicace à vous, tiens. Tu te fasses les cours de 3 ans de lycée. Ah, je pense qu'il va falloir. Eh bien, Romano, je suis entièrement d'accord avec toi pour ne pas te contredire. Mais qu'est-ce que tu lui avais dit? Parce que c'est intéressant ce que tu as dit. En 3 semaines, là. Tu vas pas avoir le choix, il va falloir faire des impasses sur quelques trucs, quoi. Et oui, il va falloir faire des impasses. Ah, je pense qu'il va falloir. Voilà. Ah, c'est clair. Ouais, mais je m'étais lancé dans une phrase de ouf aussi. Ah, bah, de dingue. Ah, bah, dingue. Et attention, c'est la dinguerie, la totale. Folie, puisqu'on a le numéro 1. Ouais, numéro 1, number 1. Et c'est le bug, et ça ne bouge pas, hein. C'est toujours premier, pas, toujours premier. Oui. C'est le bug linoléum. Viens, tu es arrivé. C'est le truc plastique qui est par terre, là. Linoléum. C'est ça. Ah, tu vois comment c'est du lino, je sais pas, comme ça. Stylé. Lino, ouais. Linoléum. J'ai pas eu dans le dos. J'ai eu monté sur le lino. C'est le linoléum. Non, c'est le. Linoléum. Voilà, c'est ça. Attends, je parle. Linoléum. Ouais, t'as vu, t'y arrives pas. Linoléum. Voilà, linoléum. Linoléum. Voilà, bibadom, bibadom. T'y arrives, toi, Cédric? Mais oui. Linoléum. Non, mais fais vite le pas comme ça. Linoléum. Hein? Linoléum. Voilà. Elle est vénère. La semaine dernière, tu m'as déjà demandé, couillon, il y a deux semaines. Linoléum. Quel couillon, ça. C'est facile à dire. Linoléum. Tu me tues avec tes bobs, Romano. Continue, mais il fait pas exprès. Hein. Salut à toi, c'est qui? Boulder. Boulder 81. Il a une chaîne YouTube, vous allez le voir. Et j'ai 35 abonnés. Ah ben, on va t'en rajouter quelques-uns. Boulder 81. Salut, Boulder. Boulder 81, ouais. Voilà, mais ça se dit Boulder, mec. Salut à Itachi. Bonjour à tous. Merci pour vos messages. Vous pouvez voter pour votre bug préféré. Ouais. Vous nous laissez vos messages jusqu'à mercredi prochain. Et mercredi, on découvre le classement du top bug, le tout nouveau en direct dans l'émission. Il y a l'appli Les Bugs de Romano, hein, mise à jour toutes les semaines sur Apple Store et Google Play. Elle est entièrement gratuite. Et dans un instant, deuxième mi-temps de Portugal-Pologne. On retrouvera également d'ici minuit votre problème du mois, jeudi soir. Et la note des Polonais, la note des Portugais. La moyenne, ouais. Celle que vous avez donnée, je vous dis tout juste après Justin Timberlake sur Skyrock. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna.

fais la vaisselle. Bah c'est bien, tu es une bonne femme. Difoule. Les branleurs, il y en a un paquet, hein, je vois. Il y en a pas mal. Hein. Cédric. Alors Cédric, tu voulais rajouter quelque chose? Bon, par contre, tu dois faire la salope, quoi. Faut chauffer un peu les mecs. Manger quoi? Des hamburgers. Marie. Et le matin, je fais caca. Samy. Samy, t'as prévu quoi? Je regarderai certainement pas le match de Paris demain. Momo. Ah, oui. C'est Momo qui a un gros cul dans l'équipe. Ah putain, Momo, il a putain, il a des grosses fesses, mais c'est énorme. C'est un barbecue. Hein. Et Karim. Moi, je regarde le match chez toi, Difoule demain. Ah bon, t'étais pas au courant? Non, je savais pas. Difoule Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et heureusement qu'on a émission demain, parce que le match on le regardera ici en direct avec vous demain. Bip, bip. Et ce soir, Pologne-Portugal, un partout, deuxième mi-temps, ça y est, c'est parti. Les Polonais sont chauds là, ils sont chauds de chez chaud. Ils attaquent, mais enfin bon, on suit ça en direct et on vous tient au courant de tout ce qui se passe. J'ai les notes des deux équipes d'ailleurs, vous avez mis 14 à une, 13 à l'autre. Et bien vous avez préféré les Polonais. Marie, tu peux arrêter de scouter tes bras, ça m'a mis à bout. Non, parce que je me sèche les mains en fait. Parce que Marie est là depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de travailler dans un hôpital psychiatrique. Elle a. C'était pour me sécher les mains. En train de se secouer les mains. Voilà, je suis complètement débile. Non, mais 10 secondes, ça va. La merde, 3 minutes, ça va. 3 minutes, c'est. Attends, mais c'est l'alcool, j'ai la bleu-blood. Oui, je vois. Marie est en train de trembler. Elle a Parkinson. Voilà, en plus, il y a plein de monde qui appelle au 01 53 40 30 20. Donc, Marie, utilise tes mains à autre chose. Vous les appelez. Tiens, je vais me doigter. Bonne idée. Si tu veux. Vous nous appelez pour débarquer ici. Dès que vous avez un truc à dire, dès que vous avez un petit conseil à demander, une connerie à faire, profitez-en au 01 53 40 30 20 bien sûr. Et puis vos messages également, c'est d'ailleurs ceux qui sont là avec nous, les Polonais, les Portugais bien sûr. Je citais les messages tout à l'heure, mais tous les autres. Et également Laze qui vient d'arriver, comme les frites. Bonjour à Jessica qui est là, qui en fait un gros bisou. La Ferrari du garage, l'émission est de plus en plus c'est haut, luxe ici, hein. Haut de gamme, Joa. La Ferrari du garage nous écoute. Ah tiens, d'ailleurs big up à Laze, il est content, il a reçu son autocollant Team Romano, le sticker. Ah, tu vois. C'est bon, normalement, ils sont quasiment tous arrivés là. Il y a Drake Walls qui nous donne des nouvelles footballistiques. Umtiti au Barça, c'est officiel. Ouais. Et Zlatan à Manchester United, c'est fait aussi. Il va signer demain, Zlatan. Deux petites nouvelles footballistiques, bien sûr. Et Zlatan is the best. Donc, Zlatan, bah, on continuera de le suivre l'année prochaine en Première Ligue. Première Ligue, ouais. Première Ligue, la Ligue anglaise. Eh, mais j'aurais préféré qu'il reste au PSG, Zlatan. Zlatan is the best. Oui, bah oui, mais bon, Zlatan is the best. Zlatan is the best à Paris, c'était bien, hein. Zlatan. Oui, Zlatan. Zlatan en Angleterre. Oui. This is the professional Zlatan. This is the professional Zlatan. This is Zlatan. This is Zlatan. Merci Zlatan en tout cas. Pour d'avoir fait rêver Samy pendant 4 ans. Ah, voilà, pour rêver. Tout le plaisir que tu as procuré. Non, je suis curieux de le voir aux amateurs de foot de Marseille. Oh, ouais, il m'a donné des érections. Non, on va voir parce que je suis pas sûr qu'il soit titulaire et je sais pas comment ce mec en tant que remplaçant il peut. Ah, je me suis ségué levier en te regardant cela. Je te tire la queue de cheval et je te la suce. Des orgasmes quotidiens. Et voilà. Grâce à toi. Ah, en tout cas, il vous a bien fait chier, Zlatan. Ouais, il a marqué quelques buts contre. Ah, quelques-uns. Bon, et puis sinon, je vous disais, vous pouvez nous passer un petit coup de fil. On aura. À demain, ils font la photo, Zlatan. Ouais. Ouais, c'est déjà signé et il faut la photo demain. Merci. Bon, Romano, t'as préparé le problème du mois parce qu'on va s'occuper des gens qui ont des soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai le hockey. Et pourquoi t'as le hockey? Parce que j'ai mangé une brique. Tellement de briques. Tellement de briques. Eh oui, bon tour. Saraftorek. Routi pour dire tout le monde. Voilà. Voilà, je mange un rôti. Alors, on a qui au téléphone? Il y a Alain qui est au téléphone en direct avec nous. Alan, excuse-moi, un Américain. Et oui, je vous le disais, les Ferrari nous écoutent, les Américains aussi. C'est quand même la folie. C'est mal écrit histoire. Alors. Il n'y a pas que les Portugais, pas que les Polonais, pas que les autres. Alan est aussi avec nous. Salut Alan. Salut l'équipe. Salut à toi. Salut Alan. En direct des Côtes d'Armor. Et t'as 16 ans toi Alan, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Bah écoute, sois le bienvenu. Tu aimes bien le problème du mois de jeudi soir? Moi j'adore. Ah oui, très bien. Ouais, très bien. Ça nous permet d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur le net et notamment découvrir les gens qui ont des soucis dans leur tête et dans leur sexe. Et donc aujourd'hui, t'as un petit sommaire à nous faire, Romano? Ouais, il y aura un mec qui est complètement accro au sein, mais ça lui, bon, forcément, ça engrange des problèmes. Un taré. Il y aura une relation avec un transsexuel. Très bien. Du claquage. Voilà, t'as pris mon problème du mois. Non. Sympa, Cédric. T'es gentil, Romano. Il y aura du claquage de cul. De la branlette dans le dos et un autre truc du forest fucking. Le forest fucking, c'est nouveau ça. Qu'est-ce que c'est que c'est donc le forest fucking? Tout ça à découvrir avec des gens qui ont écrit des sites internet pour avoir des réponses. Ouais, cette semaine, il y a quoi? On va les aider. Il y a Doctissimo. Oui, Doctissimo. Ça commence bien. Si tu veux, tu les fais tout à l'heure, la liste. Il y a Pornodépendance, il y a Sex Education Forum, il y a le Palais de la Soumission. Wow. Voilà le programme. Très bien. Mais on va rentrer dans les détails. Ça promet. Et donc, Alan, oui, c'est, a priori, c'est pas mal. Toi, tu nous appelais pourquoi, Alan? Dis-nous. Je voudrais passer mon permis 125, mais mes parents, ils veulent pas. Ton permis quoi? J'ai un 125. Ah, j'ai compris mon permis. Ouais, moi aussi, j'avais pas capté. Tu veux passer ton permis 125. J'ai donné la note du Portugal. Ouais, t'as dit. En fait, t'as dit qu'il y avait une équipe à 14 ans. Ah ouais, t'as donné. Oui, merci pour les messages. Heureusement que vous écoutez l'émission mieux que moi. Portugal, 4. Ah non, Portugal 13, ouais. Et la Pologne 14. Donc c'est une équipe, l'équipe de la Pologne a pour vous été plus performante que l'équipe du Portugal pour la première mi-temps. C'est vrai qu'ils ont dominé, notamment au début du match. Super bien la Pologne. Bon, on va vous tenir au courant. Donc pour l'instant, donc le match un partout, Pologne Portugal. Et donc toi, donc Alan, tu disais que tu voulais passer ton permis 125, la moto. Ouais, voilà. Mais tu peux à 16 ans? Ouais. Je crois que c'est à 18. Ah, 125. Non, non, Cédric, toi, tu sais? 125, non, je sais pas du tout, franchement. Ah ouais, je sais que 125 quand t'as le permis. Eh ben voilà, ça fait. J'aurais le mec, 18, on parlait de passion hier. Il nous dit la passion, moi, c'est ce qui roule, les voitures, tout ça. Et voilà. Il passe son permis moto, il y connaît rien. Eh ben. Mais le permis 125. Non, mais il roule en mode. Comme si Romano, je lui demandais la marque d'une banque et qu'il savait pas me dire. Bah, je sais pas, Crédit Agricole, par exemple. Bah, voilà. Par exemple. Ah non, mais c'est comme si on te demandait, je sais pas, la monnaie du Pérou, c'est quoi? Bah, il le connaît, Romano, c'est le dollar. Pas tout se paye en dollars. Ouais, tout. Mais pourquoi tu réponds à sa place? C'est le dollar. Pesos péruvien. C'est le Pérou dollar. Oui. Le Pérou dollar, ouais. Non, je sais pas, franchement, 125, je sais que quand t'as le permis voiture depuis. Oui, il peut, nous dit Alec Dumont, Seb du 83, 125, 16 ans, c'est bon. Non, mais j'imagine que de toute façon. À 16 ans, c'est bon pour Morgane. Alan, t'es pas débile, tu t'es renseigné avant de demander à tes parents. Eh bien, pas moi. Bah oui. Oui, donc voilà. Alors? Bah oui, bah donc il peut. Il peut, merci pour les messages. Il y a Crady Crado qui nous fait attention, la moto, c'est dangereux. Oui, 125, c'est à 16 ans, il peut à 16 ans. Ouais, merci. La fausse sceptique qui nous écoute aussi. Bonjour à toi, la fausse sceptique. C'est la mienne. À partir de 16 ans, oh là, elle est solide. Pas la mienne, non. À partir de 16 ans, c'est possible. À partir de 16 ans, 125 cm cube pour Kev. Ouais, ok. Donc mais tu conduis déjà un deux roues ou pas? Oui. À vélo. Le Tour de France qui démarre là. Ah, c'est un peu plus tard là. Non, c'est là. Ah, c'est là, ah, là, ça déjà. Ça démarre samedi, le Tour de France. Ah, ouais. Bah, dis donc. Ça démarre du Mont-Saint-Michel. Ah, bah, il y a du dopé sur la route. Ah, ouais. Ah, attention. Attention. Et vous allez voir, les cyclistes, ils vont pisser dans de l'herbe. Et l'herbe, ça va devenir des baobabs en 3 jours. Ouais, c'est ça. Tu sais, il va y avoir des palmiers au Mont-Saint-Michel. Un truc énorme, ouais. Forêt tropicale au Mont-Saint-Michel. Ils vont se demander pourquoi. Des trucs normales. Oui. Non, mais bon, ils sont pas tous dopés. Parce que après, on a les passionnés de cyclisme qui nous insultent en disant. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce qu'il y en a un qui triche. Non, mais il y en a pas un. Tout le monde triche. En fait, ouais, ceux qui, tu sais, c'est horrible. Ceux qui trichent pas, c'est ceux que tu vois jamais, c'est qu'ils sont en fin de peloton. À la fin. Exactement. Mais ceux qui trichent, ils avaient des moteurs dans leur vélo. Ils ont le mérite, et puis ils se mettent. Des moteurs dans les jambes aussi, ouais. Bon, donc toi, est-ce que tu fais du deux roues pour l'instant? T'as un scoot, t'as quoi? Ouais, 50. Donc tes parents, ils ont, pour le scoot, c'est passé, tu l'as eu à 14 ans, ton scoot? 15. Moi, je préfère les scouts quand ils ont 6-7 ans. C'est pas les mêmes. Ah, c'est dégueulasse. J'adore les petits scouts avec leurs costumes, là. Les petits shorts des scouts. Ah, donc, à 14 ans, tes parents, ils t'ont dit, t'as le droit d'avoir un scout. Non, ils m'ont dit 15, en fait. Donc, à 15 ans, t'as eu ton scout. Ouais. Bon, tes parents, ça veut dire qu'ils ont pas fermé. Par exemple, moi, tu sais, quand j'aurai des gosses, pas de scout, moi. Bah, déjà, interdiction. J'en casserai les couilles. Ah non, pas de scout. J'aurais dit, t'attends 18 ans pour ta voiture. Et genre ce qu'il a fait de Jules. Tu fais pas chier, autrement je te fous en pension. Et genre ce qu'il a fait de Jules sur le scooter, ton gosse il fait ça, ou, tu fais quoi? Ou je t'envoie vivre chez Romano. Qu'est-ce que tu disais, Cédric? Si Jules, qu'est-ce qu'il a fait de Jules avec son scooter là? Ouais. Le lever en I, en Y. Ouais. Donc tu vois ton gosse faire ça dans la rue. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu lui fais? J'envoie en pension chez Romano au pain sec. Pain sec, ouais. Au pain et à l'eau. Ah non, mais moi je récupère pas tes mioches. Pourquoi? Non, mais que ce soit clair, attends, tu les fais, tu te démerdes avec. Et ouais, c'est la durée de parents, ce qu'ils sont en train de vivre, tes parents, Alan. Non, mais c'est quoi? Mais ce qui est bizarre, c'est que, au final, c'est plus puissant, mais t'es déjà habitué à faire du deux roues. Ouais. Pourquoi ils veulent pas que. C'est quoi l'argument qu'ils t'ont dit, qu'ils t'ont sorti pour te dire non? C'est pas la même chose, gros. Bah, ça va trop vite. Un scooter 50, un 120. Bien vu, Marie. Ah, bah, c'est ça. Oui, mais d'accord, mais ça reste à deux roues. Tu sais, il y a des parents, ils sont bloqués. Même un scooter, il n'y a pas moyen de négocier un scooter. Non, pas un scooter, tu sais, tu restes en ville. Un 125, tu prends l'autoroute déjà avec. Mais t'es prudent, chose, t'as jamais eu d'accident, rien, pas jamais eu de galère. Non. Mais t'en viens, ça, c'est un bon point. T'as envie de prendre l'autoroute, toi? Bah, tant qu'à faire, ouais. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas foutre sur l'autoroute? Il voyage, ouais. D'accord, mais. Pour les nationales. Non, mais s'il va aller voir une meuf qui habite un peu plus loin, elle prend l'autoroute. se barre. T'as des mecs qui partent en vacances en 125. Hein. Ah ouais, mais putain, tu dois avoir mal au cul. Mais t'arrives en combien de jours? Là, ça dépend. Moi, je dis pas, ils ont fait Paris. Ils sont partis à Deauville, ils sont stagés. Ah, moi, je l'ai fait, laisse tomber. Tu mets une heure et demie, deux heures. Ouais, ça va, ça roule bien. Ouais, puis on oublie un truc, mais il a raison. C'est qui dit ça? Tristan, ils veulent peut-être pas payer. C'est cher. Ah, t'as l'assurance aussi. Ah ouais. Bah ouais, en plus l'assurance, c'est assez cher quand même, quoi. Et la moto qui paye? Bah c'est ça, moi. Ah, c'est toi qui la paye? C'est toi qui paye. Et l'assurance, c'était parents, quoi. Ouais, voilà. Ah, genre, c'est combien, cher, l'assurance? Ça dépend. Oh, je sais pas, j'ai pas trop regardé, en fait. 100, 125 euros. Tes parents, eux, ils ont peut-être regardé, par contre. Ouais, 130 euros par mois? Par mois? Jeune conducteur, vous réveillez-vous, les gars. Ouais. 130 euros par mois. Ouais. Bien sûr, ça dépend. Tu l'apprends. Il vient d'avoir le permis. Ça dépend le modèle que t'as. Ça dépend si tu l'apprends contre le vol. Ça lave ton nez, Karim. Merci, man. C'est gentil. Là, les scooters, c'est les trucs, c'est les assurances les plus chères. C'est les scooters et les motos, c'est les trucs les plus volés. Donc, tu sais, les assurances, elles sont plus chères. Il y a même des boîtes, des compagnies d'assurance, elles veulent même plus assurer un scooter. Ah, mais il y a des conditions de ouf. Faut que t'achètes un U, faut que tu peux en payer certaines assurances. T'achètes un U pour te mettre en Y, c'est marrant. Ah, sérieux. C'est vrai. T'as certaines assurances, ils demandent est-ce qu'il y a une alarme dessus, est-ce qu'il y a un tracker, tu sais, pour savoir où il est le scooter et tout, c'est un truc de ouf, hein. Mais toi, t'habites en ville ou à la campagne? En ville. Ouais. Et t'es, ça veut dire, de la fouche à la campagne aussi. Tes parents, ils ont des sous ou pas? Comment? Tes parents, ils sont à l'aise au niveau financier ou c'est où vous ramez un peu? Bon, normal, quoi. Normal. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de mettre 130 euros pour une assurance par mois? C'est par mois. Bah, ça fait cher quand même, quoi. Ah, ça fait cher. Ah, moi, je te dis cash, t'es mon fils, bah, tu vas te faire mettre. Non, mais ça, on sait. Depuis, c'est dit délicatement. Depuis qu'on a dit 130 euros par mois. J'ai dit direct, je fais, bah, écoute, continue de te déplacer en Vélib. Mon pote, tu travailles et tu fais ton truc. En plus, à 16 ans, si t'as jamais eu d'accident ou que t'es prudent sur la route, tout ça, bon. Ouais, mais bon, après, c'est quand même un budget, hein. 130 balles par mois, il faut que les parents puissent sortir. Ils ont d'autres factures à payer aussi. Hein. Ouais, ta mère va stresser grave, on nous dit là sur les messages. Bah ouais. Parce que, ouais, elle va stresser grave. Et ton père, il va payer, ouais. Mon père payait encore plus cher l'assurance de ma moto, que de sa voiture. Message de Goldman Sachs. Ouais, mais ça, ce que dit Cédric, il a raison. C'est ouais, que. C'est vrai que c'est logique. Les assurances, puisque moi, je sais, j'avais eu un scooter. Ça fait déjà un paquet d'années. À l'époque, déjà, j'avais galéré pour me l'assurer, parce qu'il y a plein de boîtes qui voulaient. Ouais. Tu sais, j'arrivais dans les agences, je disais, ouais, c'est pour un scooter. Les mecs, ils me disaient. Déjà, ils demandaient ta carte d'identité parce qu'ils croyaient que tu étais un enfant de primaire. Non, mais surtout, ils me disaient, on le fait plus. Bah, et ils m'ont expliqué parce qu'il y a. Tu te retrouves petit pour faire du scooter. Mais oui, continue à faire du vélo à trois roues. Mais oui. Ça vient juste de t'enlever ta troisième roue. Mais oui, les petites roulettes. Mais non, ils veulent plus, ouais. Donc, les seuls qui veulent, il y a tellement de risques que tu te fasses piquer qu'ils carburent sur les prix, quoi. Ouais. Ah, attention, t'es assis, Romano? Ouais. Ah, t'es assis. Oui. Anthony en deuil qui nous laisse un message et qui nous dit l'assurance peut aller jusqu'à, attention, accrochez-vous, ouais, 250 euros par mois. C'est wow, énorme. Putain. Et il rajoute, c'est cher. Et là, Romano vient de tomber. C'est du vol. Je suis désolé de briser un peu ton truc si c'est ta passion, vraiment. Après, rien ne t'empêche de passer ton permis aussi, hein. Ouais, mais je pense que je vais attendre. Mais passer le permis pour un truc que tu pourras pas utiliser parce que on nous dit les motos ça peut coûter 2500 euros. Ah, même plus, hein. Ouais, là, le prix de la moto. Ah, bah, c'était fou, ça peut être plus cher que ça. Hein. Et même plus. Des motos à 20 000, 30 000 euros. Hein. Oui, t'as une moto que tu voudrais t'acheter. C'est quoi la moto que tu voudrais te prendre, toi? C'est une KTM, c'est une Duke. Pas mal, la KTM Puduc, elle est bien. Puduc, ouais. Puduc, ouais. Voilà, je l'ai eu, celle-là. Voilà. J'ai gardé le Puduc. Ah, c'est une bonne marque, KTM, en plus. Ouais, si, c'est bien, ouais. Ouais, c'est connu, ça, ouais. Mais pour en revenir. Ah ouais, putain, je comprends que tu kiffes. C'est un gros truc. Non, mais elle est jolie, hein. Ah bah, c'est un vrai truc. Flipper, mais bon. Oui, moto d'enfance. Ouais, moi, je voulais en revenir à l'assurance. Alan, il va pas payer trop cher vu qu'il a déjà un 50, il est déjà assuré, donc il continue chez la même assurance. Il change juste de scooter et ça lui coûtera pas forcément plus cher. Ah. Ça va pas lui coûter plus cher de ouf, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, il paye déjà une assurance, tes parents, en fait. Il est déjà assuré chez lui, tu vois. Oui, mais tu vas en payer une deuxième pour le truc, hein. L'assurance, elle est pas valable pour tous les trucs qui roulent. Non, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils t'ont déjà eu, t'as déjà été assuré chez eux pour un scooter, donc ils vont te prendre, ils savent que tu conduis bien, que t'as jamais eu d'accident, etc. Oui, mais c'est vrai que c'est pas considéré. Ouais, mais ça sera bon pendant un an, tu vas payer moins cher. Ouais, mais le prix, c'est pas le même, attention. Ouais, ça va augmenter, mais ce sera pas non plus la folie folle, je crois. Voilà, c'est dommage, parce que j'adore que c'est la folie folle. Parce que les KTM, c'est des belles bécanes, déjà. Salut les filles, c'est de la moto. Salut les filles. Cédric, tu sers plus en moto, non? Parce que t'as un casque intégral. La gueule qu'il a dans le casque. Mais le casque, on dirait un hamster. Avec Cariole, une fois, il était venu nous voir. Jay l'avait fait se casser la gueule, ce con. Ah, surtout, j'avais la bécane. Parce qu'elle est lourde, la mienne. Les mecs, ils partent, la moto, je la vois partir de travers. Heureusement que j'étais là, je lui ai sauvé la vie. Quel muto, celui-là. Et après, il avait son casque, et tu sais, ça lui compressait les joues. Mais c'est une gueule toute chelou. Ah, mais changer de casque. Oh là, sors-lui ça, ce truc. Non, j'en ai un mieux, là. Mais vous êtes qui, monsieur? Je ne me reconnais pas. Oh, allez, allez. Non, mais on a des fans de deux roues dans l'équipe Romano. T'avais ton scooter, toi. Comme Alan, à son âge, non? À 16 ans, t'avais un scooter? Non, 18. 18, t'as battu Alan. Aussi son scooter, Romano. Et Cédric, qui a passé son permis moto. Bah, moi, je m'en suis fait piquer un et l'autre, on me l'a détérioré. Donc. Toi, t'as jamais eu de problème avec ton scooter, ni détérioré, ni rien du tout, Alan? Non, moi, ça va, non. Non, non, mais je parlais même d'un accident que tu m'avais fait, Cédric. Hein. Ah, moi, en fait, je le garais dans la rue, tu sais, et un soir, il y a un mec qui a pété le Neyman, là, le machin. Ouais, Neyman. Ah, il a voulu le voler. Ouais, ouais, voilà. Et en fait, ça m'a saoulé, j'ai arrêté après. J'adore être saoulé. Ça, non, mais ça revenait trop cher. Pologne et Portugal, toujours un partout. 55% yes. De position de balle pour les Polonais, 45% pour les Portugais. Portugal. Je vous donne quelques petites statistiques footballistiques au passage pour le match de ce soir. Non, mais Alan, des fois, tu fais des roues entre nous? Non. Ah ouais, toi, t'es prudent, en fait. Tu peux dire ça à ta mère. T'es un calme. Moi, j'ai fait une roue avec le scooter de Romano. T'y arrives pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Ah, tu nous as vu avec Jules sur le scooter l'autre jour? Ouais. Ouais, t'as vu les bonhommes. Et les pros. Surtout Difool. Ouais, t'as vu un peu la puissance. Mon casque. Et ouais, je vous conseille pour pas. Difool. C'est vraiment parce qu'on était à l'antenne que. Ouais. Si, j'avais mon casque de radio. Ah, voilà. Ouais, bah super. Tu sais, j'ai halluciné que tu montes sur un scooter sans casque, toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, non, mais moi, jamais je fais ça. Non, mais je vous l'ai dit, ce qu'on a fait là, je l'ai fait parce qu'on était à l'antenne. Et il était complètement drogué. Non, mais tu sais que c'est lâché. Non, mais c'est lâché ce qu'il a vu. J'étais drogué au GHB. Tu sais, tu t'es lâché, j'ai halluciné. Fais-tu que je monte derrière toi, l'autre, il est monté sur le scooter. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il s'est serré à lui, il est devenu tout blanc. Tu sais, à ce moment-là, il a dû regretter, tu vois, qu'elle a commencé à accélérer, elle a commencé à dire, eh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Il avait crié. Non, mais j'aime pas remettre ma vie. Qu'est-ce qui est important pour vous tous et vous toutes, bien sûr. Et je pense à vous dans ces moments-là, mais j'aime pas remettre ma vie à quelqu'un d'autre. Non, mais lui, tellement serré de Jules, il l'empêchait de respirer. Non, c'est Romano, moi j'étais assez. C'est Romano qui a failli tomber. Non, oui. Romano, mais t'es des coups de casque. Non, mais Jules a très mal conduit avec moi, je suis désolé de le dire maintenant, mais. On vous laisse débarrasser de toi. On a quand même mangé. On a failli manger un trottoir quand même. En fait, il a levé la roue et là, je sais pas. Elle t'a mis en i. Au niveau de la réception, il y a eu un souci, c'est qu'il y avait le trottoir et il y a peu de fleurs derrière. Ouais. Tu sais, les gros peu de fleurs qu'il y a dans les rues, là. Ouais, tu sais qu'il a freiné juste. Ah, ben ouais, j'ai bien vu, ouais. J'ai vu que je me rapprochais étrangement du pot de fleurs et du sol également. Mais après, faites attention avec les deux roues, faut faire gaffe. Toi, t'es prudent, Alan, c'est un bon point par rapport à ta mère, tout ça. Et là, au niveau de l'assurance, si vous voulez, à Devis en direct et à Gen 54, elle travaille à la Matmut. Ouais, je l'appelle. À la Matmut. Bon, merci. C'est quoi, la Matmut, elle assure, c'est ça? La Matmut, bah, elle assure, ouais. Grave. Attends. Bon, bah, ce qu'on va faire, Alan, on va se renseigner sur les prix déjà des assurances. L'argument de tes parents, c'est quoi? Ça va trop vite et ils t'ont pas dit ça coûte trop cher? Non. Mais je pense qu'ils pensent. Ouais, c'est le prochain argument. Et qui est-ce qui est le plus bloqué, ta mère ou ton père? Ou les deux? Ils sont d'accord. En fait. Ouais, ton père, il est pas motard, lui? Non. Non, dommage. Ouais, pas de chance, ouais, parce qu'il serait passionné par la moto. Ouais, limite, tu joues cet argument-là, tu dis, ouais, toi, t'es passionné, machin. Ouais, je comprends que ça te fout les boules, parce que t'as une passion, c'est ta vraie passion, le deux roues, toi. Non. Parce que t'en as d'autres, ça va. Ouais. Non, mais c'est vrai que si c'est ta vraie passion et que tu peux pas aller au bout de ta passion parce que ça coûte cher, non, mais ça prend pas de sous, tout ça. Le plus aussi, c'est que t'as jamais eu de problème, que t'as l'air assez calme. Donc, c'est un plus, tu vois. Ouais, mais enfin, bon, quand on nous dit 150 ou 250 euros l'assurance par mois, ça calme aussi. Et toi, Dylan, Alan, pardon, t'as pas d'oseille, t'as rien, tu peux pas la payer l'assurance toi-même. Parce qu'admettons, si tu dis à tes parents, je paye tout. Bah non, je peux pas, non. Ah ouais, tu peux pas. Ah ouais. Mais je crois que Romano t'aurait demandé de payer la sienne si t'avais dit ok. Non, mais Cédric peut peut-être te la payer par contre. Voilà, une assurance Louis Vuitton. Oh ouais, LV Assurance. Vous connaissez? Je suis sûr que Louis Vuitton, il lance des assurances, tu me prends. Non, Thomas, là, t'as quoi, pourquoi faire? T'as acheté quoi dernièrement chez Louis Vuitton? Non, ça fait longtemps que j'ai rien acheté, gros. En ce moment, j'ai plus d'argent. Ouais, voilà. Prête un peu? Non, bah, j'en ai pas non plus, donc. Ouais, mais c'est ça. La crise dure, hein. Tiens, on a Jen au téléphone. Ah oui, c'est celle qui bosse à la Matmut. Ouais. Allô, Jen. Ouais, Jen. Oui, bonjour. Bonjour. Je te présente Alan. Oui, la Matmut, elle assure. Elle assure, Jen. Elle assure. Alors, elle va nous faire 54, toi, Jen. Merci de nous appeler. Merci de nous passer un coup de fil. Oui, j'habite à Nancy. Combien ça coûte? T'as 16 ans, tu prends une 125, tu veux une assurance. Combien ça coûte? Eh ben, ça va dépendre de ce qu'il veut. Ça va dépendre de ce qu'il veut. Hein. Donc, s'il veut du vol de l'incendie, par exemple, il est déjà assuré. Assurance pour touriste, qu'il veut. Ah, bah, un touriste. Ouais, bah, en gros, faut compter pour un jeune conducteur, ouais, en gros, ça dépend d'où il va s'assurer, mais une, je sais pas, je veux dire, 80, 100 euros par mois, pas plus, hein. Ah, quand même, c'est moins. Ça, ouais, mais ça reste cher quand même. C'est, oui, de toute façon, Romano, à partir du moment où ça coûte, ça cher. Ouais, c'est sûr, mais non, si... mais c'est un budget sur l'année, tu ramènes ça à l'année, ça fait quand même de l'oseille. Mais ils assurent déjà le scout. Oui, mais je comprends, moi, que toutes les familles, elles puissent pas payer ça, tu vois. Ah, bien sûr. T'as pas énormément d'oseille. Ah, bah, c'est sûr. 100 balles c'est par sûr. Mois, c'est un budget. C'est gros, hein. Donc voilà, tu vois, c'est moins cher qu'on avait prévu. Et en plus, il a pas eu d'accident avec son scout et qu'il. Ah bah voilà, en plus, il est déjà. En fait, en gros, dans les assurances, ça se passe comme ça. C'est mais en gros, comment on prend. Comme c'est Cédric. Excuse-moi, John. C'est soit en fait on prend, soit on prend pas quoi. En général, c'est comme ça. Maintenant, il y a des compagnies qui peuvent prendre avec un tarif exorbitant s'il y a eu des accidents. Ouais. Maintenant, s'il n'y a pas eu d'accident, en règle générale, voilà, ça se passe bien. Et comme il y a déjà un deux roues, il y a pas de raison que voilà que qu'ils ne prennent pas quoi. D'accord. Donc l'assurance tout risque, donc tu as dit 80 à 100 euros. Ça va dépendre des compagnies d'assurance, et mais ouais. Alors, 125, c'est vrai que j'en... Alors, j'en ai plein vu plein des taux risques aujourd'hui dans les villes, dans les rues de Paris. Ouais, avec l'euro. Voilà, il y a plein de taux risques. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a plein, la Tour Eiffel. Après, c'est vrai que j'ai entendu dire que, vous parliez de vol, que ça c'est beaucoup volé. Alors, c'est vrai que les deux roues, c'est beaucoup volé. Maintenant, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on, si jamais on tombe, hein, s'il y a un truc comme ça, oui. Ça coûte beaucoup plus cher, hein, les dommages corporels. Donc, c'est pour ça que l'assurance est aussi plus chère parce que, bah, en cas de blessure, ça va coûter beaucoup plus cher qu'une voiture, quoi. Ouais, voilà, en gros, il n'y a oui, pas que le vol. Quoi. C'est surtout beaucoup plus dangereux, donc faut faire attention. Ouais. C'est beaucoup plus dangereux, effectivement, ouais. Tout à fait. Tout très à bien, fait. Jen. Eh ben, ouais, super. Voilà. Allez, la matmute, elle assure. Mais grave, elle assure. Voilà, tu fais craquer les auditeurs. Regarde, elle a une voix et une façon de parler. Tu es une meuf d'assurance, nous dit Mickaël. Elle est belle. Elle est belle. Je ne sais pas si tu es belle, mais oui, tu es belle. Mais oui, toujours. Bon, il y en a plein qui te conseillent. Bon, voilà, tu vois, c'est moins cher que prévu, donc tu pourras dire ça à tes parents, à la limite. C'est déjà à la... ça. Et puis, il y en a plein qui te conseillent de passer ton permis, d'attendre 2 ans et de passer ton permis voiture. Oui, mais bon, c'est sûr que c'est mieux. Après, il y a des gens qui sont passionnés de moto. Eh ben, il faut, exactement. Passionné de moto. Moi, j'avais un pote, je l'ai raconté, mon pote, là, qui était bien grand, là. Ouais. Et qui était passionné de moto. Il avait toujours les mains pleines de cambouis parce qu'il arrêtait pas de trafiquer les moteurs. Ah, oui. Je suis dans le moteur, là. Ah, il était tout le temps dans son moteur. Sous les ongles et tout, là. Ouais, partout. Bon, merci, Jen. On te fait un gros bisou. Ouais, bisous à vous tous. Et on t'envoie si chance, Skyrock. Je vous kiffe. Vous êtes super. Et puis, voilà. Vous écoutez des années. Et il y a Morgane aussi. Il est au taquet. Non, mais Jen, tu travailles, t'es opératrice au téléphone, là? Non, je suis en agence. Ah ouais, sinon j'allais te demander si t'étais déjà fait brancher par des clients en les appelant ou quoi. Au téléphone ouais. Non, au téléphone. En agence, ça peut arriver de temps en temps, mais au téléphone. À mon avis, s'ils t'ont mis en agence, c'est que oui, ça doit aller. C'est pas dégueu. Ça, oui, c'est ça, exactement. Attends 2 ans, nous dit Racer, pour passer le permis voiture. Sinon, il y a Victoria qui disait revends ton scoot, déjà ça te fera un peu de thunes. Aussi, oui. Ouais. Aussi. T'as le bonjour de Gucci Man. Merci pour ton message, Gucci Man, et tous les autres. On t'embrasse, Jen, t-shirt Skyrock à la maison. Et Alan, tiens-nous au courant. Essaye de trouver les bons arguments. Et puis, je sais pas pour les arguments, tiens, si vous avez des arguments, vous pouvez nous les laisser, on n'a pas fait ça. Mais tu peux leur dire, par exemple, que pour aller au bahut, t'auras plus besoin, je sais pas si c'est eux qui t'amènent au bahut, t'auras plus besoin d'eux pour t'amener. Non? Ouais, bah, c'est le car, ouais. Ah, c'est eux qui t'amènent au bahut? Non, ouais. C'est le car. Ah, le car. Eh ben voilà, tu dis que. Y a plus de car. Y a plus de car. Nous, on est en car, par contre. Ils ont supprimé le car. Eh ben justement, les cars, on les suit en direct. Les quarts de finale. De l'euro, toujours un partout entre la Pologne et le Portugal. Ouais. Merci, Alan, raccroche pas. Et reste un peu plus de 20 minutes. Ah là là, 20 minutes de match et là il doit 20 minutes de suspense. C'est ça. Et peut-être les prolongations. Et peut-être les tirs au but. Tout ça vivant en direct sur Skyrock. Ça voudrait dire que Samy a fait un bon pronostic la première fois. Et depuis le début des 8e, j'ai plus de 50% de réussite sur les scores. Ce qui est quand même. Ça m'est jamais arrivé de match. Connaissant Samy, assez hallucinant. Et même pas la victoire, le score précis, plus de 1 match sur 2, j'ai trouvé le score précis. Et attention, donc. C'est que tu ferais des progrès. On va peut-être aller l'euro, je le sens bien. On va peut-être aller au tir au but. Bon, allez, les Bleus. Allez les Polonais, allez les Bleus, hein, de toute façon vous le savez. Un petit SCH dans une demi-heure. Et Rihanna, tiens, on vous l'offrira avant minuit tout à l'heure. Vous gagnez vos places pour Rihanna si vous voulez aller voir en concert. Les concerts de Rihanna. Et si vous voulez aller la voir en concert, c'est tout à l'heure dans la roulette, ça va tourner. Là on l'écoute avec Calvin Harris sur Skyrock. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool, tous les matins de 6h à 9h. Et Didier Deschamps dans le réveil de Star. Et oui, on a du lourd, les plus grandes stars sont là. Et là, c'est pour la famille de Loïc qu'on appelle ce matin. À qui est-ce? C'est moi qui entraîne les joueurs. Les joueurs de quoi? L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout. Ah ouais, putain, mais t'es Didier Deschamps carrément alors. Ouais. Oui. T'as fumé combien de pétards toi? 23.

Calvin Harris, on écoutait This Is What You Came For. 21h minuit, la radio libre de Difool, seulement sur Skyrock. Et ouais, en direct tous les soirs, on est là, et même pendant les vacances, tout l'été d'ailleurs, vous trouvez la radio libre entre 21h et minuit. Ça ne s'arrête pas. Exactement, et les Polonais, les Portugais qui poussent a priori, d'après ce que vous nous dites sur les messages. Moi j'ai jeté un œil, oui c'est vrai que ça a l'air de pousser du côté du Portugal, mais rien n'est joué. Ah, ça pousse. Comment ça pousse? Ah, ça pousse. Ah, ils poussent bien les Portugais. En ouais. Portugais, ça pousse. Ça pousse. C'est les égaux, c'est ça pousse. Ah tiens, on a des numéros de Portugais. Ouais. Ah, pour voir un petit peu quelle est l'ambiance avant le... Logiquement, là, si je vous le dis, si vous êtes des fidèles du morning, vous vous rappelez sans doute de la dame des égouches. On n'a pas l'appel, ce serait bien marrant de le réécouter. Alors, on va vous demander. Ah ouais, tiens, ouais. Attention, l'équipe de prod de Skyrock sur le pont. Renvoyez-nous le petit coup de fil qu'on avait passé dans les conseils pas chers. Les égouches. Pour les égouches. Romano, en fait, était égoutier. Oui, c'est ça. Et il y avait un problème d'égout. Il s'est dit, je peux gagner de l'argent avec ça parce que, vous le savez, Romano gagne de l'argent. Dans les conseils pas chers. Oui, et avec tout. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Pour gagner des souches. C'est les conseils pas chers. Et oui, pour gagner plein des souches. C'est les conseils pas chers. Donc là, on a pris des numéros au hasard, on avait appelé des gens et on était tombé sur notre amie portugaise qui nous avait fait un sketch sur les égouches magnifique. Ah ouais. Donc on va Je peux lui dire, c'est urgence égout. Urgence égouche ou urgence égouche. Faut arrêter de regarder le match, il y a les égouches. Non, mais il y a un problème, on va dire, il y a une canalisation qui a pété, faut qu'on intervienne pour les égouches, ça viendrait de chez elle. Alors attends, ce que tu peux faire, tu peux dire que tu es coincé dans les canalisations. Et que tu voudrais regarder et que tu voudrais savoir un petit peu combien il y a entre la Pologne et le Portugal. Ouais, on peut essayer. Comme tu veux, vas-y, fais comme tu veux. Non, mais on va voir. Déjà, il faut qu'elle décroche. On va appeler ta copine des égouches et puis on va peut-être vous la faire écouter dans un instant. La copine des égouches de Romano. C'est vrai que tu demandes la production. Très bonne blague de Victoria qui nous fait, on peut dire que les Portugais actuellement ont un mur défensif. Ah, et vous avez pas vu le truc de Bean? Ah si si. Ah, le truc de Bean qui a fait un scandale. Oh, c'était plutôt quoi, c'est pas méchant hein. Vous n'avez pas là? Non, j'ai pas vu. Ça faudrait que je me rappelle, c'est compliqué. Alors, c'était quoi? Il posait des questions, il disait: "Petit A, est-ce que vous pensez que les Portugais vont faire un mur?" C'est ça. Ouais. Après, il y avait un truc sur les Polonais, c'était par rapport à l'alcool. Est-ce qu'ils vont se bourrer la gueule? En gros, les Polonais vont se bourrer la gueule. Non, c'était pas exactement ça, c'était mieux tourné leur truc. Je sais plus ce que c'était exactement. Est-ce que vous pensez que les Polonais... On va vous le ressortir. Si vous l'avez, la blague de Bean de ce matin, ils l'ont enlevé, mais bon, ça me semblait fait rigoler. Et puis, c'est pas méchant. Moi, bah non, c'est le derby clichés, du c'est bâtiment. Voilà, comme ils ça, ont joué avec les clichés. Ah, le derby du bâtiment, ouais, c'est pas parce con. Non, il y a pas. Un message, j'avais vu un truc. Je crois qu'il y avait pas ça. C'était pas ça. Si vous l'avez vu, vous nous dites là. Et oui, les infos foot les meilleures sont sur Skyrock, bien sûr. Bien sûr. Bon, on vous la complète dans un instant. Alors, on y va pour notre ami des égouches. Allez, c'est parti. T'as demandé le petit extrait des conseils pas chers des égouches? Ah, voilà, j'ai le truc là. De quoi? J'ai le truc de Bean. Ah, on va vous dire, super. Alors, nous, ça nous a fait rigoler, il y a des gens qui ont été choqués. Enfin, tout le monde est choqué de tout actuellement. C'est clair. Et t'as plus le droit de faire une blague. Ouais, tu peux plus rire. Voilà, tu peux pas dire, moi j'ai un ami marseillais, bon, son équipe elle est pourrie. En plus, c'est pour traquer, c'est pour rigoler, c'est pour rire. Ah, excuse-moi, Samy, t'es là. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est la compagnie des eaux, les égouts. Ah merde. Le mot égout. Ah, ça, elle a fait un blocage dessus. C'est vrai, t'arrives chez elle, tu lui fais l'égout et les couleurs sur le nuléap, elle te ferme la porte à la gueule. T'es con. Non, en plus, ça fait un moment, la meuf, elle est traumatisée depuis, quoi. Ah bah oui, ça fait un peu plus d'un an, oui. Elle a un blocage. Faut pas dire le mot égout, Romano, d'accord? Tu peux dire canalisation, tout ça. J'aurais peut-être dû attaquer comme ça. Mais pas égouche. Allô? Oui, allô? Madame, c'est pour quoi? C'est pour les canalisations, madame. Il y a un problème. Ça vient de chez vous. Ouais, sûrement pas. Excusez-moi, monsieur. Ah si, madame, il y a un problème d'égout. Hein. Allô? Allô? Il y a un problème des égouts. Les égouches. Ils sont bouchés. Ah, elle ne le fait pas. Ah non, elle ne veut pas. Vas-y, rappelle-la peut-être une dernière fois. Allez, voilà. Vraiment pour le plaisir. Super, là, là. Sinon, je vous ai retrouvé le... Merci, la prod. Putain, ils sont rapides. Hein. Pour le petit conseil pas cher, carte 23. Alors attendez, bougez pas, je vous le mets juste après. Appel et gouche. Elle s'appelle Janine. Janina. C'est ça, Janina. Allez, on la rappelle une dernière fois, on va lui parler du match de foot. Ah, c'est décroche. Hein. Allô, allô, Janina. Ouais, dis-lui bon dia. Bon dia, Storci. Bon dia. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Bonne nuit. Tu vois, ça t'a servi de coucher avec la gothique. Oui, bah ça va. T'as appris à dire bonne nuit. Tu lui disais bonne nuit avant de dormir? Bonjour. Quand tu lui caressais la vulve. La vulve, bien sûr. Oh. C'est Boy Not Bacalao. Boy Night. La morue. Boy Night Bacalao. Bafonner. Exactement. Bon, et la blague, alors, la blague de l'émission Bein. Alors, la blague de Bein, et juste après, on vous met le coup de fil des égouches pour, parce que c'était super drôle, ça. Alors, que va-t-il se passer ce soir à Marseille? C'était la question qui était posée. Oui. Réponse A, les Portugais vont faire le ménage. Réponse B, les Polonais vont traquer grave. Réponse C, le Portugal va se heurter à un mur. Réponse D, brandade de Maurice sur le vieux port. Et donc, ça a fait un scandale ce matin. Bein s'est excusé. Ouais, ils étaient obligés de s'excuser. Oh, c'est une blague. Bah ouais, c'est des clichés. Et en fait, c'est le rédacteur en chef qui a écrit la blague et il est lui-même portugais. Donc voilà. Bah oui, et puis même, si t'as besoin d'être portugais pour faire des blagues. Oui, oui, non, mais bon, oui. Oui, ça va, il y a pas. Il y a largement pire. Franchement, il n'y a rien de choquant, on nous dit. Mais oui, il n'y a rien de choquant. En tout cas, ça nous a bien fait rigoler, cette histoire. Bon, voici le coup de fil. Janina. De Janina et les égouches. Oh, attention, le Portugal qui est dangereux, qui tire, c'est pas passé loin. Ouais, putain. C'est passé juste à côté. Bah, c'est un poil de cul. Et oui, un partout, il reste 10 minutes de jeu et... Qui c'est qui a crié? J'ai sifflé. Ah, t'as sifflé. Parce que les Polonais, ils ont failli marquer dans leur cage, c'est chaud là. Et les égouches, tout de suite. C'était les égouches. Dans les conseils pas chers du matin, on m'a notre appel. Ouais, ouais, je me rappelle. Écoutez. C'est la même qu'on a eue à l'instant. Ouais, bonjour Janina. Oui. Oui, bon dia. Comment ça va? Qui c'est? Hey. C'est le service des égouts. Les égouts. Les égouches. Ah oui, les égouches, évidemment, les égouches. Allô, Janina. Riez pas comme ça. Ah ouais, attends, vous allez faire foirer mon truc. Mais oui, vous lui faites foirer son truc. Ah, c'est les égouches. On était au Portugal chez Janina. Non, on est en France. Non, c'est la France. Ouais, mais ça sentait bien le Portugal. Bon, on y retourne. Vas-y, on la rappelle. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Janina chez les égouches. Allô. Bon dia, Janina. Oh. Janina. Il y a le mari derrière. Le mari. C'est le service des égouts à l'appareil. Non, pas les égouts. Les égouches. Les égouches. Allô. Écoutez, je vais vous appeler la police, vous verrez. Hein. Ah mais non, mais c'est pas... Attendez, madame, vous avez bouché les gouches. Non, j'ai pas bouché des gouches. Vous faites attention, je vais tout de suite appeler la police. Hein. Ah non, mais ça sert à rien d'appeler la police. Il faut payer... La police. Il faut payer... La police, il est là à côté de moi, monsieur. Écoutez, passez-le moi. Moi, j'ai débouché les gouches, il faut payer. Embrassez-moi. Avec plaisir. Écoutez. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez bouché les gouches. Moi, je n'ai pas bouché des gouches. Comment ça, t'as vu ça? Attendez, je n'ai votre numéro. Hein. Il s'est affiché sur mon téléphone. Hein. Non, mais moi, il faut que je vienne récupérer les 150 euros. Hein. Faut payer. Les 150 euros, je n'ai jamais eu. Il vous doit l'argent. Si, parce que vous avez bouché les gouches. Vu que je n'ai pas bouché des gouches. Arrêtez, parce que vous verrez, j'ai récupéré le numéro de téléphone. Hein. Il faut que je vienne, là, absolument. Il faut que je passe... Vous n'avez pas obligé de venir chez nous, vous n'avez rien à foutre chez nous. Si, vous avez bouché les gouches, il faut le payer maintenant. Moi, je n'ai rien demandé à personne pour déboucher. Ah oui, mais c'est la ville qui a payé, madame. Oui, oui, écoutez, personne qui l'a payé. Et vous êtes responsable. Arrêtez des conneries, parce que le policier, il habite à côté chez moi. Ah non, mais moi, on a trouvé des trucs, des produits d'entretien et tout. Vous trouvez des trucs, moi aussi, j'ai trouvé des trucs. Ah ouais, mais là, c'est... Moi, j'ai trouvé des trucs sur vous. Arrêtez de nous emmerder. Ah ben non, mais il faut payer, ma bonne dame. Elle a bouché les gouches. Non, elle dit qu'elle n'a pas bouché les gouches. Et non, elle disait qu'elle n'avait pas bouché les gouches. D'ailleurs, vous retrouvez le Morning Best tous les matins. Soyez là entre 6h et 9h avec Vincent. Ça vous permet d'en trouver des bons moments comme ça au réveil. Ça fait du bien. Oui. Vive Janina. J'ai pas bouché les égouches. Allez, Janina, ses égouches, son ami Polichiech et tout le reste. Bon, les Portugais n'ont pas bougé. Toujours 1. Les Polonais non plus. Toujours 1. On va peut-être aux prolongations. On va voir ça d'ailleurs. 83e minute de jeu. Ouais. À suivre en direct sur Skyrock ce soir. Premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. C'est bien parce qu'on se moque de tout le monde dans l'émission. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et de nous aussi. Ah bah oui, ça c'est vrai que... Ça. Oui. Ah, c'est clair. Oui, ça c'est vrai que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça va, la soirée est cool? Ouais, moi ça va. Ça va, tu forces pas trop ce soir? Non. Bah pourquoi? Il a passé une heure et demie à bouffer. C'est vrai. Tout à l'heure, je lui dis, t'es encore en train de bouffer. Tu parles de forcer, toi, cette année. T'es là et je dis, oh là, laisse tomber, je mange mes M&M's. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais, tu manges des M&M's? Non, des M&M's. Et c'est chip. Pas de problème, Cédric. Moi, une demi-heure après, oh là, je mange des chips. J'aime bien manger les chips. Il était là. Il est au régime, ouais. Ah non, mais tout à l'heure, tu t'es baffré, ouais. Ouais. Mais là, c'était un petit paquet. Non, mais t'en mets, ouais, mais t'en mets mis plein la gueule. Ouais, bah oui. Ah, t'aimes ça en avoir plein la gueule. Oh ouais. Grosse biatch. Regarde, tu me mets à genoux devant ton zizi. T'aimerais bien, par exemple? Y'a rien à voir. Bah non, mais je te tranquille là. Je peux quand même te cracher à la gueule. Hein? Bah, putain, essaye, tu vois ce que je vais te faire, moi. T'aimerais pas que je t'éjacule dessus? Tu veux pas une golden shower? Oh, le coup. Ouais, bah, d'ailleurs, le problème du mois arrive dans un instant. Tenez-vous prêts. On va s'occuper du problème de moi. On attend la fin du match quand même. Bah, allez, oui. Ouais, et on va prendre Sabrina. Je vous avais parlé d'elle. Par contre, ça serait bien qu'il se dépêche, là. Qui? Bah, le match. Pour que tu veux quoi? Bah, qu'il y ait un but, quoi. Bah, là, donc, ça, ça part sur des prolongations, mon pote. Donc, ouais. Bah, il reste 6 minutes, c'est pas fini. Les Polonais défendent et les Portugais sont à l'attaque. Exactement, c'est ça depuis le début de la deuxième mi-temps, gros. Pour l'instant. Alors, Sabrina. Ah oui, on va prendre Sabrina. Je vous avais déjà parlé de Sabrina. Sabrina en ligne avec nous en direct du Mans. Bonjour, Sabrina. Bonjour, équipe. Comment vas-tu? Salut. Ça va, merci. Alors, ça tombe bien parce que c'était quoi? Il y a deux jours, lundi. On est quatre jours. On est mercredi. Lundi, on parlait des restaurants dégueulasses. Ouais. Ouais. De l'hygiène dans les restaurants. Eh bien, bienvenue dans Cauchemar en cuisine dans Skyrock. C'est ça. ça va être plus que Cauchemar au kebab. Et Cristiano a failli marquer. Putain, ah ouais, est-ce qu'il a loupé? Ah ouais. Ah ouais, il est tout seul, il doit être dégoûté. Oh. Mais Cristiano, il joue pas des masses, il joue mieux au Real. On va dire qu'il est fatigué. Ah, c'est le joueur qui a pris le plus de tirs de tous les joueurs de l'Euro. Ronaldo. Qui a pris le plus de tirs. Ouais, c'est celui qui a tiré le plus au ouais, qui a pris le plus. Mais là, il a pas tiré, ça veut dire qu'il a tenté le plus de frappes. Il t'explique, il te parle en marseillais. Ouais, mais c'est français, les gars, qui a pris le plus de tirs. Non. Bah, tu dis quoi? Bah, qui a tiré le plus. Tu dis pas ça en Bourgogne non mais plus. Mais si, quand tu prends, c'est une tentative c'est, de tir. Genre, qui a pris le plus de buts, par exemple. Voilà. Ouais, voilà. Mais pas prendre de recevoir une tentative. Ah, qui a tenté le plus de tirs. Qui a tenté le plus de tirs. Ouais, voilà. Si c'est comme ça qu'on parle à Marseille, on a parlé portugais. On dit les égouches à la place des égouts, pas de problème. On a parlé japonais. Pour faire plaisir à Marie, parce qu'elle adore. Bah oui. Les japonais. Et donc retournons dans les kebabs. Cédric, t'aurais pas envie de manger japonais? Ah, pareil, c'est parti. Bon, on est dans un kebab avec toi. T'as bossé dans un kebab ou tu bosses dans un kebab, toi, Sabrina? Non, je bosse dans un kebab, ça fait 10 ans que je bosse dedans. Et il est propre? Ouais. Bien. Tu sais, je vais dire un truc, on a eu le certificat d'excellence et il y a pas beaucoup qui l'ont. Olé. Et voilà. Il y a un beau kebab du côté du Mans. On salue tous les kebabs qui nous écoutent tous les soirs. Salut les kebabs. Salut les kebabs. Et tu sens pas la friture en rentrant chez toi? Si, j'imagine. Non. Ah ouais, en fait, là où ça sent la friture, c'est vraiment que c'est, voilà, déjà au niveau de la hotte, peut-être qu'il met pas sa hotte. Ah voilà. Ouais, pour la, ouais. C'est des petits trucs. Ah, donc déjà. Moi, je suis hot, moi. Ouais, very hot. À mort. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu vas dans un kebab et déjà que ça pue la friture dans le truc, c'est que c'est pas bon. Bah déjà la quoi, déjà, ouais, déjà moyennes, ouais, dès que ça sent, de toute façon, dès que tu rentres dans un kebab et que ça sent le kebab fort ou la friture, enfin voilà, dis-toi que le ménage il doit pas être fait tous les jours, ouais, forcément. Et parfois l'odeur ça t'attire aussi, tu sais, quand ça sent moi j'aime l'odeur pas de le kebab. Ah ouais, mais quand ça sent la nourriture, mais quand ça sent trop. Non mais après il y a ça, ouais, comme tu dis, il y a sentir et sentir. Tu sais, il y a des endroits, c'est si tu rentres là-dedans, c'est une puanteur, t'as l'impression. Voilà, bah par exemple sous mes bras. Non mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, il y a des kebabs vers la radio. Bon, je sais pas maintenant, c'est vraiment que j'y suis pas allé, mais il y a une période, franchement, tu rentrais dedans, là, vers Chasse. C'était la friture. Ouais. Ah, c'était ghetto. Ah ouais, ça puait, mais c'était même pas, ouais, ça sentait, c'est que ça puait. Il avait l'huile, en fait, quoi. L'huile, elle était noire, mais d'ailleurs. Ah, déjà, ouais. Ouais. Il cuisait tout dedans. Le mec, tu demandais un sandwich chez la merguez, et vas-y, que la merguez. Ouais, c'est ça, en fait. Ça, par exemple, tu vois, au niveau des friteuses, par exemple, si le mec, il te cuit les nuggets, les frites, la merguez, la viande, enfin, tout ce que tu veux, c'est interdit au niveau hygiène. Non, mais c'est interdit au niveau hygiène. Il faut vraiment une friteuse par ingrédient. Ouais, il faut changer l'huile tous les jours, en plus. Ouais, non, c'est pas, c'est une fois par semaine minimum. Après, voilà, ça dépend de ta consommation. Si tu fais vraiment beaucoup de débit, tu débites beaucoup, faut changer l'huile. Moi, j'adore les grosses débites. Ah ouais, si tu as beaucoup de clients, ouais. Ça. Ah ouais, j'adore les débiter. Non, mais c'est une question d'hygiène. Tiens, représente le Mans. Il y a Dallas qui est content d'entendre le kebab du Mans, ton kebab. Et Thierry Madinina qui nous dit, moi, je vous écoute depuis la Martinique. Ici, il n'y a pas de vrai grec, ça me manque. Il n'y a pas de grec en Martinique. C'est vrai, un jour, il y a un petit kebab, on sait jamais. Et tu sais, c'est un truc à ouvrir. Tu ouvres ça là-bas, à mon avis, tu te fais un maximum de thunes, Romano. Ouais, c'est vrai. Ouais. Possible. Il y avait un reportage là sur les gâteaux. Romano Kebab arrive chez toi, Thierry Madinina. Dimanche dernier, là, dimanche kebab. Là, juste avant, là, dans Capital, mais il était déjà passé. Il y avait un reportage sur les kebabs. Putain, il te montrait des endroits, mon pote. Ouais, chaud. Ouais. Il y a un petit truc aussi, tout simple, dans la friteuse, par exemple. Tu vois, si le mec il te soulève le bac de la friteuse. Oui, que bonjour, que je suis en train de tourner mes frites. Ouais, le panier, il est noir. Dis-toi que lui, il va changer tous les jours. Ouais, donc toi, l'huile, faut qu'elle soit changée tous les jours, c'est mieux. Oh, non, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, ça dépend du débit en fait. Combien tu débites? Oh, débit. Non, mais c'est. Oh là, Non, mais c'est vrai que tes conseils, c'est pas con de regarder la friteuse. Mais tu regardes rien que la friteuse, si c'est propre. Enfin voilà, il y a des choses qui se regardent. Tu vas acheter un sandwich, tu vas le rendre fou, mec. C'est dégueulasse, tu dis ouais, quand même, il ne faut pas de nettoyage. T'as plein de petits trucs, les sauces par exemple, tu vois tes sauces? Ah ouais, si tu vois les sauces au-dessus de la vitrine. Ouais. Ouais, bah c'est de la décoration, là, ça sert à rien. Toutes les sauces doivent être dans les frigos. Tu imagines, tu laisses une mayonnaise au soleil, tu vas voir ce que ça fait. Ah, bah tu vas avoir une bonne chiasse. Ouais, c'est exactement la même chose avec la chaleur, quoi. Tu vois, la chaleur, elle monte. Ah, ouais. Et voilà, donc dis-toi que le kebab, déjà, au niveau hygiène, il est moyen, quoi. Et là, c'est Cédric qui commence à changer de couleur parce qu'il se dit qu'où il va, il y a tous les trucs que t'es en train de dire. J'ai jamais vu les. Ah ouais, il a la totale. Non, mais c'est quelqu'un qui ne pas forcément, mais voilà, c'est du métier, ils connaissent. Et voilà, t'as un truc tout simple, franchement. Bonjour. Le chef, il va venir, parce que généralement, il dit chef. Le chef, il va venir et il va dire bonjour avec sa main et il repart en cuisson. Pourquoi? Ah oui, il faut qu'il se lave les mains. Il va en cuisson, ah, son poste de travail. Maman, il faut qu'il va passer d'abord à son petit nettoyage de main et ensuite, il retourne en cuisson. Ouais, c'est un truc tout bête. Et Karim, toi, dans ton paradise pizza, là, t'as des sauces à l'entrée? Moi, elles sont dedans, moi, man. Ouais. Parce que j'ai un frigo où j'ai la viande, tout ça, et hop, je mets les sauces avec, en fait, juste à côté. Tu sais, le préfet. Mais, en fait. Mais tu sais que, parce que, elle m'a envoyé des messages sur Twitter. Sabrina. Sabrina. Et t'expliquais, c'est vrai que j'ai réfléchi, moi, où je vais, je suis content, parce que les sauces, pareil, sont dans une vitrine réfrigérée. Non, mais là, moi, c'est un gros truc avec plein de sauces. Tu sais, les gros trucs. Ils sont dans la rigole. Les gros trucs c'est 3 litres. C'est 3 litres. Voilà. Ah, les espèces de grosses tétines. C'est les pompes. On dirait des pizzas, t'as jamais vu des foules? Tu sais, c'est des trucs qui pendent là, on dirait des pizzas. C'est vrai, ils ont des espèces de gros seaux à peinture. C'est obligatoire. Et c'est quoi la sauce qui parle le plus? Moi chez moi c'est algérienne. Toi c'est algérienne, toi. Ouais. C'est quoi, la blanche? Toi c'est sauce blanche. Sauce blanche, putain, algérienne. Sauce algérienne, elle pique un petit peu. C'est quoi, c'est harissa? À base d'oignon l'algérienne. Ouais, puis elle picote un petit peu, elle est bonne, ça va. C'est mayonnaise, harissa. Style harissa, ouais. C'est style harissa avec des oignons, l'algérienne. La mayonnaise. Est-ce que tu es. Ah tiens, on nous dit, je vous écoute de la Guadeloupe. Ah bah décidément, on est écouté grave dans les îles. J'écoute de la Guadeloupe et le boquité remplace le kebab. C'est quoi boquité? C'est boquite ou boquité? Franchement, je sais pas ce que c'est. Tiens, dites-nous si vous êtes, si vous connaissez, il faut nous faire signe. Et sinon, est-ce que tu es au grec qui est à côté du Burger King? Non, pas du tout. C'est pas lui. Non, ça, le Burger King, c'est... Non, c'est pas celui-là, non. Moi, je suis je suis dans la campagne, à 20 km, moi. Très bien. Donc, c'est un bon kebab. Très bien, là, bien propre. Et c'était... tout ce que t'as dit, c'est approuvé par Homer. Bon, Homer. Elle dit vrai, mon papa a deux restos, et c'est pas aussi propre. Très bien, tu t'allais entendre ça. Super. Faut lui dire qu'il change, c'est tout. Bon, non, il y a un petit truc aussi, sincèrement, il y a un petit truc qui est tout con. C'est que le midi, par exemple, tu rentres dans un kebab et que la broche, elle est vachement entamée. Ou alors que t'as des morceaux de carré, en fait, dans ton sandwich le midi. Dis-toi que c'est celle de la veille. Ah, bah, c'est bon à savoir. Ça, c'est radical. C'est maintenant, en fait, tous ceux qui écoutent Skyrock, ils vont devenir super relous. Des relous des kebabs. Ouais, kebab. attendez, je vais regarder votre friteuse et votre viande, elle date de quand, hein? Non, mais voilà, c'est des petites choses, tu regardes, voilà, déjà, tu manges d'abord avec les yeux avant de manger. Oui, tu regardes bien, ouais. Et on dit boquite et pas boquité. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. C'est un beignet frit, garni de viande, tout ça, nous dit Bab. Et ça remplace le quai, Bab. En calories, ça. Ah ouais, ça ressemble à un burger, ça. Ouais, c'est un burger, quoi. Ça ressemble à un burger, c'est un boquite. Sandwich en burger. Et voilà. Ah oui, on dirait, oui. Ça a l'air pas mal. Très bien. On dirait pas bagna, un peu. Ouais, c'est vrai, un truc de Nice. Non, il y a un petit truc sympa, sincèrement, l'équipe. Privilégier les professionnels sérieux et pas les crados. Et maintenant, voilà, avec tous tes conseils, on ira pas. Bah ouais, non, mais c'est bien. Ouais. Oh, bah merde, alors je vais devoir changer de cube. Bah ouais, on pourra. Non, t'inquiète, j'en ai un propre. Abstenez-vous, si vraiment vous allez. Non, mais surtout, des fois, tu peux vraiment être malade. Il en a un propre, Cédric. Je vais pas. Je vais pas vous rappeler mon histoire avec ma crêpe frelatée. Non, merci. Non, mais c'est vrai, mais tu peux tomber malade avec ces. Ah bah oui, tu vas vraiment dans un endroit dégueu. Intoxication alimentaire et prolongation pour le match de foot. Il va siffler là. Pas encore. Et sinon, on nous écoute depuis Dakar. Il y a Colonel du 90 qui nous écoute à Dakar et qui nous dit que là-bas les kebabs sont grave dégueux chez nous. Merci Colonel du 90. En tout cas, on peut faire un test. Le test marche dans le monde entier. Le test de Sabrina. Il y a Vinx. Validé. À Bordeaux, il y a des kebabs frites à 2 euros. J'en suis sûr, c'est du pigeon. Là, faut se méfier quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que 2 euros, c'est vraiment pas cher. Ça doit être à base de poulet, mais vraiment, tu te demandes le mec s'il va pas trop donner la veille du kebab. De la veille, ouais. Merci Sabrina, merci des conseils. Bah, de rien. Validé chez nous. Bisous et continue de nous écouter. Nous écouter. Pas de problème, je vous écoute tout le temps. Ça fait 20 ans que je vous écoute. Oh là là, mais ça, bah, non, mais bon, ça fait 20 ans. Bah oui, mais t'as commencé, tu étais toute très, petite. Très jeune, du coup, je t'écoutais encore. Hein. C'était le dimanche, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois que c'était le dimanche. Toute petite, on a tout fait ici. Ouais. Ouais, tous les jours. C'est vraiment le tout début de Sky. Et franchement, l'équipe, voilà, ça évolue et vous êtes de plus en plus magnifique. Performant, on va dire. Exceptionnel, comme ça. En effet, magnifique, performant. C'est gentil. On t'embrasse, Sabrina. J'adore débit. invité. Ouais, c'est ouais, ça, allez. Et dis chante Skyrock, quand on voit la maison, tu le mettras à ton kebab. Ouais, c'est cool. Salut, Sabrina, ciao. Ouais. Et attention. Dédicacez-le, hein. Ah, tu veux quoi? D'accord. Salut, Sabrina, raccroche-moi, bah, t'en prends tout de suite. Salut, Sabrina. Ciao, ciao. Et bien, donc, prolongation. Et bien, c'est parti pour une autre partie maintenant. Et encore un bon pronostic que je vous avais donné avant le match. C'est vrai. Alors, après, t'as pronostiqué la victoire de la Pologne au tir au but. J'ai dit un partout et victoire de la Pologne en prolong ou au tir au but. Bah, pour l'instant, un partout, c'est bon. Les dominations du Portugal. Les prolongations, c'est bon. Et là, les Portugais. Ouais, la deuxième mi-temps était 100% polonaise. Portugaise, pardon. Bon, on va voir ce que ça va donner, en tout cas, pour l'instant, un partout. Et donc, deux séances de 15 minutes. C'est ça, deux fois 15 minutes. S'il y a toujours égalité, séance de tir au but. Et après, la séance de tir au but, on suit ça en direct. Que d'émotion, que d'émotion, que d'émotion. Et le problème du mois qui arrive dans un instant. Et on aura Célia qui est pas contente par rapport à son mec. Si vous avez des choses à reprocher à votre mec, à vos meufs, hein, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Ça fait du bien d'en parler, vous pouvez le faire en direct sur Sky. Célia doit être déjà dans le coin. Salut Célia. Salut. Salut Célia. Salut à toi, t'as 22 ans Célia. Et toi? Ouais, très bien, ouais, bah, ça va, nickel. Nous aussi, ça va. On est sur le match de foot, on est avec vous. Et puis on aura le problème du mois qui arrive dans un instant et ça, ce sera magnifique. Ah. On met la pub en speed, comme ça on est tranquille. Et puis après, on suit le match et on t'écoutera et tu vas nous expliquer ce que t'as reproché à ton mec, toi, Célia. D'accord, pas de soucis. Tiens, fais-toi une liste. Vous êtes en couple, vous avez été en couple. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à vos mecs? Alors, Marie, alors, peut-être pas les 1700. Mais. Ouais, sinon, on y est encore la semaine prochaine. Ouais. Bon, bah, tenez-vous prêts. Et on est de retour sur Sky avec STH tout de suite. C'est parti, je la connais sur Skyrock. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. Quelle marque de préservatif rime avec film X? Matrix. Non, Manix. Best. The Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default tous les matins de 6h à 9h sur Skyrock. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Concert. Après le succès de SCH dans Planet Rap, SCH, choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Ok. SCH en concert avec Skyrock. SCH débarque dans toute la France avec Skyrock. Lille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Brest, Strasbourg, Nancy, Lyon, Saint-Etienne, Marseille et Paris. Ouais, ouais, le 12 janvier au Dôme de Marseille et le 13 au Zénith de Paris. Retrouve-moi en concert Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Diffoul Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et SCH qu'on va retrouver tout de suite, c'est parti pour le son d'SCH. Bah ouais, motherfuck, ça nous donne envie d'écouter, je la connais. Comment tu dis, Romano? Motherfuck. Ouais. SCH, je la connais, c'est maintenant en version Skyrock. Mais oui, motherfuck, en version Skyrock en plus, c'est bientôt les prolongations. Ah, ouais. Ah, je le fais bien, Karim. Motherfuck. Mortel. Ouais, c'est ça. Sur Sky. S-K-Y. Premier sur SCH. Ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Quand je la connais. J'ouvre mes paupières. Je peux pas croire ce qu'il y a devant moi. Je te parle d'une créature de rêve. Je pourrais même lui faire un mot. Laisse tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. achetant une grande villa sans TVA. Confiné sur une île au large, loin de nous deux, bah ouais, je t'emmène. Je sais qu'ils voudront ma peau bientôt bébé, mais je crois en nous deux. Regarde-moi dans les yeux, tu vois. Je te mens pas, beauté. C'est reparti, Pologne-Portugal, prolongation. Ouais, je la connais. Ouais, je la connais. Ouais. Non, je la connais. Je la connais. CSCH. Qu'est-ce que tu fais, Johnny? Ouais, je la connais. C'est là que c'est pas pour Johnny Ho, je la connais. Non, je la connais. Attendez, j'adore là, j'adore. T'es où, écoutez. C'est reparti. Japonais. Non, c'est japonais. T'as mélangé avec Niska. SCH sur Skyrock, extrait d'Anarchie, l'album d'SCH, un album de Skyrock. Japonais. Et c'est chaud, hein. Qui est content. Oh, japonais. Oh, japonais. Et voilà. Et voilà. Fini. Ah oui, c'est fini. C'est parti, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Et en direct sur Sky avec oulala, ça va être chaud là, la première, ah, c'est chaud, là. La première prolongation, les Polonais sont fatigués, ils sont tous fait masser. Les Portugais ils poussent. Et les Portugais ça pousse. Ronaldo, il a loupé encore Ronaldo. Il a loupé. Ouais. Ça fait deux loupés. Il a loupé la balle encore comme le premier. Ça va l'énerver, non? Ah bah je crois. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Bon, allez, on va voir s'il est énervé Ronaldo, on va voir les autres aussi, Lewandowski est en face. Pologne, Portugal, les prolongations qu'on suit en direct sur Skyrock. Merci pour tous les messages que vous nous laissez là. On est en direct avec vous jusqu'à minuit, vous pouvez nous appeler. Tiens, on avait des on n'a pas fini avec Alan. Ah ouais, parce qu'il y avait des réactions pour Alan. Comment faire pour obtenir la possibilité de passer le permis 125 à 16 ans, ouais, alors que les parents ils veulent pas? Ouais, c'est ça que veut Alan. Et bien, Alan, il y avait plusieurs messages qu'on nous a laissés depuis tout à l'heure pour toi. Alors les assurances, on a vu que c'était moins cher qu'on pensait. Merci d'ailleurs pour les messages que vous nous avez laissés, et puis surtout pour le témoignage de Jen qu'on a eu tout à l'heure. En effet, Jen de la Matmute. Ouais, et j'ai eu Arnaud, un motard depuis 15 ans. Salut Arnaud, motard. Salut motard. Lui en fait il payait genre 1100 euros par an pour sa moto. Oui, donc, bon. Mais bon, lui il est pas jeune moutardeur. Ouais, mais après avec les années, oui, si t'as pas de galère, c'est moins cher. Jeune conducteur, tu payes cher, jeune moutardeur aussi. Ouais, c'est ça. Et il y avait un truc, tu sais, puisque tu. Il est là encore, Alan. Alan, t'es là? Ouais. Parce que tu nous as dit que tu partais au bahut en bus. Alors tu peux dire que le chauffeur du bus te montre sa queue chaque fois que tu montes. C'est et ça, donc qu'il faudrait que tu y ailles par tes propres moyens parce que tu as peur. C'est un message de Bimbin qui nous a envoyé ça tout à l'heure. Donc ça peut peut-être être horrible, le mec qui peut m'inquiéter, le chauffeur de bus. Oui, c'est mais pour rien. Mais écoute, nous le problème c'est qu'on veut que Alan puisse passer son permis. Donc moi j'essaie de trouver des solutions. Mais c'est bien ça. Et sinon tu peux acheter une 50 à vitesse comme ça. T'as pas le permis à passer. Il y a Victorien qui te donne un petit conseil, qui te dit tu vends le scoot pour payer ton assurance. Ouais. Ça va, il y avait un auditeur, il disait achète un poney mais tu pourras pas aller sur l'autoroute avec. J'ai vu, achète un poney. C'est pas mal. Oh là là. Mais moi tu sais qu'il y avait un mec vers chez moi là, il se trimballe en tracteur. Ouais. Parce qu'il avait plus. On est passé de ton deux roues, de ton 125 Alan, à un tracteur. C'est sympa pour aller en ville. Mais, non mais tu sais qu'il allait, parce qu'en fait le mec il avait perdu. C'est un pou pour le poney d'ailleurs. Oui. Il avait perdu son permis de conduire et le mec se déplaçait en tracteur, c'est-à-dire qu'il allait en centre-ville, genre acheter ses clubs en tracteur et le mec tu le voyais passer. Il est le supermarché en tracteur. Non, c'est ça, le mec il faisait son nouveau véhicule, c'était son tracteur. Mais faut pas le permis, faut pas un permis pour le tracteur. Je sais pas du tout, je me demande s'il y a pas un permis, peut-être un truc spécial. C'est permis engin agricole, ça s'appelle. Ah ouais. Et quand tu te retires le permis normal, a priori non. En tout cas, moi quand j'étais gamin, c'était comme ça. Ouais, parce que sinon le mec il peut plus bosser du coup. Et est-ce que vous savez, tiens, pourquoi les... Bon, bah voilà, Alan, ce qu'on pouvait te dire, en tout cas. Ouais. Bon, bah, bon courage, tu nous tiens au courant, tu nous rappelles, tu nous dis si t'arrives à avoir ton... Et sinon, attends le permis dans deux ans. C'est vraiment le conseil qui revenait le plus souvent depuis tout à l'heure, là. Je vois encore le message de Julie, qui a 15 ans, et qui nous dit exactement la même chose. Moi, j'attends mon permis à 18 ans pour avoir une voiture. Oui, parce que toi, la moto, ça t'intéresse pas, mais genre, toi, ça t'intéresse à la... Eh oui, c'est vrai. Ah oui. Bah, c'était pareil, moi, la moto, je m'en battais les couilles, je sais que je passerais jamais le permis moto. On préférait chevaucher sa gothique à l'époque. Ah mais c'est de la bombe gros la bécane. Non moi je préférais passer le permis bateau tu vois. Voilà, Romano veut être éclusier. Ça te sert tous les jours. Non, pas éclusier, mais non, mais pour l'été. Parce qu'il veut s'acheter un yacht, Romano. Non, bah, ouais. pareil. Non, j'aimerais bien. Ouais, c'est un truc. Tu vois, j'aimerais bien avoir un petit bateau. Oui, bah écoute, bosse encore un petit peu. Oui, je crois. Pendant quelques années. J'ai gardé les prix. Oui, malheureusement, je vais. C'est un peu le problème. Tu m'étonnes. J'ai continué à bosser. Oui. C'est un peu cher. Bon, ouais. Et sinon, j'avais une petite blague pour le match Portugal-Pologne-Portugal. Ah, Eukeukeuk qui nous dit bonjour Eukeukeuk. Il nous fait pourquoi les Portugais appellent le sexe de leur femme une écluse. Parce que c'est là où on met le péniche. Ouais. Exactement, ouais, ouais. Parce que c'est là qu'on met le péniche. C'est là les connus. Ouais. Exactement. Merci à toi, Eukeukeuk, pour ta bonne blague. Voilà, j'adore les péniches. Je sais. Ouais. Tu rentres dans le Karim Comedy Club. Accepté, ouais. Allez, hop. Accepté, confirmation de Karim. Là. C'est rentré dans le Karim Comedy Club. Bon, on fait le problème du mois, Romano. Bah vas-y, c'est parti, parce qu'on attend la fin du match, je crois que... Ouais. On vous l'attend la fin du match, problème du mois, mais on va y aller. Hein. Allez, bah c'est parti. C'est parti, problème du mois du jeudi soir. Musique. Alors, tu veux... Ah ouais, c'est le sommaire. Musique sympa. Musique sympa pour le sommaire du problème du mois. Bonne ambiance, quoi. On y va. De quoi on va parler ce soir? De quoi vous allez vouloir parler ce soir? Parce que c'est vous et nous, d'ailleurs, qui choisirons tout à l'heure le problème du mois parmi les 5 que tu vas nous présenter maintenant. De quoi s'agit-il, Romano? Alors, c'est Marco, 45 ans, de Chantilly, dans le 95. Il a écrit un Doctissimo. Oui, alors j'aimerais que d'ailleurs que Doctissimo, si vous nous écoutez, vous changez le nom du site. Romano n'arrive pas à le dire. C'est, non, mais c'est vrai que toutes les semaines, je galère avec oui, ce nom. Doctissimo. Doctissimo, rubrique addiction sexuelle. Ah. Qu'est-ce que c'est ce bruit ignoble? Attends, je viens de boire, il fallait que je me rafraîchisse. Tu bois comme Cédric. Là, c'est pire que moi, gros. Bah non. Ah ouais, bah tiens. Alors, parfois, Cédric, il lappe. Dans ma gamelle. Marco. Bon, il y a un cas. Franco. Alors, d'ailleurs, pour Doctissimo, j'aimerais que vous arrêtiez de mettre les âges. Romano n'arrive pas à les dire, donc mettez plus les âges des gens. Bon, c'est Marco, 45 ans, Chantilly, dans le 95. Il a écrit à Doctissimo, rubrique addiction sexuelle. Oui. Il a un problème, c'est que depuis une vingtaine d'années, il est complètement accro aux poitrines. Bon, donc, il regardait beaucoup de vidéos porno, également de sites dédiés aux poitrines des femmes. Il adore les seins, les petits, les gros, ceux qui tombent, les bien dodus. Tout. Il aime tous les seins. Tous les seins. Bon, le problème, c'est depuis. Moi, je suis plus fesses que seins, moi. Ah, moi, moi j'aime bien, moi, les nichons, moi. Quoi, bon, c'est pas... Non, mais moi aussi, j'aime bien. Mais je suis plus fesses que seins. J'adore le nichon, quoi. C'est vrai, t'es plus. Toi, c'est plus Non, les deux, moi, j'adore, mais j'adore les nichons de carriole. Oui, bah, tant mieux, hein. Je lui bouffe les tétines, quoi. Rappelle-toi quand tu mangeais les tétines de la Gothique. Tu le mangeais bien. Non, seins. Mais elle avait pas les seins dégueulasses, tu vois. Non, mais attends, elle avait la poitrine, ça allait, elle avait plutôt une poitrine correcte. J'espère que t'en as bien profité. Qu'est-ce que t'as, Cédric? Y a un souci? Non, rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, le bel? Non, mais je pensais au sein de Cédric. Non, mais écoute. Là, oui, il y a un souci, en effet. Ah ouais, c'est clair. Putain, et puis, tiens, d'un coup, on a envie de parler de ça, là. Bon, alors, l'accro, ça. Bon, il est accro au sein, depuis quelques mois, en fait, c'est qu'il commence à ne plus pouvoir se contrôler. C'est que dans la rue, par exemple, il a déjà eu les mains baladeuses. Bon, il s'est pris des baffes dans la gueule. Hein. Et par exemple, dans le bus, tu sais, il s'est déjà jeté dans la poitrine d'une femme. Ah oui, il est lui, ça va pas. Ah ouais, c'est un ouf. Ça va pas. Il a du sang. Genre, tu sais, elle avait un décolleté et bam, le mec, il a fait un plongeon dans le décolleté. Bon, pareil, il s'est pris une branlée, quoi. C'est un peu normal. Et le problème, c'est qu'il peut plus s'en empêcher. Il a pas de femme en ce moment. Il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'arrive. Faut non, que mais je... branle-toi, fais un truc avant de sortir. Ouais, mais même en se branlant, ouais. Il faut qu'il veut tâter du sein, quoi. Il a besoin de tâter du nichon. Bouffer du nichon. Tiens, Dark qui nous fait les seins, ça ne fait aucun effet, tu vois. Ah ouais. Et en dessous, on est d'accord avec toi. Chelou, les nichons sont utiles pour faire plaisir à un mec mort de rire. Oui, c'est vrai, c'est mignon, mais bon. Après, vous avez vu, il y en a qui, bon, moins fan. Ouais. En tout cas, lui, c'est le contraire. Marco, accro au sein. Problème du mois numéro 1. Ouais, alors. Problème du mois numéro 2. Le deuxième, c'est Jorginho. Jorginho. 35 ans, de Paris, sur Doctissimo. C'est un portugais? Il a. Non, bon, je sais pas, il précise pas. Jorginho. Jorginho. Et il y a 3 mois. Ah. Il y a trois mois. Il a une relation avec un transsexuel. Ah, voilà. Ah. Très bien. Oh, vas-y, continue. Absolument pas opéré. Bon, d'ailleurs, oui. Je préfère, c'est beaucoup mieux. Bah, d'ailleurs, si c'est pas du tout opéré, c'est pas un transsexuel, c'est un travesti. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Transsexuel, il n'y a plus de bite et travesti, il en a encore eu. Transsexuel, c'est opéré. Travesti, c'est en gros un mec qui se déguise en femme, quoi. Ouais. Voilà. Oh, j'adore. Voilà, vous avez pas votre copain, Pamelo. Non, il n'est pas là. Pamela, c'est mec. Oh, ouais. Demain soir, elle sera là, d'ailleurs. Bon, il y a eu fellation, tout ça. C'était au cours d'une soirée. Et... Oui, et alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'était au cours d'une soirée. Sur le moment, il a eu des regrets. Le problème, c'est que depuis, il traîne dans des. Il y a vers chez lui, il y a une boîte à trans. Ouais. Une boîte à trans. Et il va là-bas. Il va dans des soirées transsexuelles. Et maintenant, c'est qu'à chaque soirée, il s'est obligé. Il dit, ouais, il faut que je me tape un trans, un trablo. Ouais. Et il peut plus s'en empêcher. Il est déjà allé avec des potes. Ses potes, ça les fait rigoler. Mais lui, il se dit, ouais, je peux pas vivre comme ça, quoi. Donc il se dit, est-ce que je suis normal? Est-ce que ça va continuer? C'est pas grave. Par contre, parce qu'il va de plus en plus loin, hein, c'est qu'il s'arrête plus à la pipe, quoi. Maintenant, il y a pénétration et compagnie, quoi. Bah, attends. Il y a pénétration et tout le tintouin. C'est bien toi, Cédric, qui avait un pote qui t'amenait au Bois de Boulogne. Qui t'amenait au Bois de Boulogne pendant. Il restait dans la voiture pendant que tu tapais des trans, non? Ah non, rien à voir, c'est l'inverse. Ah ouais, bah tu crois. Il y allait entre potes, il lui faisait croire qu'il allait niquer des meufs. Puis il me dit, ouais, je vais voir une meuf et tout machin. Il revient. Il me dit, ah, je l'ai niqué et tout dans sa chatte et tout. Alors qu'en fait, c'était un mec, tu vois. Mais comment on dit souvent, ouais. Mais tu sais, quand on parle d'un pote, t'es sûr que le pote, c'est pas toi? Ah non, bah non, je dirais. Moi, j'ai toujours eu des gros doutes, étant donné que tu as un mythomane. Et l'autre, il traîne dans le Bois de Boulogne, il parle avec moi. Ah non, mais moi, je le reconnais. J'ai jamais été niqué. Ah, c'est bizarre. J'y allais, c'était du tourisme sexuel. J'allais regarder, ça m'amusait beaucoup, j'adorais passer tous les samedis soirs, j'y allais. Tous les samedis soirs, je kiffais. Voilà, bah de samedi, tu fais quoi, Romano? Non, je suis pas dispo, désolé. Ouais, bah, j'en gagne Espagne, Italie, moi. Alors, ouais. Fabrice de Marseillan, plage. Il a écrit au forum Palais de la Soumission. Alors là, lui, il adore se faire violenter les fesses. Ah, il aime les fessées. Ouais, ça a commencé avec les fessées. Ouais. Je déteste ça, moi. Il a eu droit à la cravache d'équitation. Oh ouais. Ah ouais, putain. Bah, ça, okay. Il a hurlé de plaisir, tellement il a hurlé, il s'est pissé dessus. Ah ouais, donc oui. Comme il dit, il a le sphincter qui s'est complètement relâché. C'est ça, trop de plaisir. Et alors la dernière fois, Marie, t'es en train de baiser avec un mec le mec il est tellement relâché, son sphincter, qu'il pisse dessus comme ça. Ah non, mais ignoble. Oh ouais. Non, mais c'est pas possible. Et là, dernièrement, le kiff absolu a été atteint. Quand il s'est pris des coups de Timberland sur les fesses, ça lui a laissé des traces. Mais pareil, ça a été l'apogée du plaisir pour lui. Mais alors le problème qu'il y a, c'est que depuis, il a très mal aux fesses. Ouais. Et il a aussi un problème, c'est qu'il a un problème aussi parce que le mec, en fait, il est gay. Hein. Le mec a mal visé, il lui a tapé dans le bas du haut dos. Le problème, c'est qu'il a pété le coup. Il a très mal aux reins. Très bien. Mais il ne peut pas s'en empêcher. Il adore. Lui, ça fait partie. Non, mais il y a des gens comme ça, il a besoin d'avoir mal au cul pour prendre son plaisir sexuel. Des coups de pompe dans le cul, quoi. Ouais, il adore ça. Il adore ça, se faire claquer le cul, quoi. Et donc, c'est Fabrice qui aime les fessées, les coups de cravache et par-dessus tout, les petits coups de Timberland. Alors là, c'est Frédéric QE, donc une femme, 42 ans, elle est tombée sur un mec. Bon, on est au problème du mois numéro 4, dernier. En ce moment, elle a des plans cul, elle a écrit au forum porno-dépendance. Elle a des plans cul. Et là, elle est tombée sur un mec qui lui a dit: est-ce que je peux me branler entre tes omoplates? Les omoplates, là derrière. Ouais, les ça vers en bas du cou, en fait. Ouais, c'est ça. Et le mec, en fait, a voulu se branler là, donc il a essuyé du tordre des omoplates pour essayer de se branler entre les os, mais bon, elle a eu horriblement mal. Bah ouais. Parce que naturellement, ça ne se touche pas, tu vois. Ça doit pas être agréable. Et le problème qu'il y a, c'est qu'elle a eu très peur. Le mec lui a dit, ouais, moi j'adore me branler dans le dos, comme ça. Voilà. Non, mais lui, il est aussi pas mal. Comment il s'appelle, Frédéric? C'est Frédéric Hue, bon, c'est la meuf qui a été victime de ce mec-là, quoi. Oui. Et depuis, elle le revoit, et parce que bon, il baisse bien à côté de ça, mais à chaque fois, il veut se branler comme ça dans le dos, et elle se dit, ouais, il est chelou. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Continuer à. Et rentrer dans le délire, arrêter, le quitter, ne sait plus, elle est complètement perdue. Eh bien, aidons là, si vous le choisissez, c'est le problème du mois numéro 4. Et le cinquième problème du mois. C'est Aldwin, de 35 ans, il est de Leeds, en Angleterre. Ah, l'ami anglais. Eh ouais, parce que là, maintenant, on tape à l'international. On a été sur le sexeducationforum.org.uk UK. Et alors, il a découvert sur internet un club japonais de forest fucking. Le forest. Ah ouais, c'est ça que tu nous disais. Le forest fucking, c'est quoi? Alors en fait, c'est un cul avec des brûlures et des bradilles. Non, pas du tout. Non, c'est tout simple. C'est des gens qui se réunissent. Ils vont faire une balade dans les bois. Il y a un pique-nique et à un moment donné, il y a des séances de fist fucking qui s'organisent. Ah non. Et c'est-à-dire que tu peux te faire mettre une main dans le cul, un pied. branche. Non, il y a pas de branche, non. Tu peux fléchir. Forest fucking, je m'attendais. Mais c'est du feu, du des feuilles, peut-être des feuilles. Du fist fucking en forêt, du fist fucking en forêt. Voilà. Et il se demande. Alors, il aimerait bien connaître les endroits. C'est bizarre, les Anglais. Hein. Et s'il y a des gens c'est qui chelou. Pratiquent ça, et il aimerait savoir, vu qu'il va en France cet été, s'il y a pas des endroits l'été en France sympa où il y a moyen de se faire fister. Alors, si parce vous savez, pour notre ami anglais, on va l'aider. En plus, ils galèrent les Anglais depuis leur Brexit. Là, c'est la catastrophe. Ah bah ça va plus du tout. Aidons-les. Aidons notre ami Aldwin. Aldwin. Aldwin. Aldwin de Leeds. Et donc, il voudrait trouver des endroits où on peut se faire fistfucker. Bon, pour le en forêt. Le fistfucking, c'est en gros, tu te prends un point dans le cul ou la chatte, hein, quand c'est une femme. Oh ouais. Ah, on merci 555. Il y a des chaussures de sécurité avec une coque pour le problème. Ah, c'est sympa. Tu sais que ça peut l'exciter. Fabrice. C'est des kikis. Ça peut l'exciter, voilà. Ah bah, c'est vrai. Prenez le premier taré, on va rigoler pour Jérém, qui a voté sur le 41-759 sur la piste Skyrock. Ah, maintenant, c'est à vous de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5. Et Massix, n'oubliez pas le top bug, on l'a fait à l'heure. Ah bah on l'a fait au début, vers 22h. On l'a fait à l'heure déjà le top bug. Il est sur l'appli des bugs de Romano. Ouais, ouais, ouais. Alors Marco, problème du mois numéro 1, accro au sein. Problème du mois numéro 2, Giorgino, accro au trans. Ouais. Problème du mois numéro 3, Fabrice qui aime les fessées, les coups de cravache et les coups de Timbaland dans ses fesses. Frédéric, elle a un mec qui se branle entre ses omoplates. Bon, elle le trouve un peu bizarre, c'est le 4. Et le 5, c'est Aldwin et son forest fucking. Une balade en forêt et qui se finit avec un poids dans le cul. Et le reste. C'est pas le bonheur, ça. Magnifique. Si vous partez en vacances à la campagne, pensez-y. Oh ben super. Lequel vous choisissez? 1, 2, 3, 4 ou 5 dans l'équipe? Vous prenez lequel? Ah, c'est la fin de la première mi-temps de la prolongation. Bah, pour faire plaisir à Cédric, je vais prendre le 2 avec les relations transsexuelles. Le mec qui est devenu... Ça m'intéresse, ouais. Ouais, moi aussi, je prends le 2 pour Cédric. Le mec qui est devenu accro au trans et au travelo, là. Moi, je prends lui que c'est pour toi, gros. Je prends celui qui se prend des chassés dans le cul, là. Ouais, celui-là, moi, je prends le 3, ça. C'est le 3. Moi, je lui proposerais bien des chaussures de ski aussi. Ça doit faire bien mal. C'est vrai. Tu vois, il veut des trucs coquets. Ah putain, ouais, ça fait mal. Et attention, Cédric a un truc à vous dire, une exclue totale qui va nous lancer dans un instant. Mais avant ça, non, mais c'est bien, Cédric. Karim, t'as voté lequel? C'est quoi qui va? Le 3, j'ai pris. T'as pris le 3, d'accord. Moi, je prends le 2, je reste sur le 2. À vous de voter. 1, 2, 3, 4, ou 5, Samy, t'as dit? Moi, j'ai dit, ouais, les chaussures coquets dans le cul. Là. Parce que je vous écoutais pas, mais alors Cédric vient de m'envoyer un message exceptionnel. Ben, attention. Voilà, dis fou, attention. Zlatan a annoncé qu'il va à Manchester United. Oui, bah, oh putain. C'est sur les réseaux sociaux, man. Ouais, il a annoncé, ça fait ça depuis 6 mois qu'on en parle. Mais on sait déjà. Mais ça a été confirmé. Non, là, mais tu sais qu'on en a parlé dans l'émission là. Ah, j'ai pas entendu. Bah oui, mais une fois de plus. Démarrer l'émission avec. Tu pourrais être professionnel et écouter l'émission. Bah ouais, bah t'as qu'à être là. Ton poste de travail, il situe où? Voilà. Vous êtes qui, monsieur? C'est ça. J'avais pas mon standard, on m'a pris mon papier. Ah, en tout cas, tu m'as bien fait. Tu as vérifié ton matériel avant d'arriver, tu vois. Non, mais sur ton Instagram, il a posté. Il est l'heure de vous dire de. D'accord. Non, time to let the world know my next destination is Manchester United. Il est temps de dire au monde que ma prochaine destination c'est le Manchester United. Toujours aussi modeste, Zlatan. Zlatan, c'est le best. Mais en plus, tout le monde le savait. Zlatan, qu'est-ce que tu penses de l'info exclusive de Cédric? Ouais, mais c'était pas confirmé là, c'est confirmé, c'est officiel. Bon, merci pour la fois. On est dans le si t'en as dans problème du mois. Ouais, n'hésite pas. Voilà, l'euro a démarré. Alors, la liste des 23 de Didier Deschamps. Alors. Ah, mais j'ai pas entendu. Ah ben ouais. Régale-nous, le bel. Professionnalisme. Et oui. Bah, écoute. Et il a fait la visite médicale cet après-midi. Ouais. Il dit Ultimate Gamer. Et Ben Arfa a fait la sienne au PSG. Et bien voilà, Ben Arfa à Paris. Médical. Et Ibra à Manchester. On suivra Ibra l'année prochaine parce que moi, il me fait bien rigoler, Ibra. Et en plus, il joue bien. Mais Ibra, il devait pas rester dans le staff du PSG, je sais pas quoi, là. Si, mais il revient. Il a dit qu'il partait et qu'il reviendrait après. Sa carrière, c'est ce qu'ils ont dit, on verra. Et Ben Arfa, il prend, au PSG, il va prendre un bon salaire, je pense. Gratuit. Non, il est gratuit. Ah, il est gratuit. C'est pour ça qu'ils le prennent, en fait. Ah ouais, c'est pratique. Pas ça. Cher. Il lui file une prime à la signature et un bon salaire et le mec il vient, tu vois. Ah, c'est bien. Il le prête. Bon, bah, bienvenue à toi, Atem Ben Arfa. Mais Nice, ils voulaient pas le garder. Ouais, mais ils ont pas l'oseille pour s'aligner. Ah ouais. C'est vrai qu'il a ils fait une pas belle année. Il est champion aussi, gros. C'est ça. Alors, trans, c'est une bite avec une poitrine. Ah oui, vous posez des questions sur trans. J'espère que c'est lui qui ouais, va gagner. Ça, ouais, c'est ça, ouais. Trans, ça peut être ça, ouais. Votez le 2 pour moi. La trans, c'est mi-opéré. Voilà, c'est ça. Alors, on avait Célia, on a perdu Célia. Et où, ouais, Célia? Mais elle répond pas, je sais pas, elle est sur messagerie, gros. Non, en fait, Célia, on l'a eu en ligne tout à l'heure, elle nous a dit bonjour, c'est une très belle voix, c'est ouais, magnifique. Ouais, très bien. Et après, donc, ça n'arrêtait pas de couper, toutes les deux minutes, on la rappelait, et là, on n'arrive plus à la joindre. Ouais, mais et elle voulait, ouais. Elle voulait se lancer. Ah, c'était par rapport à son mec, là. Ouais, c'est ça, ouais. Une critique de son mec. En plus, c'est dommage parce que je vous avais demandé les critiques que vous pouvez faire à votre meuf ou à votre mec. Et là, j'avais eu plein de messages tout à l'heure, on aurait pu en parler. Moi, ma meuf ne baisse pas assez souvent. Par exemple, c'est un beau message de Gaëtan. Ouais, moi, elle est relou avec le chien. La meuf, toi, t'aurais dit, Romano, elle est relou je avec le chien. Je passe toujours après le chien. T'es pire que chien. Ah ouais, t'es pire qu'un rien, je crois. Non, moi, je n'ai aucune critique à faire, moi, personnellement. Bah, parce que... Non. Normal. Bien sûr, parce que... La perfection attire la perfection. Bah, c'est évidemment. C'est ça, ouais. Foule. La perfection masculin. Marie, t'aurais quoi à reprocher à ton mec? Moi, le truc. Ah ouais, c'est genre. Genre, il a pas voulu que je l'encule avec une boule de bowling. Non, mais je comprends pas. Mais quel connard. Non, mais genre, les trucs vides, il les jette pas, tu vois. Genre, son paquet de clubs vides. Ah, c'est un sale. Ah, il est sale, ok. Non, c'est pas un sale, parce que c'est des trucs. C'est avec Cédric. Non? Non. Enfin, des trucs qui périment, mais ça m'énerve. C'est à côté de la poubelle, il peut quand même le foutre dans la poubelle. Ah, ça, genre, m'énerve. Il jette à côté de la poubelle. Non, il pose, tu sais. Tiens, ramasse, Marie. Il met en dessous du canapé. Attends, je peux pas ramasser, je suis trop bourré. Et toi, Cédric, t'aurais quoi à reprocher aux femmes? Moi, ouais, trop cher, 50 euros chaque fois qu'elles sucent. Oh, ouais, ça, bah, ça fait cher, ouais, ça, putain, ça me fait chier. Non, mais. Non, je sais pas, j'ai rien à leur reprocher, moi. En général, les meufs avec qui je suis bien avec elles. Non, moi, c'est la tienne. Eh bien, pas elle, parce que nous avons en direct avec nous Moshita qui témoigne. Là, voilà. Et elle arrive. Et Célia, donc on vous dira, bon, on va vous dire de quoi elle voulait parler. Ouais. Et Célia, on essaie de te rappeler, ma chérie. Allô? Charge ton téléphone, essaie d'être joignable. Et bonjour, Moshita, bienvenue à toi, beauté. Salut, beauté. Bonsoir, beauté. Beauté monstrueuse. Ça fait longtemps que non, mais je te vois pas, t'es au téléphone. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. Ah merde. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ça on va parlait de ce qu'on pouvait reprocher à son mec ou à sa meuf. Et toi, tu as eu un mec. Tête de l'art est toujours là, oui. C'est qui, tu parles de qui, de Karim? Non, de toi, apparemment. C'est toi. C'est toi, gros bonnet. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, t'avais donc des choses à reprocher à un qu'est-ce de tu tes veux, ex. Mon cœur. Ah, bah, ses odeurs. Ses odeurs. Ah, bah, odeurs, ça va. Les odeurs. Son hygiène. L'hygiène corporelle ou de la maison ou... Les deux. Les deux. Les deux. Si tu veux parler, je me lave plus que toi. Un appartement dégueu. Ne me parle pas comme ça, ne toi. Parle pas. Ne me parle pas. C'est clair. Je te autorise pas à me parler. Bah, si. T'as plein de bonjour des auditeurs de Skyrock. Regarde, il y a Rémi qui te dit bonjour. Big up. Ouais, regarde, il y a Carmelo. Non, c'est pas Carmelo, c'est Poto. Non, mais de toute façon, avec Cédric, c'était simple. Quand il voulait pas faire un truc, je lui mettais une claque dans sa gueule, il le faisait. Oh, ouais. Bien sûr. Bon, vas-y, traite-moi mal. Ouais, c'est donc cul. Vas-y, parle bien encore comme ça. Je lui disais, tête de con, on va chercher à bouffer et y aller. Eh ouais, c'est gentil. La tête de con, il va t'en coller une, tu vois. C'est ça quand on tête est de con, va chez Vuitton, j'ai besoin d'un sac. Ouais, bien sûr. Je sors avec ça, mon amant ce soir. Ouais, eh ben, y aller. Oh là, j'y vais, ma chérie. Eh ben, Moshita, merci du témoignage. Bon, ciao, mon amour. Sur ce que vous avez reproché à votre chérie, dites-nous. Je t'embrasse, moi aussi, sur la bouche, tiens. Je te pisse à la gueule. Ouais, c'est ça. Pour ce beau moment d'amour, ça fait toujours plaisir. Je pisse au milieu de ton salon dégueu. Ça lavera peut-être. Si elle est partie, de toute façon. Ah, elle est partie, elle a rentré. Elle est partie pisser, là. Pourquoi? Dans ton salon. Oh, ouais, cool. Bon, alors, ce que vous avez reproché, elle avait quoi reproché, Célia, Karim? En fait, ce qui se passe, c'est que son mec, il est super généreux avec ses amis à lui, tu vois, ses potes, genre, il les invite au grec, il les invite au ciné, il les invite à sortir, tout, il leur paye souvent des trucs. Il y a un mec qui court sur le terrain, là. Attends, j'ai pas bougé. Ah, il s'est fait plaquer, le mec. Le mec s'est fait plaquer joli, ouais. C'est du rugby en plein milieu du match. Ils ont pas le droit de montrer la télé. Pourquoi ils montent pas, ouais? Ils ont pas le droit, ils ont pas le droit de montrer. Ah, mais là, on l'a vu. Ils ont changé de plan. Ah, non, mais là, on voit de loin sur l'autre. Ah ouais, c'est vrai, sur le plan large. Elles sont 10 sur le mec. Il était tout nu? Non. Ouais, tu t'as vu? Non, mais c'est pas le même mec qui était déjà venu voir Ronaldo, là. En fait, c'est un mec qui voulait courir vers Ronaldo, mais je sais pas si c'est le même. Parce qu'il y en a déjà un qui l'a fait, là. Ouais, qui lui a fait un câlin. Elles l'ont attrapé. C'est le mec qui l'a fait un selfie avec. Allez, ils vont pas rigoler. Donc le match est arrêté. On est dans les deuxièmes prolongations. Et nous, on est sur Bein, là. Ah ouais. Et ça avait été tiré au but, alors. Les menottes, hein. Les menottes, le mec. Mais après, la deuxième question, c'est comment ça s'est fait, parce que c'est vrai que quand on voit la quantité de passer, de se faufiler. Sa soirée, il n'y a pas eu de prolongation. Hein, l'autre, ils l'ont plaqué direct. Ouais. Après, mais le plaquage, ouais, quand même temps, bon, ils savent pas qui c'est, le mec, si c'est un ouf. Ah non, mais ils ont raison. Ouais, ouais. Ah ouais, t'as un mec qui débarque. Bah là, ouais, y a pas le choix que le mec, ouais, le balayage. Bim. Donc, bon, je pense que le mec, il voulait choper Ronaldo, on nous dit. Ouais, faire un bisou, comme d'hab. C'est Blue qui nous dit ça. Je pense que le mec, il va passer, il sait où il va dormir, en tout cas. Ah voilà. L'hôtel de police. Gratuit en plus. Sa chambre, elle est prête. Là, il y en a qui hallucinent. 555 qui nous dit, mais Marie, elle a dit direct, mais il est nu. Bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est déjà arrivé avec des mecs. Et le match, c'est reparti. Et c'est les Polonais qui ont le ballon. Et Quaresma qui est derrière, essaye de le récupérer, mais qui n'y arrive pas. Touche pour les Polonais. Ouais. Pour les Portugais. Pour les Polonais. Pour les Polonais. Polonais, ouais. Polonais. Touche pour les Polonais. Et il nous reste 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Bon. 10 minutes de jeu. Mais t'es sûr que t'es premier sur le coup? Ouais, c'est clair. Là, dans la même phrase. Non, je voyais pas. Les équipes et le temps. Ils ont mis un écran. Il y a la moitié de l'écran que je vois pas. Ouais, mais en même temps, là, ils pouvaient pas casser le mur non plus. Eh bien, si. La prochaine fois, ils casseront le mur. Vous pouvez décaler ouais, 110 minutes. Un partout. Ouais, Cédric, non, mais on va pas faire la décalage du studio, putain, qu'est-ce qu'on a pas dit là? Portugal. Voilà, tu peux décaler. Attends. Bon, le problème du mois que vous avez choisi. On en était à Célia, dit fou. Je vous dis dans un instant. Ah oui, Célia, et on revient à Célia. Non, mais je dis dans un instant, on est en train de calculer, j'ai pas les résultats encore. Alors. Alors, Célia, donc, elle a un mec. Mm-hmm. Et son mec, il offre des sandwichs à ses potes, il les invite au cinéma, il sort avec eux, il leur paye des trucs. Mais avec elle, c'est un bête de radin, en fait. Il lui offre rien. Et c'est pour ça, ça a trouvé ça pas normal. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Parce que moi, je connais un radin, mais il est radin avec tout le monde. Hein. Mais je connais ouais, un mec ça, comme ouais. ça, moi. Tu sais, en fait, il veut faire le beau gosse devant ses potes. Ah ouais? Alors qu'en vrai, c'est un gros crevard, le mec. T'es avec ses frères, ses sœurs, sa famille, le mec, il lâche rien. Mais genre, devant tous ses potes, il veut faire le beau gosse en mode, il paye genre, des bouteilles. Devant les mecs, genre, quand il y a une addition qui arrive, le mec, il dégaine direct. Bah, on fait plutôt ça avec les meufs, non, en général. Bah, ouais, mais c'est un mec, tu veux. Enfin, moi, c'est un pote, tu vois. Je lui dis qu'il se tapait la honte, tu vois. Parce que, tu sais, auprès de sa famille, le mec, il donne rien. Tu vois, devant les gens pour faire, tu sais, pour montrer qu'il a une image. Romano lui donne rien ni à sa famille ni aux gens. Moi, je donne rien à personne. À personne. Il y a aucun souci. Il y a pas de jaloux. Okay, bah, ça va. Difool il est radin aussi. Non, Difool il paye lui, c'est pas vrai. Je suis radin. Ah, Difool il paye une canette. Qui sait ouais. Ouais, on va voir, paye ta canette. Tiens, sans donner. Non. Je lui file une canette. Donne un euro. Une belle canette de Red Bull, regarde. Vas-y, donne un euro, enfoiré. Et donc, t'avais pas d'argent. Romano, t'en penses quoi de ce problème d'argent? C'est ta spécialité. Bah, je sais pas, ouais, non, mais. Célia, elle a jamais de cadeaux et ses potes, ils lui filent des cadeaux. C'est peut-être. C'est étrange, hein. C'est comme disait Cédric, en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est juste pour montrer auprès des gens, genre que le mec, qui c'est qu'il est à l'aise, quoi, qu'il est refait, quoi. Alors qu'en fait, le mec, c'est un mec normal. Non, mais ça, moi, j'ai jamais compris l'intérêt de montrer que t'as du fric. Bah. Se la péter. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais ça sert à rien, tu sais, tu peux avoir de l'oseille, tu vois. C'est pas. Non, mais en plus, je dis, mec, je fais c'est quoi l'intérêt de d'étaler ton pognon, quoi. Je fais les gens être gratte et à la fin, t'as quoi? T'as rien, parce que les gens s'en battent les couilles de ta gueule, gros. Le jour où t'as plus d'oseille, bah, les mecs, ils vont plus te calculer, tu vois. Parce que toi, tu fais genre le mec. Ces mecs-là, oui, c'est pas des vrais potes, c'est des gratteurs. Je dis au mec. Bah, c'est la version Michelonneur, version pote, quoi. Non, mais c'est vrai, il y en a, mais les trous. En gros. Il faut te faire kiffer ta famille, tu sais, genre vraiment à qui tu connais depuis que t'es petit. Toi, tu fais kiffer des gens, tu viens de rencontrer des potes, enfin des pseudo potes. Alors qu'en fait, ces gens-là, ils s'en battent les couilles de ta gueule, tu vois. Juste pour faire genre. Bah, j'ai pas de problème, j'ai jamais un rond, non. Ah, ouais. T'es con. Je suis à moins 10 000. Hey, mais tu sais qu'il y a des mois, le mec, il se met t'as découvert à cause de ça. Hein. Ah, pour se la péter. Ah, juste pour. Ouais, je dis, en boîte, le mec, il paye une bouteille à 200 ou à 300 euros. Tu sais, ça fait. C'est trop, tu vois, je sais pas. Bon, comment vous réagiriez si vous aviez votre meuf ou votre mec qui était comme le mec de Célia? Par exemple, Cariole m'offrirait des cadeaux tous les jours. Romano, elle offrirait également, je sais pas, un truc à Cédric aussi tous les jours. Une liposuction à Cédric, voilà. Tu sais que j'y pense à ça. Ou une nouvelle gueule. Vas-y. Pense à la gueule aussi, tiens. Déjà, pense à la tienne. Fais tout en même temps. Des cadeaux aux chiens également. Elle achèterait de nouvelles grenouilles, des trucs qu'il aime bien. Et toi, rien. Ah bah moi je lui dirais. Mais tu dirais quoi? Alors, écoute bien Célia, voici les conseils de Romano. Bah moi je lui dirais ouais, je comprends pas, t'achètes des trucs à tout le monde sauf à moi. Où est le problème? Eh ouais. Et alors dans ce cas-là, bah faut peut-être que tu lui demandes. Moi je ferais pareil, hein, Célia, ça te fait chier, faut lui dire. Quand t'as intimé avec quelqu'un, tu peux lui demander. Oui. Ah tu lui dis. Et en plus c'est pas un truc de ouf que tu lui demandes. Tu dis ouais, je comprends pas, à tout le monde tu rinces la gueule et moi tu payes jamais rien. C'est vraiment un bâtard son gars. Regarde, je régale mes potes en permanence et ma femme, je la mets en mode princesse. Regardez. Ah, ça c'est un beau gosse. C'est un beau gosse. Toi, en fait, tu vas te retrouver à découvert toute ta vie, mais au moins, t'en fais faux prix. Non, si t'as les moyens, vas-y, fais-toi, t'es fait plaisir, quoi, tu vois. Mais... Tiens, Arcadiel, lui, c'est l'inverse, il offre rien à ses potes et tout à sa nana. C'est bon, écoute. Toi, t'aimes bien, Cédric. Offrir des cadeaux, quoi. Toi, t'aimes bien payer, ouais. Non, mais t'aimes bien acheter des trucs. Ouais, j'aime bien acheter, tu vois. Après, pas forcément faire des cadeaux, tu vois. Là, depuis un petit temps, je fais plus trop de cadeaux, genre. Mais t'aimes bien, quoi. Flamber un peu. Non, pas flamber, non. Me faire plaisir. Non, me faire plaisir à moi, ouais. Quand t'es couvert de marque, tu veux un peu flamber. Voilà, quoi. T-shirt Louis Vuitton, chaussures LV. Slibar LV. Voilà, et t'as quoi? T'as dit Chanel aussi? Non, Chanel, non. T'as pas Chanel? Non. Ouais, je préfère Chamel. Chamel, c'est super. Chamel, c'est faux, c'est vrai. Oh, non, Hermès. Un petit bracelet Hermès, tu vois, comme ça. Non, mais c'est vrai, t'achètes des marques alors qu'il y a des trucs qui sont sans marque, qui sont super jolis. Non, mais tu sais que le bracelet Hermès, ce con, il vient de dire ça, c'est de dire qu'il en a acheté un. Bah, je l'ai là. Bah, t'as acheté combien? Un petit bracelet. Quoi, pas très cher. Combien? Dis, vas-y, dis. 100 et quelques ou 200. Non, c'est un truc en corde avec du fer. Non, mais en plus, Hermès, c'est la marque de luxe. C'est les sacs à main qui valent 25 000 euros. Non, mais c'est comme Louis Vuitton. J'ai acheté un sac à main. Tu sais que les bracelets, c'est comme ça, c'est 150 euros, gros. Et Hermès, non, c'est à peu près les mêmes prix. Je suis sûr que c'est plus. C'est au moins 300. Je me souviens plus, mais je crois que c'était pas plus cher. Non, mais t'as vu que c'est un truc en corde avec du fer. Bah, c'est une corde, quoi. Avec un fermoir. Oh là, mais Hermès. H-E-R-M-E. Dans ce cas-là, c'est pas une Ferrari. Non, il y a une faute. Oh là. Non, c'est ça, c'est moins de 200 euros. Et ton collier avec le gland, tu l'as acheté combien? Oh là, 800. Oh là. Qu'est-ce Qu'est-ce que t'en penses du bracelet Hermès de... Ah, mais magnifique, gros. J'ai acheté le même, là, d'ailleurs. Ah, bah, tu vois. Bah, tu peux. Ouais, bon, demain, je vais aller l'acheter. Bon, vous avez des reproches à faire. Bon, on a donné quelques petits conseils. Non, mais chacun son. Il aime peut-être même pas sa meuf s'il fait ça, nous dit Diane sur SMS. Par rapport à ce que nous disait. Enfin, ce que nous disait Célia. Bon. On va reparler de Célia. Bon, on en reparlera dans un instant. Ah, bah tiens, un coucou à Ben, là. Il a reçu son écran 4K gagné vendredi pour la dernière du morning. Il est trop bien. Je tenais vraiment à vous remercier. Ah, merci cool. beaucoup. Eh bien, merci à toi, Ben. D'écouter le morning. Profite du morning pendant l'été. Même nous, on peut l'écouter maintenant. C'est morning best. Tous les là, il y a des iPad mini à gagner. 6h-9h toute la semaine, iPad mini avec le film. Ah, Romano, il joue tous les jours. Bah, ouais, bah, j'appelle. Vincent, dis non, c'est pas possible. Demain matin, soyez là entre 6h et 9h. Morning best tous les matins pendant les vacances sur Skyrock. Attention. Qu'est-ce qu'on a? On a Johan et Nathan qui arrivent dans un instant avec nous, deux poteaux. En direct, encore en direct du Mans, comme les kebabs de tout à l'heure. Eh ouais. Salut les poteaux. Salut, ça va ou pas? Ça va. Salut. Johan, Nathan, vous avez 18 ans tous les deux et vous êtes au Mans. Ils sont devant un bar. C'est ça. Et vous êtes devant un bar. Ouais, ça va un peu de bruit, donc j'ai demandé de sortir. Très bien, vous étiez dans le bar et Marie vous a demandé de sortir. Il y a du bruit. C'est bien, vous regardez le match de foot, non? Ouais, elle est la Pologne, oui. Ah, toi t'es polonais. Et toi, t'es Johan ou t'es Nathan, toi? C'est Johan. Là, c'est Johan. Nathan, il est en train de fumer sa chicha. D'accord, elle a fumé sa chicha. Très bien, bonne chicha à lui. Il reste 3 minutes dans le match. C'est toujours un partout. On va filer au tir au but, hein, vous allez voir d'ici quelques instants. Ah, peut-être une occasion pour les Polonais. Petite occasion pour les Polonais. Allez, on va la suivre en direct. Ils centrent et ils trouvent une tête. Et non, ils ont trouvé une tête portugaise qui était là. Alors, Johan, vous appelez pourquoi, vous? Parce que là, ce soir, on sort et tout. On veut gérer, quoi. Ah, tu veux gérer de la meuf. Les filles du Mans. Attention. Ce soir, ça a envie de niquer, quoi. Skyrock, ça cartonne. L'autre, il dit. Cartonne au Mans. Ça veut casser du cul de la Mancelle, quoi. Je suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup des filles qui nous appellent. Bonjour, j'ai envie de me faire casser le cul. Je suis mais du Mans, justement. Par Johan et son pote à la chicha. Ah, mais bon, on est entre nous, là. Oui. T'as envie de péter du fion, quoi. Ah, grave. Oh, non, okay. Les nanas vont appeler comme ça, je pense. Bah, peut-être, hein, vous avez le droit de vous faire plaisir, les filles aussi. Attends, t'es beau gosse au moins, Johan? Ça va. Combien tu mesures? 1m78. Très bien. Ah, j'ai un ami qui mesure 1m54. Ouais, c'est une description, là. Combien tu pèses? 68, très bien. J'ai un ami qui pèse 96 kilos. Ouais. Ça, c'est Cédric, ça. Oui, ça, c'est Cédric. Bien vu. Bien vu. Ah, tu vois, j'ai plein d'amis, moi. Et comment il est, Nathan? Il est beau gosse, il est moins bien que toi, non? Ouais, ça va, il est beau gosse. Ouais. Ah, il est beau gosse. Ah. Il est mieux que toi, alors. Après, tout dépend des goûts. Hein. Bon, Nathan et Johan vous attendent, les filles. Vous sortez en boîte ce soir, c'est ça? Ouais, on va au Guess. Vous allez au Guess. Au Guess? Voilà. Au Guess. Eh bien. Voilà, c'est tout Guess. C'est tout Guess. Vous nous appelez ou alors c'est au 01 53 43. Alors, on vous donne rendez-vous. Vous êtes? Vous allez au Guess. Ah, bah oui. Devant le Guess, on sera devant le Guess. Bah alors, vous allez au Guess ce soir. Et en fait, t'es le père, t'es le fils du mec qui possède le Guess. Non, pas ça. Voilà, vous allez devant le Guess. Est-ce que c'est la boîte de Stevie Boulet? Non. Elle a une boîte, Stevie Boulet. Il en a deux. Vous savez que j'ai pas entendu ce nom depuis 1845. Quoi, lui, il a des boîtes, lui? Stevie Boulet qui était dans une émission de télé, je sais même plus laquelle. Love Story. C'était le blond, là, machin. Et le mec, il a une boîte de nuit au Mans, je crois. Il en a deux, même. Il est blindé, lui, ça veut dire. Attends. Cédric, Stevie, si tu nous écoutes. Appelle Cédric, t'as un plan. C'est toi qui demande. Non, Stevie, je peux être un bon plan cul. Regarde, je te fais voir mon bracelet Hermès. Par contre, non, on veut pas des mochitas. Hein. Team Romano. Ouais, ouais. Vous allez galérer, les gars. Ouais. Je sens que vous allez galérer devant la boîte. Attends, il a fini sa chicha. On va pas galérer avec toi, en tout cas. Hein. Bah, écoute, on verra dans 5-10 minutes. Hein. Japonais. Marie, elle kiffe le japonais. Ouais, on l'écoute avant minuit, Niska. Ah oui, bah allez. Non, Marie, elle aime les grosses bites, c'est pas les japonais. Bravo. Et vous y êtes à quelle heure là-bas là pour donner rendez-vous au Japonais? Vous y êtes à quelle heure? Vers une heure du mat devant le Guess. Et attention, ce soir, tous au Guess. Et comment elles vous reconnaissent, les filles? Vous êtes habillées comment? Ouais, c'est moi. Oui, c'est toi. Oui, bah, mais comment vous reconnaissez? Comment elles vous reconnaissent, les filles? Attends, il y a des gens à côté de moi, vas-y. Wow, Romano. Ah oui, donc je vois que ça écoute Skyrock beaucoup au moment. Il y a une émeute devant le.

et les tirs au but. Et qui va tirer le premier tir au but pour les Portugais? C'est Cristiano Ronaldo. Allez, on se branche sur Bein. Avec de l'envie et des certitudes. Avec de l'envie et des certitudes. Un joueur hors norme. Cristiano Ronaldo, un joueur hors norme qui va tirer le premier tir au but. Il va se retrouver. Lucas Fabianski. Fabianski, c'est le goal polonais. C'est un bon goal. Ouais, il est fort, il est super fort. Alors, face à Cristiano Ronaldo, on suit les tirs au but de ce quart de finale de l'Euro. La Pologne contre le Portugal. Portugal-Pologne. Viva Portugal. Et les Portugais, ils souffrent quand même depuis le début de l'Euro. Il est en pression, Ronaldo. Ronaldo, attention, il le met. J'ai entendu Karim, me semble-t-il, qui a dit il le met pas. Eh ben, ouais, ben voilà, encore un bon pronostic. Voilà, un but pour un tir au but pour les Portugais. Ouais. On passe maintenant aux Polonais. Qui c'est qui va tirer pour la Pologne? Lewandowski. C'est Lewandowski. Ben, ils ont pris les deux meilleurs en premier. Pourquoi ils ont mis les deux meilleurs en premier? Ouais, les deux attaquants pour assurer, ouais, pour pas commencer. Le jour, Ronaldo, il avait terminé Ronaldo l'autre jour. Ouais, c'est vrai, ça dépend. Chelou. Saint-Étienne lors du huitième de finale. Eh oui, ils sont venus à Saint-Étienne lors du huitième de finale. Ils en gardent d'ailleurs un très bon souvenir. Petit témoignage d'un ami polonais. Très bien, Saint-Étienne, très bien. Face à Wim. Bravo, Difoul, très bon. Et Lewandowski qui plante. Et voilà, et tout doucement en plus. Donc, un. Tir au but contre un tir au but. Quelle chance que là de voir ce style de joueur. On a vu tout à l'heure Ronaldo, là c'est Lewandowski. La voix qu'il a lui. C'est Omar. J'ai essayé de l'annuler, mais. Il est marrant, lui, c'est Omar. Ça, oui, il a une voix marrante. Oui. Je disais la peur, l'émotion. La peur, l'émotion. Así que dal, aïe aïe aïe. Justement. Oh, l'émotion. À sa frappe. Allez, c'est celui qui a marqué pour le Portugal, lui. Renato Sanchez. Yes. Ah, c'est celui qui a pas de 18 ans. Il a 18 ans, là. Ouais, c'est un vrai joueur au Bayern. Putain. Alors, Renato Sanchez. Pour rejoindre le Bayern. C'est parti. Il a des dreads. Je vous dis ça si vous voyez pas le match. Hein. Est-ce qu'il va tenir la pression? Attention. Ah, il est beau. Hein. Ah, Marie est excitée par. Ah, il est beau. Sanchez. Allez. Renato Sanchez. Pour faire quoi? Ça fait donc deux tirs au but sur deux pour les Portugais. Un sur un pour les Polonais. On passe aux Polonais maintenant. Il s'est mis assez droit par rapport au positionnement. Positionnement. Normalement, on ne comprend pas ce qu'il dit, Omar. Hein. Mais il est sympa. Attention. C'est parti, on passe maintenant. C'est au tour d'un Polonais. Délicieux gaucher. D'un délicieux gaucher. Milic. Milic. Ah, Milic. Milic. Ah, je pense sur lui. Ah, il est trop beau! Oh là, qu'il est beau! Il devait venir à l'OM l'année dernière, mais bon, maintenant il vaut à peu près 50 millions, donc il viendra jamais. Oui, il vaut le prix de l'OM, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Attention, il tire. Eh, t'es chippé, mec. En pratique, ça va donner quoi? Arkadiusz Milik. Il le marque. Et il le met. De partout. Et but. Ah, putain, ça ne finira jamais. Parce qu'il est fou. Moi, je préfère tirer en premier quand c'est mon équipe. Ah, bah ouais. Ouais, mais c'est tirage au sort. Ça, en fait, il décide avec l'arbitre avant de tirage au sort. Ouais, j'ai vu ça. Ah ouais. Il faisait le tirage au sort tout à l'heure, là, pendant qu'on passait Panda. Panda. Attention, le troisième tir au but des Portugais maintenant. Mais tu sais qu'on nous dit qu'on est en retard de ouf. Parce qu'on nous a déjà annoncé le prochain. Ah ouais? Ah ouais? Bah, peut-être ceux qui écoutent. Non, bah non. Je sais pas, non, bah on regarde Bein, nous on est sur Bein. C'est quoi, t'as regardé le message de Blue? Non, de Nana 29 aussi. Ouais. Demi-finale de. Alors on passe au troisième. Allez. Face à l'Espagne. Il a l'occasion de repartir. Moutinho. Compteur à zéro face à Fabianski. Ah, il l'aura fait. Jean Moutinho, quelque part. Ah, il le marque. Troisième tir au but pour les Portugais. 3 sur 3. Suspense. Pour l'instant, c'est pas loupé. 3 sur 3. Un TFA, ils sont en avance. Pour l'instant, si ma mémoire est bonne, Fabianski plonge toujours à côté. C'est parce qu'on passe par des satellites, tout ça, vous savez. C'est... Ronaldo, oh, ouais. Et ouais, ouais. Tant que ça monte aux satellites, que ça moi, j'attends les satellites. Ah, mais c'est quoi, c'est 2 secondes, 1 seconde. Bah oui. Oui, oui. Allez, Portugal, 3 sur 3. Et on passe au troisième tir au but des Polonais. Personne n'a raté pour l'instant. Pas l'auteur de Pep. Alors, c'est Pep. Non. Il parle de Pep. Pepe, c'est défenseur et portugais. Il a mis du Pep. Face ouais, à la Pepe. Suite. C'était Lewandowski. C'était Milik. C'était Glik en troisième. Il a une bonne tête Glik de polonais. Non, mais dis donc, et toi, je te rappelle que j'ai du sang polonais, moi. Oui, bah tiens, moi aussi. Une bonne tête de polonais. Et ça continue, mais quand vont-ils s'arrêter? Milik. Trois partout. Et on n'a pas encore fait le problème du mois. On arrive avec le problème du mois. C'est Milik et Glik. Glik. Et c'est les Polonais qui vont tirer maintenant. Et Ronaldo, non, il n'a pas le droit de retirer. Ah non, c'est une fois chaque. Non, on n'a pas le droit. Non, non, non. Et si ça se prolonge, prolonge jusqu'au gardien, et s'ils font 11-11, ils peuvent recommencer. D'accord. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'à 2h du matin, on est encore là. Mais nous, on suit le match jusqu'au bout, on lâche pas l'affaire. Mais c'est horrible, en fait, les tirs au but. Ah ouais. C'est stressant, hein. Ah bah ouais. Hein. C'est la sentence. Et ouais. Alors. C'est Kune qui veut tirer là. C'est Nani. Nani. C'est Nani. C'est Nani. Joue à Fenerbahçe, ouais. C'est Super Nani. Super Nani. Il joue à Manchester avant. Quatrième frappeur pour le Portugal. Nani Fabianski. Il le marque. Ils n'en ratent pas un. Ouais, en douceur. Ils marquent des bons. Des bons. Ouais, ça se voit qu'ils les ont travaillés. Ouais. Ils sont vraiment appliqués. Ouais. Ouais. On passe aux Polonais. S'ils gagnent les Polonais, ils vont se faire des shoots de vodka. Bon, bah, je vous mène, on dit super tout. Qu'il faut pas rater. En exclu, les Polonais vont marquer. On verra, c'est le quatrième. Pas le suspense. Je suis à la balle d'une manière. Tu spoil là, fais gaffe. Samy va se vénère. Quatrième. Tir au but. Ah, ils sont tous, ouais. Ils sont tous, ouais. Je vous dis, le marque. Donne-lui le pronostic de Romano. Suspense total. Il est total. Il avait marqué aussi. Il tire, allez, Polonais. Quatrième tir au but. Loupé. Loupé. J'ai pas spoilé. Tu t'es trompé, Romano. J'ai pas spoilé. C'est le Portugal qui est en demi-finale. C'est le dernier tir au but. Si les Portugais marquent, ils marquent, ça s'arrête et ils sont qualifiés. Ah, direct là ? Oui. C'est pour ça que c'est le quatrième, faut pas le rater. Et ouais, c'est pas de chance. Et là, comme ça, les tirs au but ? Ouais, bah oui. Non, mais quand tu arrives à la fin, quoi. Parce qu'ils en tirent 5 chacun, vu qu'il a raté le 4ème. Ah, 5 chacun, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Ah non, je pensais que moi ça continue. Ah non, comme ça. Donc ça si les Portugais marquent, bah oui, 5-5. C'est Charisma qui va tirer. Attends, la pression qu'il doit avoir, lui. Putain, l'ancienne. Il fallait qu'il rentre pour nous faire, bon là. On ne sait plus du tout ce qu'il dit, mais il est excité, notre ami Omar. C'est Omar de Bine. Il est très très, très content. Beaucoup d'allant, d'élan pour être le héros. Attention. Il s'est arrêté. Le Portugal est en demi-finale. Demi-finale de l'Euro. C'est un peu de surprise, hein, parce que c'était quand même pas de. Le Portugal galère depuis le début. Oui, c'était pas. Mais ça a fait que des matchs nuls jusqu'à maintenant. Jérémy de Corbeil nous dit le Portugal fait un vieux Euro, ça me dégoûte grave. Non, pas vieux Euro, mais bon, c'est vrai qu'ils ont gagné aucun match dans le temps réglementaire encore. Ouais. Non, mais ils ont quand même. Ils ont aucune victoire. Ouais. Sanchez est assis, on nous dit. Ah, bah, dingue. Portugal pour ça, Portugal qualifié. Ah, viva Portugal pour Romain. Moi, je vais gazon. Désolé, ami portugais. Et ami polonais. Bah, c'est fini pour votre euro. Alors, je me retourne en effet vers Samy. Tu fais bien d'en parler, Marie. Mais alors, que s'est-il passé au niveau de tes pronostics? J'ai gagné mon pari dans le temps réglementaire, mais j'ai perdu mon pari sur le qualifié. Parce que tu avais dit tir au but, hein, t'avais dit. Oh, Pologne au tir au but. C'est dommage parce que tu vois, il y a toujours, mais c'est un petit truc. Non, mais là, ça va, j'en poche. Ça merde. Mais j'ai gagné le pari du temps réglementaire, c'est bon. Oui, ben là, ça merdouillait un petit peu. Hein. Ouais, t'as gagné combien de sous? Je sais pas, faut voir la cote et l'argent misé. Moi, je fais sur Parion entre amis. Tu sais, c'est genre comme la Française des Jeux, sauf que tu paries avec des gens. Tu paries pas contre la Française. Ah, d'accord, ok. T'as parié combien? Bah en fait c'est une cagnotte avec des potes, je sais pas, je vais leur je fais les comptes à la fin. C'est à en la tout fin cas, du bah les comptes on les fait maintenant. Ils filent en demi-finale, les Portugais de Cristiano Ronaldo. Ouais. Et bah écoutez, c'est sûr. Appelez Philippe le Portugais, on a essayé de le joindre, il répond pas à ça. Bah ouais. Peut-être après le match, on va essayer. Bon voilà, c'est parti pour les. Vous êtes content les Portugais là, je vois les messages. Hein. C'est parti pour les demi. Ils seront contre la Belgique. Putain, franchement, moi j'aurais pas misé sur le Portugal. Mais non, on sait pas contre qui ils sont. Ah ouais. Si on sait. Si. Belgique ou Pays de Galles. Ah bah oui, on sait pas. Ah ouais, donc on sait pas. Et ça sera demain leur adversaire qu'on fait. Belgique ou Galles, pas forcément la Belgique. Ah oui, non, d'accord. Et puis n'oubliez pas dimanche. Les bleus contre les. Et on a vraiment du cul, parce que. Tu joues contre qui les bleus? On joue contre les japonais. Japonais. Marie va soutenir les japonais. On écoutera d'ailleurs Niska là. Tout à l'heure. Moi je m'étouffe. C'est la soirée footballistique, bien sûr. Bien sûr. Ils en sont où d'ailleurs nos monceaux là? Parce qu'on a eu Johan et Nathan en direct avec nous. Ils étaient pour la Pologne. Pologne. Mais ils sont pas japonais. Non, ils sont pas polonais. Johan et Nathan, vous souhaite bon courage, en tout cas pour la suite. Mais ce soir, bon, c'est fini pour la Nathan Pologne. Nathan est pour le Portugal. Ah, Nathan, lui, est portugais. Portugal. On nous dit pas beaucoup de mérite pour le Portugal. Leur euro est pourri et ils vont en demi. Ouais, Hugo du 59. Pas grave. Bah, l'essentiel est de se qualifier. Et ils ont réussi pour l'instant. Demi-finale pour l'équipe de Cristiano. Nathan veut vous parler. Vas-y, passe-nous Nathan. Il doit être content lui. Bah ouais. Donc les filles vous donnent rendez-vous au Morito. Oui, Nathan. Ah, la team Romano est toujours là, mais c'est la folie. C'est vrai qu'on ne t'entend plus trop à ce moment. Non, mais au début de l'émission, il y avait la team Le Belge qui était super présente. Au début, ouais. Et là, elle est partie. Elle est partie. Plus personne. Bah non, mais la team Romano, c'est une team galérienne. Ils sont en train de galérer sur un parking. Donc, on donne l'adresse, c'est où? Qu'est-ce que tu racontes, Cédric? N'importe quoi. Non, mais vas-y, réponds-lui à ce connard. Eh, vous allez vous faire recaler de la boîte et tout. Ta gueule, ta gueule. Bon, direct sur le Mojito, on met en place d'Alger. Cédric, on entre couilles, ouais, les gars, c'est bien. Non, les filles, ils vous attendent. Et après, ils vont au guest à 1h du matin, Johan et Nathan. Vous remerciez, les gars. Cédric, il les cherche aussi. Vous galérez, gros. Salut, les gars, ciao. Et le problème bonne du mois, galère. Romano, les résultats du problème du mois de ce soir. Eh oui, quel est le problème du mois que vous avez choisi? C'est quoi ce... Alors Romano, c'est du mois. Alors Romano, qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, résultat du problème du mois. Con lui. Vous avez qui? Je vous décris chelou. Alors. Non, c'est le belge, c'est... alors Romano, c'est pas moi qui ai les résultats, c'est Difool. Bon, après la belle victoire du Portugal, voici, avec du suspense jusqu'au bout de la soirée, voici le suspense du problème du mois, lequel vous avez choisi. Eh bien, vous n'avez pas choisi le problème du mois numéro 4, c'est-à-dire celui qui se branle entre les omoplates, le mec de Frédéric, 9% des voix. Marie, essaye et tu lui dis demain. Oui, je suis déçu, vous n'avez pas choisi, Cédric est très déçu aussi, hein. L'accro au trans. Ah ouais, Giorgino. Ah, dommage. Il a 17% des voix. Ah ouais, vas-y, dommage. Vous n'avez pas choisi le Forest Fucking, le fils fucking dans la forêt, 5, quoi. 19% des voix. Vous n'avez pas choisi, et pourtant il n'est pas loin du premier, le problème de Marco, qui est accro au sein, 26% des voix. Et vous avez choisi le problème de Fabrice, celui qui aime les fesses, les coups de cravache et des coups de Timberland dans les fesses. C'est ça. Voici donc le problème du mois de ce jeudi. Place à Fabrice et à Romano. Allons-y, allons-y. Salut d'ailleurs. Oh là là. Okay. Salut le Marseillais. Salut à Fabrice de Marseille en plage. Oui. Qui a écrit au forum Palais de la Soumission. Voilà donc ce que nous dit. Et vous réagissez à n'importe quel moment. On peut lire vos réactions au 41759 et sur l'appli Skyrock. Je suis filmé. Oui. Ouais. Bah annonce-le. Annonce-le. Tu es où? T'es filmé sur mon périscope. Mais non, il faut mettre sur. Oui, mais j'ai pas celui de la radio sur mon téléphone. Bah, faut donner. Bah, attends, on va chercher celui de la radio. Vas-y. Bah oui. Bon allez vas-y, fais ton truc Romano. Ah non, non, j'attends la télé. Non bah, l'autre, l'autre, regarde la star, ça y est, c'est bon. J'attends la télé, mais tu es là. Ça y est, tu es en live. Facebook Live, man. Facebook Live. Man. Il s'est refait ça, là. Facebook Live, man. Skyrock FM. Hein? Bon, allez, vous Facebook Live, Skyrock FM. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as? Il a dit on va se faire supprimer, je crois, parce qu'on te filme, parce que t'es chum. On va se ce Romain des réseaux sociaux, dis donc. Il parle mal de toi, Romano, j'ai vu. Ah bah en même temps, je me traballe pas sa gueule, heureusement. Bon, non mais c'est quoi le problème? Vas-y. Allez. Bon, allez, c'est parti pour le problème du mois. Ce pauvre garçon. Bon. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Fabrice, alias Fafa pour les intimes. Salut Fafa. Ouais. Je suis gay et avec mon ami, nous pratiquons depuis déjà quelques mois des petits jeux. Des petits jeux. Des joints, ouais. Oui, des petits jeux. Des joints, c'est ça que tu veux nous dire? Non, des petits jeux qui parfois virent au plaisir violent. Absolument, oui. Au début, je n'étais pas trop pour, mais j'ai su apprécier et maintenant, j'en redemande. J'adore être très vilaine. Oh bah. Mais c'est Fabrice. Oui, mais il adore être très vilaine. Bon, écoute, c'est son délire. Moi aussi. C'est ça. Mais tu l'es, Cédric. Merci, Romano. C'est que tu es très, très vilaine. Tu es même monstrueux. Oh, ouais, mais ta gueule, ça me rassure. Je t'ai déjà dit, mon pote. Non, mais comment tu peux te trouver beau avec la gueule que t'as? T'as vu la gueule que t'as, toi? Moi. Qu'est-ce que tu veux te parler? Alors, j'aime me faire claquer les fesses très fort par ses mains ou avec des objets. Par Cédric. Non, par ses mains. Par ses mains. Ou avec des objets. Une fois, il m'a fait une très bonne surprise. J'ai eu droit à la cravache d'équitation. J'ai hurlé de plaisir. Réellement, que mon sphincter s'est relâché totalement. Et je n'ai pu retenir mon urine qui s'est répandue sur le lit. J'avais oublié qu'il allait nous raconter ça, lui. Tellement j'avais eu de plaisir à ce moment-là. J'avais les fesses extrêmement rouges. Oh, oui. Mais rien que d'y repenser, j'en ai eu une érection qui pointe le bout de son nez. Ah, c'est pas s'il a mon nez, si sa bite est comme mon nez, il a une grosse bite. Une grosse érection. Oui, c'est vrai. Alors. Bonjour les odeurs. Oh. Il est dégueulasse. Oh. Bonjour les odeurs. Mais récemment, l'apogée a été atteinte. L'apogée. Ah. Je vous passe tous les objets divers avec lesquels il m'a frappé le derrière. Des bouquins, par exemple. Un dico, quoi. C'est. Le tapis de l'entrée. Oh. Mais là, l'apogée a été atteinte avec des chaussures de forêt. des Timberland, pour ne pas les citer. J'ai beaucoup apprécié la douleur qui m'a déclenché encore un fort orgasme. Ah, et là, il a fait coller ses chiens dessus, là. Non, c'est ça. J'en ai encore, telle une bête urinée de plaisir. Ah, il a pissé. Lui, c'est le pipi uniquement. Ah, c'est dégueu. Donc, lui, chaque fois qu'il a un orgasme, il pisse. Imaginez, vous sortez avec une meuf et dès qu'elle a un orgasme, elle vous pisse dessus. Elle va être contente du voyage. Non. Ensuite, j'ai une très forte érection. Et je n'ai fait rien de moins que d'éjaculer dans mon urine. Ah, non, bah, à la totale, quoi. Très super. Bien. D'ailleurs, je salue Kalagan qui nous dit je me masturbe en écoutant le problème du monde. Ah, il est con. Il te plaît, en tout cas, cette il semaine. Il chie pas en même temps aussi, tant qu'on mais le poids de la chaussure sur plusieurs coups m'a fait très mal au bas du dos. Car il a mal visé par moments. Ah, voilà, il lui a... Et j'ai extrêmement mal aux reins, comme on dit. Dans la globalité, l'association était plutôt plaisante. Mais j'aimerais quand même trouver une solution pour le mal en bas du dos. Je ne sais plus quoi arrête faire. De te faire marave le dos à coup de pompe. Oui, mais la douleur, en fait, elle passe pas. Ah bah oui. Je n'ose pas aller voir un médecin, car j'ai quand même la trace des crampons des Timberland sur les fesses. Ah putain. Je comprends, ouais. J'aimerais trouver un compromis entre semelle et légèreté pour mes fesses. Si vous avez des conseils, j'ai pensé à découper la chaussure. Oui. Mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est pas je ne sais plus trop quoi faire. L'été arrivant, j'espère quand même que je serai encore capable de recevoir une bonne fessée avec les raquettes de plage. Ah oui, les raquettes de plage en bois, là. Ah ouais, ouais. Ah, j'ai hâte de se faire claquer avec ça, ouais. J'ai hâte. Oui. Pourquoi tu te mets tout nu Qu'est-ce qui se passe? À poil, tu lis le problème du mois, il se met à poil. Mais pourquoi vous mettez tout nu pendant le problème du mois? L'autre, il a le cul à l'air, les gars, ou quoi? Il y a Romain qui a baissé son jeu. Non, mais ça va pas bien, l'autre, il a commencé à bourrer. Et Romano, tu sais, c'est l'effet problème du mois. C'est bizarre, toi. Il se prépare pour le problème du mois. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, à bientôt. Qui aime la fessée? En recevoir, hein. Ah non. Ah, non. Hey ah Romano, oui. Non, moi, j'aime pas la fessée. J'aime me faire malaxer le cul. Ouais. C'est-à-dire que c'est différent. Qu'elle me le prenne. Je peux te malaxer le cul? Non, ça fais-nous va. Fais-nous la démo. Ou la poitrine. C'est dégueulasse. Non, mais vas-y, je te malaxe. Bah, demande à Romain, apparemment, il est excité. Ouais, alors Romain, tiens, passe-moi le téléphone, je vais te malaxer. Hop, tu veux lui malaxer quoi? Bah, le cul. Tu te malaxes quoi, le cul? Le cul, il aime bien le cul. Tu es majeur, Romain? Il donne. Tu es majeur. Bon, Romano, tu peux y aller, il est majeur, vas-y. Oh, mais cambre-toi bien, cambre-toi bien. Mets-toi cul nu. Il le fout à poil, quoi. C'est bon. Vas-y, mets-toi cul nu, mais si, mais si. Et en plus, il filme. Baisse ton pantalon, baisse ton pantalon. Baisse ton pantalon. Baisse un peu ton front. Non, pas cul nu. Allez au-dessus, allez au-dessus. J'ai pas eu de toucher. Ça dégoûte, gros. Ah ouais, moi. Moi, tu peux, vas-y, moi, tout cul nu. Ah, tu vois, par exemple, comme ça, tu vas me faire bien. Donc, vous pouvez réagir pour le problème du mois, je vous dis ça comme ça pendant qu'ils sont en train de se caresser le cul. Hein. Donc le problème du mois. Ah mais t'es beau, dit Foul dans la télé. Je suis pas la télé, c'est Facebook. Mais t'arrêtes pas de bouger le téléphone, hein. ça doit faire dégueuler. Ah ouais, ouais, vidéo, c'est là. Clair. L'image, elle bouge. Sérieux, elle a Momo quoi. Mais là, non mais t'es grave beau. Arrête de me filmer comme ça. Filme à l'envers là. Voilà. En plus, il se cache. À l'envers. Ouais, non, en bas. Droit, tourne sa main dans tous les sens. Bon, qu'est-ce que tu veux comme réaction pour ton problème du mois? Bon, alors, si les filles, vous aimez bien vous prendre des fessées, si les mecs, vous aimez bien vous prendre des fessées ou en donner, eh bien, n'hésitez pas. On attend les témoignages sur le 0153. On dit Romano s'appelle Romain. Non, c'est un autre Romain sur les réseaux deuxième. Sociaux. La deuxième. Qui a des cheveux, lui, et beaucoup plus jeune. Ouais. Moi, j'ai 21 ans, moi. Bah, lui, il en a 7. Il est plus musclé. Donc, réaction, mais vite alors pour prendre. Ah, bah, faut y aller très très vite, ouais. Marie, t'aimes bien te faire fesser? Non. C'est pas trop mon truc. La fessée, vous êtes pour, vous êtes contre, vous nous dites 41759 skyrock.fr, c'est pour aider notre. Non, non. Ah, tiens, d'ailleurs, message de Moshita. Moshita qui nous a laissé un message pour Cédric. Ouais. Et qui nous dit chaque fois que je fesse Cédric, il y a des boutons de pu qui explosent. Ah, ah mais c'est des célèbres boutons aux fesses, tes furons. Non, non, c'est même pas vrai. Et du caca qui sort. Ah. Comme le monsieur du problème du mois, Fabrice. Non, il fait pipi, le monsieur du problème. Est-ce que Marie, des fois, t'as eu tellement de plaisir, genre un orgasme tellement fort, tu t'es dit, ah, je vais pisser. Oh, non. Ah ouais, bah non, jamais. Non, j'ai chié. Ah ouais, merci. Ouais. Attention, donc vous votez, non, vous nous dites fessé, oui, non, et puis vous nous laissez vos témoignages. Vous êtes déjà tombé les filles sur un mec qui adorait la fessée ou alors qui adorait se faire fesser, vice versa d'ailleurs, les gars. On vous attend, japonais, voici le son de Niska sur Skyrock. Ah ouais. Mustapha Jefferson, Niska qui était passé dans l'émission d'ailleurs. Eh Marie, spécial dédicace. Ouais. Vous savez, c'est le son qui reste dans la tête de la Marie toute la nuit parce qu'on chante toute la nuit. C'est à cause de Romano. On lui fait japonais. Je peux plus. Allez, une levrette sans fessée, c'est comme une raclette sans fromage. nous ouais, dit je suis d'accord, Flo. Eh ben, c'est bien noté. Non, Flo. Mais c'est vrai que c'est pas désagréable, là, une bonne fessée, quoi. Et inscription pour aller voir Rihanna. Vous voulez aller voir Rihanna en concert. C'est parti, les inscriptions au 41-759. Et sur l'appli Skyrock, je lance le top. Ça veut dire que vous pouvez aller très vite maintenant. Vous nous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone et vous faites tourner pour Riri. Riri, allez voir en France vos places de concert à gagner sur Skyrock. Japonais. Skyrock et Mustapha Jefferson. Minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. D'ailleurs, on est faire un petit tour dans les restaurants japonais pour leur faire écouter le morceau. Ils ont adoré. Ah, ils ont adoré. Il faudra qu'on leur fasse ça. Pas de problème, Romano, c'est quand tu veux. Merci pour ce beau morceau, en tout cas. Niska qui est passé cette année, lui aussi, dans la radio libre. Et vous voulez passer dans la radio libre, c'est au 01 53 40 30 20. Les inscriptions pour Rihanna, c'est bien, bien parti. J'ai vu que ça tourne sur les messages. Et les réactions pour le problème du mois aussi, Romano. Eh bien, c'est parfait. La fessée. Alors, on a Assia au téléphone avec nous. Ah, Assia. Et on rappelle la victoire des Portugais. Qualification des Portugais. Ils ont gagné face aux Polonais. Ah, c'est bien, je pourrais faire un remix. Tiens, port portugais, ils ont gagné face aux Polonais. Ah ouais. Salut Assia. Salut Assia. Bonjour Assia. Salut. Ça va Assia? 24. T'es dans le 34 toi, c'est ça? Voilà, dans Montpellier. Dans Montpellier, ben, salut tout Montpellier. Au sud. 100.2 pour nous écouter à Montpellier si vous passez dans le coin. Exactement. Alors, dis-nous Assia, pour le problème du mois, je te laisse entre les mains de Romano, hein, on va faire la. Ouais. On va faire le bon, Assia, petit point sur la fessée. Assia, t'as entendu le problème du mois de Fabrice qui tabasser les fesses à coups de. J'ai tout entendu. J'étais en train de faire mon ménage et j'ai écouté en même temps. Quand t'as les filles, vous faites des trucs le soir à minuit. Elle fait son ménage. Non, mais attends, tu ne serais pas ma nouvelle voisine qui fait le ménage à 8h du matin aussi? Non. Je fais pas ça en talon. Ah. J'attendais mon copain, donc je faisais le ménage. Ça ménage. Voilà. Et toi, du coup, tu es, on peut le dire, adepte de la fessée peut-être? Oh, adepte, pas. On va pas apprendre un si grand mot, mais j'aime la fessée. Ouais, j'aime la fessée. C'est beau. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, par exemple, quand t'es en levrette, claquette sur les fesses. je la réclame. Ah, fesse-moi, tu me dis. Fesse-moi, allez, fesse-moi. Là, il y a Pitbull, Linda aussi, qui nous dit la même chose. C'est pas trop mon truc, le sexe violent, mais une petite fessée de temps en temps, pourquoi pas. Non, Pitbull Linda qui dit, moi, je trouve ça débile. Ah, bah, quoi, ouais, les avis sont partagés. Mais toi, c'est juste fessée ou vous utilisez des objets style chaussures? Non, non. Ah, c'est ça. Non, non, il n'y a pas d'objet. Mais Asia, tu lui demandes comment? Tu dis fesse-moi ou fais-moi mal au cul? Non, je lui dis ma fessée. Mets-moi ma fessée, j'ai été vilaine. Il y a les fesses rouges, ah, pas oui, pour moi, très, mais. Très, très vilaine. Une petite calotte, ça fait pas de mal. Oui, quand, faut pas qu'il. En gros, vous aimez la fessée, mais gentillette pendant la levrette, beaucoup de levrette. Ouais, mais oui, faut pas exagérer, Oui, le but de l'opération, c'est pas non plus de lui faire des bleus, quoi. Défoncer les gueules. Oui. Ah bah tiens. On a Linda. Non, Linda, je vous l'ai lu. On a Gizmo. Ah bah Gizmo. Ah bah oui. Qui nous dit, j'adore la fessée. J'aime quand on me claque les fesses. C'est trop bon. J'adore. J'adore. D'accord. Ah. Lui, Gizmo, t'es chaud, hein. Mais Asia, toi, c'est limite obligatoire. C'est chaque relation, t'aimes bien avoir ta petite fessée? Ouais, mais des fois, même sans relation, je réclame la fessée, quoi. Ah, même comme ça, dans la vie courante. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, tu rentres à la maison, je... allez, vas-y, fesse-moi, s'il te plaît. Non, mais je sais pas, ouais, je fais mon ménage, et je dis, ah, ma petite fessée. Ah ouais, donc t'aimes bien te faire claquer les fesses. Ah ouais, non, mais très bien, ouais, très, ouais. Très bien. En plus, ça rebondit bien, c'est impeccable. Non, mais c'est vrai que pendant la levrette, c'est pas mal, la fessée. Après, moi, de l'avoir sur mes genoux et de lui donner une fessée comme si c'était une enfant, non. Mais il te fait ouais, il va pas me mettre la fessée sur les genoux. Oui, tu vois ce que je veux dire. Hein, il te pose sur tes genoux. Ah ouais, non, c'est impossible. Non, non, il me fesse pas fort non plus. Ah, faut pas exagérer, ouais. J'ai pas envie d'avoir des bleus sur non, les genoux. Non, mais ouais, normal, oui. C'est pas. Truc sexuel, c'est quoi. Vert, absolument, ça, ouais. Il y a Nico, 17 ans, qui dit moi j'ai des potes, ils arrêtent pas de me taper sur les fesses. Ah, c'est la fessée. Ouais, c'est autre chose. Oui, et toi, chose. Du full, tu aimes la fessée? Non, je suis pas fan. C'est... Allô? Non. Oui, attendez, excusez-moi, t'as entendu? Il y a Moshita qui est en ligne. Bonjour, Moshita. Bonsoir. Bonjour, Moshita. Excusez-moi d'intervenir. Bonsoir, Asia. Tu peux intervenir. C'est la deuxième intervention dans l'émission, mais tu peux intervenir quand tu veux. Hein. Bonsoir à toute l'équipe. Moshita, comme... elle aime la fessée. Alors, tu aimes la fessée, Moshita? Eh bien, vous savez que votre ami du fond du studio, là. Okay, Cédric, c'est Cédric. Ah, oh, il est bien là. Oui, c'est Cédric. Tu fais mal aussi, c'est moi. C'est ton ex. Oui. Vous savez que lui avait une demande particulière? Non. Pendant l'amour, il voulait que je lui mette des tartes dans la gueule. Oh. Enfin, c'est ça. Ravage. Qui mettait des tartes dans la gueule. Ravage-moi le visage. Essaye, tu vas voir. Ah, oh, je lui mettais des calottes dans sa gueule. Ah, merci, merci, Asia. Il y a des gens qui aiment. Hein. Et tu nous as laissé un message tout à l'heure. Tu as dit que quand tu lui donnais des fessées, parce qu'il aimait également les fessées, tu faisais exploser des boutons de pu. Oui, c'est ça. Et la crotte sortait. Et le mec, d'ailleurs, le mec du problème du mois, Fabrice, si vous venez d'arriver, le mec se pisse dessus tellement il a du plaisir quand il te fait, quand ah il bah se là, fait fesser. C'est lui, c'est. Non, Roman d'Otobio. Oui, ah, lui, c'est la, vraiment la folie. On a salué Moshita rapidement, comme ça, mort de rire. Moshita, je sais que vous l'aimez beaucoup, hein. Cédric, t'es un gros cochon. Tu mettais des tartes dans sa gueule. Attends, non, là, je croyais que t'étais parti. Des mais dans tes rêves. Ouais. Bam, dans ta gueule. Une c'est bonne levrette se fait tout le temps avec une fessée, sinon c'est pas une bonne levrette. On a reçu des dizaines et des dizaines sur la levrette. Alors, bah, c'est vrai que c'est la position idéale pour mettre la petite fessée, quoi. C'est tout cul tendu mérite son mieux. Mais oui, tout cul tendu mérite son, c'est bien ça. C'est... Alors, on va voir la réponse du problème du mois. Attention, bon, c'est un internaute qui n'a aucune compétence, c'est Chou Fétiche. Chou Fétiche qui répond donc à Fabrice, alias Fafa. Salut mon cher Fabrice, je crois savoir ce qu'il te faut. Tu as vraiment de la chance que je traîne sur ce forum régulièrement. Attention. Car moi étant également adepte de la fessée avec toutes sortes d'objets, j'ai été confronté au même problème de douleur que toi. Mais j'ai trouvé la solution. Je te présente tout de suite le Spanking Paddle. Le Spanking Paddle. Spank c'est recevoir des fessées. C'est ça hein. Spank, non, je sais pas ce que c'est. Non, ça me dit rien. Parce que paddle, on va se jouer. Ben non, paddle, c'est les pagaies, quoi. C'est oui, tu prends oui. Des. Donc, spanking paddle, c'est la pagaie pour fesser, à mon avis. Ah, peut-être c'est tout. Non, mais tu vas voir. Après, avec... décrit l'objet, il y a même. On va vous mettre une photo sur les réseaux. On aura le spanking paddle sur les réseaux. La spanking cagaine. Oh, exceptionnel. Ça donne envie d'en acheter une. La spanking cagaine. Ouais. Elle est faite pour vous. On aurait pu d'ailleurs faire un radio achat avec. Spank, c'est donné une. Non, mais demain soir, on pourra faire. Bon, demain soir, on fait un radio achat, on vend ça aux familles. Ouais, avec Pamela qui s'occupera du spanking paddle. Ouais, c'est bien ouais. Ça, c'est donner une fessée avec une rame, quoi. Alors, la spanking kicking again. Putain, j'y arrivais pas à dire ce matin. Bon, la paddle, là, elle est faite pour vous, pour toi. Non, pour moi, ça va aller. Moi, je vous la laisse. Okay. Enfin, bon, pourquoi pas. La spanking kicking again est faite pour toi. Je l'ai découverte dans un club dans le Var. Oui. Donner une fessée spank. Spank veut dire fessée. Team Samy, Carmel. Ils en ont plusieurs pour justement faire des soirées fessées. Il s'agit d'une semelles de chaussures montées avec une poignée. Oh, c'est pas pour même. Vous faciliter le travail. Tu peux facilement te la procurer sur internet. Elle est légère et elle laisse des traces avec sa semelle 3D, comme sur une vraie paire de bottes, mais sans la douleur et le poids de la chaussure. En fait, idéal pour une bonne fessée. C'est vrai. Ami fesseur, ami fessé, bien le bonjour chez vous. À bientôt sur le forum. Ah, c'est fini, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voici l'objet en photo là. Ah ouais. Ah, donc en fait, ça te fait des marques comme quand tu marches dans la boue, mais sur le cul. Ouais, c'est ça, ouais. Comment expliquer, c'est une espèce de spatule et en fait la spatule c'est une semelle de godasse et tu tapes des c'est comme une raquette de tennis mais au lieu que ça soit un filet c'est une semelle de pompe. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on t'offre Asia la Spanking Paddle ou tu préfères le t-shirt Skyrock? Je préfère le t-shirt Skyrock avec la Spanking Paddle écrit dessus. D'accord, donc on va t'envoyer ton t-shirt Sky alors. On te fait un gros bisou Asia. Merci du témoignage en tout cas. Salut, bisous. Merci à toi. Bisous bisous. Et merci pour le problème du mois. Le prochain rendez-vous du problème du mois, c'est jeudi prochain dans l'émission, dans la Radio Libre. Vous retrouvez évidemment votre problème du mois pendant toutes les vacances. Ouais, et si vous en avez en stock, romano@skyrock.com, je suis preneur. Et là, c'est parti pour le journal des bleus de l'Euro 2016 de la France, de Skyrock, de la Radio Libre. C'est parti. L'Euro 2016. Journal des bleus, wouh! Wouh! Samy sur Skyrock. Voilà, on va vous le faire avant, mais le match est terminé il y a un quart d'heure. Et victoire du Portugal au tir au but face à la Pologne. Bravo les Portugais, Christian. Dans la douleur, les Portugais. Hein. Ah ouais, ils ont galéré, ouais. Il faut se méfier des équipes qui galèrent. Toujours pas gagné un match dans le temps réglementaire pour non, le Portugal. Non, toujours pas. Depuis le début de l'Euro. Mais ils sont en demi-finale. Déjà en demi-finale. Première équipe qualifiée en demi-finale. Demain, on suivra un autre match. Il y a Galles contre Belgique. Belgique. J'ai la Galles. Non, tu es belge, Cédric. Ah, rien à voir, je suis belge, oui. Eh oui. Et donc demain, on suivra ça en direct. Et là, tout de suite, le journal des bleus de l'Euro. Allez, on va commencer par un mec qui est un bleu, mais qui n'est pas à l'Euro. Ah. C'est Ribéry. Qu'est-ce qu'il fait, Ribéry? Vous savez où il était aujourd'hui, Ribéry? Ouais, c'est Gradure. Il était à Lille. Non, ouais, c'est ça. Ouais, il était à Lille avec Gradure. Donc, bon, ils ont passé la journée ensemble, ils ont fait des vidéos, machin, tout ça sur les réseaux. Donc ils ont commencé, ils sont allés au stade de Lille. Donc ils ont mis, Gradure a mis le maillot de Lille. Ils ont fait une fausse conférence de presse où ils lui posaient des questions à Gradure. Et Gradure, il faisait comme s'il avait signé à Lille, tu vois. On a les sons, non? C'est vrai. Ah, c'est pourri, on n'entend rien, gros. C'est vrai. Ouais, on n'entend rien, laisse tomber. Parce que ça va très vite, ça enchaîne, ça gueule, je comprends rien. Mais vous voulez aller voir sur les réseaux, mais ouais, radio, on va vous le mettre sur les réseaux de Sky. Ouais, voilà. Ouais. Donc on voit Gradure avec un maillot de Lille, genre dans le truc de conférence de presse, il répond à des questions, machin. Après, il croise Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Lille. Chauve. Donc ouais, le chauve, il lui dit ouais, bon, j'ai signé dans ton club, machin. Antonetti, il rigole. Et donc après, il part du centre d'entraînement de Lille. Ah, je rigole. Ils vont pour aller bouffer Ribéry et Gradure. Ils font une course de voiture sur l'autoroute. Ah. Bon, c'est pas très malin. C'est écrit 105. Ouais, Gradure, en fait, il filme la voiture de Ribéry qui est devant, machin. Il dit pas la vitesse, mais quand tu fais arrêt sur image, tu vois le compteur de la voiture. Il est à 158 km/h. Oh. Donc voilà. Gradure, il est en Mercedes, Ribéry, il est en Audi. Ribéry gagne la course au début. Et à la fin, Gradure, à 158 km/h, le dépasse. Et c'est Gradure qui gagne la course. Bravo, Gradure. Bravo. Bon, en Allemagne, Ribéry peut rouler à cette vitesse-là, mais en France, du côté de Lille, c'est interdit. Bah, il s'est trompé, oui, c'est Francky. C'est con parce qu'on le voit sur la vidéo. Bon, Franck Ribéry de retour dans le. Au pire, il se fera péter le permis, vieux. Gradure a arrêté le rap et il a signé pour Lille pour ouais, de vrai. C'est ce qu'il dit, ouais, dans le truc. Oui, donc c'est une blague, en fait. Ouais, ouais, il fait tracage aussi sur le ventre de Antonetti parce qu'il a un peu de ventre, tu vois. Ah, je suis un peu gros. Ouais, voilà. Et ouais, excusez-moi. Mais bon, ouais, c'est bonne ambiance. Donc ouais, voilà pour Ribéry Gradure. Et nos bleus. Sinon, pour les bleus, donc on va revenir sur ce qui s'est passé hier parce qu'on en a pas trop parlé. Donc hier, il y a eu entraînement en public. Le problème, c'est que c'est mal tombé puisque Deschamps n'était vraiment pas content. Pourquoi il était pas content? Donc en fait, il a gueulé, mais comme il y avait des spectateurs, tout ça, il y a tout le monde qui a assisté à ses coups de gueule. Ah, sympa. En fait, il a gueulé encore une fois sur Pogba. Putain, le pauvre. Le mais mec. Oh, le roi de merde qui passe. Pas genre, le truc, ça devient un calvaire pour lui. Faut être gentil avec Polo. Ah, ouais, non, mais bon, le problème c'est Pogba. Eh, je lui pourris la gueule. Mais faut être gentil. En fait, je suis gentil, c'est la tacotique. Il faisait un entraînement de centre et de reprise de volée. Donc, chacun leur tour, ils faisaient des centres, bam, des reprises de volée devant les cages. Et Pogba, il y allait bas les couilles, tu vois. Il mettait toutes les reprises à côté, au-dessus. Il faisait de la merde. Ah, il dedans, quoi. Ouais, pas du tout dedans. Et donc, à un moment donné, Deschamps a arrêté l'exercice. Ouais, on arrête tout. Et il lui a mis un coup de pression. Viens par là, le grand, là. Alors, je suis pas un guignol. Ouais, non, mais il lui a mis un vrai coup de pression, tu vois. Donc, derrière, il y a tout le monde qui sait. Parce qu'avant, ça rigolait, c'était un peu à l'arrache, tu vois. Ça rigolait moins après. Ouais, du coup, ça rigolait moins derrière et les mecs ont assuré. Bon, voilà. Par exemple, Griezmann, qui prenait les choses très, très à cœur. Lui, il a gueulé sur Gignac. Parce qu'en fait, Gignac faisait des centres pour Griezmann. Il a gueulé sur tout le monde. Et en fait, le truc, c'est que Griezmann, il est gaucher et Gignac, il lui mettait tous les centres sur le pied droit, tu vois. Donc, forcément, le mec, il reçoit le ballon sur le pied droit, c'est difficile de faire une reprise de volée du gauche. Donc, à un moment donné, il s'est arrêté. Griezmann, il a fait putain, mais t'es con, je suis gaucher. L'ambiance est bonne. Ouais, donc Gignac, là, ouais, pardon, excuse, machin. Tout le monde s'est reconcentré, ils ont fini l'entraînement. tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'était plus calme. Donc ça, c'était pas le petit coup de pression d'hier. Sinon, hier, aujourd'hui, il y a eu conférence de presse de Patrice Evra. Oui. Patrice Evra, spécialiste des punchlines. On a caché une taupe comme ça. Non, ça l'occupe pendant la semaine, il la cherche. Oui, Patrice Evra, si vous voyez un joueur à quatre pattes sur un terrain, il cherche la taupe. On lui a dit qu'on avait caché une taupe. Donc si vous voulez, on peut faire un petit peu les punchlines de Patrice Evra. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il a sorti un sur un Islandais. Ils sont toujours très bonnes. Parce qu'en fait, les Islandais, ils sont. Bon, c'est un petit truc comme ça dans le fond. Ils sont réputés pour faire des touches longues. Tu vois, les mecs, ils font des touches super longues, ça devient quasiment des centres. Et donc, en fait, Patrice Evra, on lui a posé une question au journaliste sur les touches des Islandais, machin. Et donc, Evra, il a répondu, il a fait. Ah ouais, c'est les lanceurs de javelot, tu vois. Pour dire que les mecs, ils lancent le ballon loin. C'est drôle. Attention le Karim Comedy Club. Attends, tu comprends pourquoi le mec il a fait footballeur et pas humoriste. Oui. Donc il y a eu un petit blanc, tu vois, un petit beat dans la salle de conférence. Pas forcément. Ouais, c'est pas la blague la plus drôle du monde. Punchline de Patrice. Étonnant. Donc si vous voulez, j'en ai noté quelques-unes des meilleures punchlines de Patrice Evra. Vas-y. Donc il y a 2-3 ans, il avait sorti en parlant de Roland Courbis, il avait appelé Roland Tournevis. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Il avait dit, c'est pas ce clochard qui va salir mon image, Roland Tournevis. Parce qu'il avait mal parlé de lui, t'es pas content, Patrice. C'était un rapport justement avec c'était quoi la Coupe du Monde foire avec la taupe. Ouais, c'est ça. Oui, la suite. Pareil, en parlant de Luis Fernandez, il avait appelé Michel Fernandel. Ah oui, c'est vrai. Patrice, c'est vrai, c'est meilleure blague. Quand il cherchait une top, il avait fait un blocage sur qui c'est qui parlait aux journalistes. Il avait déclaré en conférence de presse, la seule question qu'il faut se poser pendant la Coupe du Monde, c'est qui est le traître et s'il faut l'éliminer. Oui, c'est vrai. On avait même repassé cette punchline magnifique dans le morning. Non, mais c'est longtemps. Vrai qu'il avait eu un blocage il y a 4 ans. Sur la taupe, oui, ça c'est. 4 ans, même plus, 6 ans. Ouais, il cherchait René la taupe. Sinon, en 2011, quand il était critiqué parce que soi-disant il était très vieux, il avait dit, ce n'est pas si facile de remplacer Patrice Evra. Mais la preuve, il est encore là en 2007. Parlez-lui à la troisième personne. Ouais, c'est vrai que oui. Oui, mais il est encore là. Bon, Zlatan, pour dire de lui. Zlatan, ouais, c'est vrai. Ouais. Il a fait une petite Zlatan. Un petit truc de footballeur. Ouais. Sinon, voilà, là, récemment, il avait sorti il ne suffit pas de se balader avec des livres sur l'esclavage, des lunettes et un chapeau pour devenir Malcolm X. Ah, ça, il parlait à Lilian Thuram, ça. Ah, c'était en 2010. Ouais. Pas mal. Bon, a priori, il s'entend avec beaucoup de bon. Ouais, voilà. Ça clash un peu dans le milieu. Le roi de l'embrouille, Patrice Evra, et le roi des punchlines. Yes. C'était votre journal des Bleus de l'Euro 2016. Demain, on suivra le match Pays de Galles, Belgique. Ouais. Tu vas le regarder quand même, Cédric, c'est ton équipe. Ouais, bah, bien sûr. Mets ton maillot demain. C'est pour qui le Belge? Moi, je suis pour la Belgique. Ah, ça va. Je me rappelle, lors du dernier match de la Belgique, je regardais ça. Et j'ai dit à Cédric, tu regardes, il fait ouais, il y a un pote, il me force. Je me suis pas. Après, il m'a forcé à sucer. Oh, non. Mais c'était un plaisir. Oh, ouais. Et après, la deuxième mi-temps, il a même pas regardé. Non, j'étais en voiture. Oui. Bah, je suis parti, ouais. Bah, t'attends la deuxième mi-temps de ton équipe quand même. Demain, on fera les demi-temps, on regardera le match demain. On verra qui sera opposé au Portugal qui s'est qualifié ce soir. Yes. Ouais. Et la roulette qui tourne, c'est parti. Ça tourne. 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Et on est en direct Nico de Nice. Bonjour Nico. Ouais, Diffoul. Oui, comment vas-tu? Salut Nico. Une petite info pour les Bleus encore juste après. Ah, une petite info pour les Bleus juste avant de partir, mais d'abord ta roulette Rihanna. Info cul. Ah, super. Ah, il y a du cul. Ah, c'est bien. Ah, attention, info cul. Il y a un salopard dans l'équipe de France. Ouais, apparemment. Info cul pour terminer l'émission. C'est alors, Nico, 27 ans, t'es niçois. Tu fais quoi dans la vie, Nico? Aide-soignant. Très bien, t'es en train de bosser? Non, là, ça va, je suis au repos. Tranquille à la maison, allez, tu fais tourner, tu vas peut-être aller voir Rihanna avec Skyrock, elle passe à Nice en plus. Ouais. À l'Alliance Riviera. Ouais. Quand tu veux, tu l'arrêtes. Stop. Ah, mais tu ne l'arrêtes pas tout seul, j'ai entendu une voix de fille derrière. C'est qui? Ma meuf. Salut à ta chérie. Eh bien, vous allez aller tous les deux, j'imagine, voir Rihanna à l'Alliance Riviera, le concert Skyrock, c'est pour vous, c'est gagné, bravo Nico. Ouais. Bravo à vous deux. Bravo. Comment elle s'appelle ta copine? Japonais. C'est pour Marie. Ça c'est un cadeau. Bravo Nico. C'est quoi le prénom de ta copine? Stéphanie. Bah, tu fais une bise à Stéphanie. Bisous alors. Hein. Bisous Stéphanie. Et oui, de la balle. Et bon concert à vous. Bon Rihanna à vous deux. Merci. Salut Nico. Salut Stéphanie. Ciao. Alors, et pour demain soir, on est de retour. Mais avant de partir, voici l'info. Sexe. Alors, hier soir, oui. Par téléphone, Johan Cabaye oui. A annoncé à sa femme enceinte qui l'a quitté pour sa meilleure amie. C'est pas vrai. Oh le bâtard. Mais non. Du coup, dépression, elle a pété un câble, elle est sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pour ça qu'on le sait, parce qu'autrement, ouais, bah oui, c'est leur vie privée. Ah non, on le sait, ouais. Elle a insulté. Elle a mis des photos de sa meilleure amie, donc la meuf en question, donc, en disant qu'elle se tape son mari. Oui. Et que du coup, ils se séparaient, que cette salope. Elle a mis ça. Ouais, ouais, ça mettait avec son mari. Tous les messages ont été tout de suite effacés par Twitter et compagnie. Oui. Mais forcément, il y a des gens qui ont fait des screens, donc il y a tout qui ressort en ce moment-là. Et vrai, c'était vrai. Ah ouais, je suis en train de voir les trucs. La meuf, c'est normal qu'elle soit vénère. Hein. Fait des romans. Elle commence à mettre qui sème le vent récolte la tempête. Pour résumer, cette fille était présente à mes 27 ans avec mon mari. Maintenant, elle se la tape. Amitié quand tu nous tiens. Et avec une photo de la meuf. Ah bah, t'as les nerfs. Hein, elle est bonne, la meuf, ou pas? Sympa la préparation du match pour Cabaye. Non, mais je sais pas, elle est bonne. Ouais, c'est une photo, genre, elles sont jeunes, c'est en noir et blanc, vite fait, quoi. Ah oui, donc c'est une photo qui est très très vieille. Aujourd'hui, ouais, voilà. 90 ans. Non, mais c'est une photo genre de soirée. Elle avait que des photos en noir et blanc avant. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu touches mon physique. Ce n'est pas un problème, tu t'attaques à ma famille, à mes enfants. Je dois rester dans mon coin, alors assume un peu. T'as les gens qui règlent leur compte sur les réseaux sociaux, ça va te surprendre. Bon courage, Johan Cabaye, bon courage à toi. Et demain soir, du foot à suivre, la radio libre des 21h, on souhaite une bonne nuit. Ah si, attends, il faut quand même dire la punchline sur le physique de la meuf. Ouais, t'as vu, c'est ça. Elle la termine à la fin, c'est ça ta beauté, donc elle poste une photo de la meuf, hein. C'est ça ta beauté, et heureusement que tous les goûts sont dans la nature. Je préfère être cadavérique et ridé plutôt que de ressembler à un tonglier, moitié ton, moitié sanglier. Eh bien, on termine la soirée avec un tonglier. Non, mais franchement, le tonglier, bien trouvé. Je sais pas comment s'appelle cette demoiselle, mais bravo. Le tonglier. Bon, passez une bonne nuit, profitez bien, Prisca, et le son de Skyrock, rapper and me non-stop, urban music non-stop, toute la nuit. Et on salue le tonglier. Et puis, on vous donne rendez-vous demain à 21h. Bonne nuit, tout le monde. N'oubliez pas, Morning Best, demain matin, entre 6h et 9h. C'est avec Vincent, c'est sur Skyrock, c'est à pas louper. Et puis, bah, demain soir, une grosse soirée qui nous attend pour bien terminer la semaine tous ensemble. À demain. Bisous. Salut tout le monde. Salut, c'est bon. Best, the morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Tous les matins de 6h à 9h. Réveil de star tout de suite sur Skyrock avec Joule qui réveille la famille d'Eric ce matin. Oui, c'est qui? C'est Joule. Vas-y, tu vois l'heure qu'il est, pauvre connard. Wesh mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ouais, vous commencez à nous faire chier, vous savez ça. Du mal à sortir mes émotions. Oui, t'as du mal à sortir tes pressions, qui espèce d'abruti. 6h, 9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du Morning de Difool sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Wet.